IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Absolument. Bah oui, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, un hors-série, le 14e hors-série en l'occurrence. Sans compter le hors-série perdu. Le hors-série qui est dans une quatrième dimension. Toi, justement. Tu tournes direct en fait. Mais tant mieux, parce que apparemment je ne l'ai pas dit. Alors, j'étais persuadé de l'avoir dit absolument partout, effectivement. Alors, vous avez vu le titre, donc vous le savez. C'est un Floodcast de Geekos. Comme on en a fait plusieurs, on l'avait fait sur Star Wars, on l'avait fait sur Harry Potter, un des épisodes les plus écoutés, alors qu'il dure vraiment 3h30 quand même, rappelons-le. Et que Harry Potter, c'est de la merde. Non, c'est faux. Voilà. C'est faux. Ça tue au bout d'une minute. J'adore Hagrid. Et en plus, dès le début, du coup, tous tes avis vont être biaisés et non écoutés par une certaine partie de la population. J'adore Harry Potter. Les Potterheads, comme on les appelle. Donc oui, et on avait fait avec deux invités autour de la table, à savoir Nekoto, applaudissements. De mon nom civil, Ben Renault. Ben Renault, pardon, excuse-moi. Oui, non, voilà. Et Joe Hume, applaudissements. Et bien mon voilà. Civil Jean-Michel Michel. Meilleur nom. Vous comprendrez qu'il a changé. Voilà. Oui, on devait faire un spécial Spider-Man qu'on a fait et ça, que et qui était excellent, on peut le dire. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Il est incroyable. Il était vraiment stylé. J'avais fait des jingles, j'avais préparé des trucs. Et eh bien, dans la grande tradition de l'échec, dans laquelle Floodcast s'illustre régulièrement, il s'est perdu dans la nature. En fait, pour être tout à fait honnête, j'avais pas enregistré ma propre voix. Et vu que je prends beaucoup de place dans cette émission, autant vous dire que ça faisait un grand vide, peut-être reposant, mais qui du coup, on pouvait rien biter de l'émission. Donc du coup, et ben voilà, on l'a gardé entre nous. On avait mangé un petit McDo, donc c'était quand même sympa. Mais du coup, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, et je suis partie des dernières personnes à se dire qu'à cela ne tienne. C'est vrai, ça. Quand j'étais petit, je croyais que c'était un truc que tu cassais. Genre la tienne, vraiment. Casse la tienne. Eh bien, voilà. Je me suis dit, à la sortie approchante d'Avengers Endgame, et avant que tous les podcasts un peu pop culture le fassent, je les coiffe un peu au poteau. Allez. Pourquoi pas parler des films du MCU. Mais à la différence du Spider-Man, nous avons également une troisième invitée, puisqu'il s'agit de Vespe. J'ai jamais eu un accueil comme ça. Ah si, tu étais venu dans J'étais le venu pour spécial Star Wars. Star Wars. Mais quel geek. Exactement. Une émission de 32 heures. Une geekette. Et l'eau geekette d'ailleurs, que cette web série. Je sais pas si vous vous souvenez de cette petite web série du passé. J'aurais préféré ne pas. Oh non. Je ne connais pas, je me sens plus. Ah bah non, bah écoute. Donc. Spécial Marvel Cinematic Universe. Donc comme vous le savez, on en est à 21 films oui. Parce que ce sera le 22. C'est ça. Donc on va essayer de pas non plus passer 16 heures sur chaque film. Non. J'ai préparé dans mon petit conducteur un ordre assez particulier. En fait, je les ai classés par nombre d'entrées, ce qui peut paraître être très mercantile dit comme ça. Et en même temps, on est quand même sur une saga extrêmement mercantile de base. Mais en fait, ça offre un ordre intéressant, vous le verrez. Et mes trois camarades autour de la table, je leur avais demandé de préparer chacun dans leur coin, pardon, le top 3 des films, leur flop 3, leur top 3 des persos gentils et le top 3 des méchants. Voilà, tout simplement. Donc, quand le nom du film apparaîtra, vous n'hésiterez pas à me le dire que ça fait partie de votre petit top personnel. Et pour commencer, à votre avis, quel est le film qui a fait le moins d'entrées du Marvel Cinematic Universe. Ah, t'as fait décroissant. J'ai fait décroissant, ah, oui, ouais, c'est plus intéressant. Ah, ouais. C'est plus intéressant. J'aurais préféré les chocolatines. Pardon. Oh là parce qu'on est geek, mais on sait aussi se marrer. Bah, je vais tenter. Je prends la main. Je vais tenter un petit Thor 2, l'âge des ténèbres. Et c'est raté. C'est raté. C'est Hulk. Bien joué. Il s'agit effectivement de l'incroyable Hulk musique. Mais c'est la musique de la série. En fait, ces quelques notes sont déjà mieux que le film. Ouais, non, non, en fait, clairement, j'avais pas la. Enfin, on connaît pas la musique du film. Pas très connu, donc du coup, piano, j'ai mis. C'est mieux. Voilà, j'ai mis le piano de la fin de la série quand il marche avec sa petite veste. Et bah, figurez-vous qu'il est dans mon top 3. Non. Oh non, mais non. L'incroyable Hulk de Louis Leterrier, le petit français. Tu pardon, t'as dit de biper s'il y avait si ça triggerait une de nos listes, c'est ça? Oui, n'hésite alors pas. C'est dans mon flop 3. Ah d'accord, très vite, je le dis. C'est arrivé très ça, vite. C'est ça, désolé. Okay. Alors attends, je resitue quand même vite fait l'incroyable Hulk sorti en 2008, ça ne nous rajeunit pas. J'aurais c'est quelques le deuxième phrases... le deuxième Marvel movie, non? Exactement, c'est après Iron Man. J'aurais quelques phrases un peu de gros ringard de la radio, hein, donc ça ne nous rajeunit pas. C'est ça. C'est réalisé par l'italien français, deuxième phrase de ringard, Cocorico. Le petit français et voilà, donc oui, deuxième film. Donc lui le terrier metteur en scène de Le Transporteur 2, Le Choc des Titans et les films avec Sacha Baron Cohen qui joue un agent secret à qui on voit les couilles et qui retourne dans le vagin d'un éléphant, une filmographie qu'on peut envier, que personnellement j'envie. Contrasté. Écrit par ce monsieur Edward Norton, donc qui est également l'interprète de Bruce Banner, on y reviendra car c'est quand même bah, il est pas resté quoi. Et c'est coécrit par Zach Penn. Alors ce nom vous dit peut-être rien, mais comme vous savez, moi j'adore parler des scénaristes, ouais, parce qu'on les respecte rarement. Et Zach Penn, c'est l'homme qui a écrit entre autres, alors il était rarement seul derrière, Last Action Hero, X-Men 2, ouais, Ready Player One, Avengers, mais également X-Men 3 en territoire ennemi et le film Inspector Gadget. Voilà. Ouais, j'ai failli dire c'est un mec bien, puis après j'ai entendu Ready Player One, j'ai calme-toi. On part pas là-dessus, Tout n'est pas la faute du scénariste à chaque fois. On part pas là-dessus. Ouais. Mais voilà, donc Zach Penn. Donc flop 3, Ben, dis-moi ouais, tout. Mais flop 3 parce que. Alors j'adore Edward Norton en tant qu'acteur, même si ça fait longtemps qu'il a pas fait un truc très très foufou, à ma connaissance en tout cas. Il était dans un gros film récemment, mais c'est spoilé que de dire dans lequel il est, donc du coup on peut pas le dire. Ah peut-être. Voilà, je ne le dirai pas. Très bien. Non, en fait. Alita, ah pardon. Ah, ouais, c'est fou. Je crois que tu l'as dit, non? Ah, je l'ai dit, je suis désolé, pardon. Je suis sincèrement désolé. En fait, le truc, c'est que rien que Mark Ruffalo et le Hulk de Mark Ruffalo, genre juste un screenshot de ces deux-là, ouais, c'est mieux que tout le film. Mais après, je trouve que le Mark Ruffalo, c'est juste, ils ont décidé ce qu'était Bruce Banner, je pense. Parce qu'au moment de l'incroyable Hulk, c'est pas le même gars. Je sais pas si à l'époque de l'incroyable Hulk, c'est-à-dire juste après Iron Man, comme on l'a dit, ils avaient déjà cette ambition. Alors il y avait l'idée évidemment de faire un univers partagé, mais je pense pas qu'ils goûtaient déjà le succès. Donc en fait c'était un film de plus et puis on verra. Et il a pas vraiment été soigné ce film. Sachant qu'il y a un post générique quand même avec avec Iron Man, voilà, et le général Ross qui revient plein de fois après. Évidemment, évidemment. Moi je déteste pas Hulk. Voilà. Ah ouais? Je déteste pas ce film. Déjà il y a Liv Tyler dedans et pour moi c'est tout de suite un bon point. Ouais, bien sûr. Ça s'entend. Je trouve qu'Edward Norton fait le taf. Je trouve que la dégaine du Hulk est chambée. Ah, moi j'adore. On dirait un gros bébé David Douillet un peu énervé. Ah non, ça tu confonds avec celui de Ang Lee. Alors c'est pas forcément une bonne raison, mais oui, je comprends avec celui de Oui, mais non, celui de Luthéry est vachement plus anguleux, vachement plus veineux. Ouais, j'aime vraiment bien il sa gueule. Il fait plus récemment aussi. Et il y a Tim Roth qui est un méchant de merde, mais qui, quand il n'est pas encore l'abomination à la fin là, ça reste Tim Roth. Donc c'est. Oui, je suis d'accord. On a rarement eu un acteur d'aussi haut niveau, je trouve, dans le. En méchant dans le Marvel. Attendez mon top 3 des méchants. Je dis pas que c'était le meilleur, enfin dans le top des méchants, mais en termes d'acteurs qui incarne un méchant, je trouve qu'il était super. En fait, mis à part la scène qui est pas loin du début, c'est pas la scène d'ouverture, mais c'est la scène du début quand il court sur les toits à Rio ou dans une ville du Brésil, je sais plus laquelle. Ça, c'est cool. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de souvenirs mémorables, même les combats ou quoi. De rien du film. Franchement, il est pas. Pour moi, ça transforme pas quoi. Je l'ai même pas mis dans mon flop parce que je m'en rappelle plus. Ouais. Et on n'a pas trop envie de le revoir bizarrement non, en plus. Non, en vraiment, fait... je l'avais vu à l'époque et je l'ai jamais revu et je m'en fous. En plus, j'ai aucune affinité pour le personnage de Hulk. Ouais. En règle générale, même c'est pas venu après, comme disait. C'est venu parce que j'aime bien Mark Ruffalo et qu'il est, qu'il est mimi, hein, mais ouais. sinon, en vrai, je m'en fous. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que un des piliers de ce Hulk là, c'était, et j'ai bien aimé d'ailleurs, c'était que Bruce Banner, donc Edward Norton, essaye de gérer sa colère. Il fait même du jiu-jitsu brésilien, enfin des trucs comme ça. Et en fait, c'est cool dans le film. Avec Vincent Cassel dans les lasers et tout. Voilà, c'est ça. Mais après, ça a complètement disparu. Alors, ok, il y a Vincent Cassel. Mais c'est son grand truc. Il adore faire de la capoeira et du jiu-jitsu. Dans Ocean 12, je crois, il fait dans les lasers. En fait, après, ça disparaît complètement au point que dans Avengers, en fait, ma technique, c'est que je suis tout le temps vénère. Donc, c'est cool aussi, tu vois. Mais du coup, il y a une incohérence. Il y a un espèce de creux où, en fait, le personnage n'a pas été taffé. Comme c'est même plus le même mec, on s'en fout. Je crois que c'est ça, malheureusement pour eux. C'est le même MCU. C'est un soft reboot, tu vois. C'est un soft reboot. Toutes les personnes qui ont été changées, on le dira quand même, ont été passablement oubliées, quand même, terriblement. C'est vrai. Mais toi, Ben, tous les ans, tu fais un marathon. À chaque fois qu'il y a un nouveau Marvel, je me mate ceux d'avant. Tu l'as rematé plusieurs fois. Pas à chaque fois. Je l'ai rematé. Les trois mois. Pas à chaque fois, mais souvent pour les milestones. Genre là, quand c'était avant qu'Infinity War sorte, je m'étais tout refait. Tu l'as revu plusieurs fois, le Hulk. Bah ouais, mais avant, mon marathon, j'avais dû le faire pour Avengers, donc tu vois. Ou pour Avengers 2, qui est mais très ça, mauvais spoil. Ça, il faut le faire. Le faire quand même, parce que moi, j'oublie beaucoup. C'est-à-dire que là, je suis allé voir, quand je suis allé voir Captain Marvel, on y reviendra. Mais quand il y a le cube, le Tesseract, j'ai fait, je l'ai vu ce truc-là, mais alors va te souvenir de quand il a été utilisé. Alors je me souviens qu'il est dans la moitié des films. Captain America 1. Je t'en souviens pas. J'avais rien. Petite anecdote autour de l'incroyable Hulk. Savez-vous quel acteur devait jouer dedans, mais n'est pas dans le film, il devait faire un caméo parce qu'il s'est endormi dans sa caravane. Oula. C'est la pire raison pour ne pas être dans un film quand même. Jean Reno. Non. Ah. Moins vedette. Moins vedette que Jean Reno. Mais tu es sur la bonne nationalité. Vincent Cassel, du coup. Non. Christian Clavier. Non. Pensez Louis Leterrier. Mouloud Achour. Non, français du coup. Français. Mouloud Achour. Exactement. Ah oui, Mouloud Achour, c'est vrai. Il s'agissait de Mouloud Achour, qui fait tout le temps des caméos dans les Leterrier. Voilà, qui devait jouer dans Hulk et il s'est endormi apparemment dans sa caravane et donc malheureusement il n'a pas pu et donc c'est pour ça que plus tard il a fait jouer dans le Choc des Titans. Il avait un vrai rôle. Mais il aurait pu faire partie du MCU en fait. Mouloud Achour, il aurait pu demander à Iron Man, c'est quoi pour toi une clique? Voilà, tout ça, tout bonnement. Raté. Et aussi, alors un autre truc un peu rigolo, Louis Leterrier a tenu à rendre hommage à une personnalité française, elle aussi, dans le film Hulk. Savez-vous laquelle? Et personnalité fictive ou vraie? Personnalité, non, quelqu'un a vraiment existé, je peux même vous le dire, c'est un sportif. Français le sportif? Français. À part Zidane. Écoute, tu ne crois pas si bien. Et il s'agit de Zinedine Zidane, vous savez comment? Dans Hulk? Ouais. Il y aurait une partie de foot à un moment sur le campus. Un extrait. Non, écoutez, c'est pendant la baston entre l'abomination, exactement. pendant l'abomination contre Hulk. Il y a un coup de boule de Hulk contre l'abomination au niveau du torse. D'accord. Qui est un hommage à Zinedine Zidane, l'avait dit de démo. Mais voilà, vous êtes complètement en train de faire remonter le film dans mon estime. Ça vient des propos même du metteur en scène, Louis Leterrier. Je m'en rappelle plus, j'imagine le truc le plus débile et à chaque fois c'est bon. C'est vrai que les deux fois t'as fait, bon, ça doit être ça, en blague, et à chaque fois t'as eu. Ça m'a rappelé un truc stylé, j'avoue, sur la scène de fin, le combat que j'ai pas aimé, quand il se jette de l'avion ou de l'hélicoptère, je sais plus, et qu'il se transforme, mais pas dans les airs. C'était assez stylé. Ouais, mais il y a quelques petites bonnes idées. Il y a des petites gouttes, puis il faut le remettre dans son contexte. On passe au deuxième film. Captain America 1. Captain America 1. Ah, c'est un blind test en même temps. C'est fort. Alors, c'est lui qui a fait la deuxième moins d'entrée. Moi non plus. Captain America 1, réalisé par Joe Johnson, qui est quand même pas un manche, puisque c'est quand même le gars qui a fait Jumanji. Oui. Entre autres, est-ce qu'il est dans le top flop d'un truc de vous trois? Il est dans mes top 3 de héros. Voilà, dans un de tes héros préférés. Ah, dans les héros, il y est aussi, pardon. Mais est-ce que c'est dans ce film-là où vraiment tu le trouves ultra stylé? Parce qu'ils ont tous un peu évolué à la manière d'une série télé. Je le préfère dans le 2, moi. Le truc, c'est que quand j'ai fait mon top 3 de héros, j'ai pas spécialement réfléchi en termes de film, j'ai réfléchi en termes de ce que pour moi il représente dans l'ensemble du truc. Okay, et pour moi, Captain America, c'est vraiment un pilier. Et j'aime la manière dont le personnage a évolué. Donc c'est pas forcément en voyant le premier Captain America, je me suis dit, oh putain, lui c'est mon préféré. Mais la manière dont ils ont fait évoluer le personnage, notamment avec Civil War, qui est pourtant un film que j'aime pas trop, je trouve que le traitement de Captain America est assez intéressant. Ne teasez pas vos avis, histoire que nous gardions les gens pendant 4 heures. Des cartouches. Moi je l'ai mis dans mon top héros parce pour une... Enfin, Les raisons qui font... Attends, comment je fais cette phrase? Dans les raisons qui font que je l'ai mis dans mon top 3 de numéro, il y a le fait que je pense que... Oui. C'est... Beaucoup trop de COD, mais vas-y. C'est la mini-franchise dans le MCU la plus réussie. C'est-à-dire, à Captain America 1, 2, 3, c'est mieux que Thor 1, 2, 3 ou que... Iron Man 2, 3, par exemple. Et je trouve que le perso, effectivement, comme disait Joe, a très bien évolué et qu'il est réussi quasiment dans tous les films, quoi. Et le film est écrit par Christopher Marcus et Stephen McFeely. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est eux, ils ont accompagné Captain America sur les trois films. Ah, ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'ils ont écrit la trilogie jusqu'à. C'est peut-être d'où cette cohérence. C'est même ça. Si après on se dit que, enfin voilà, le travail des scénaristes au bout d'un moment dans le Marvel Cinematic Universe, c'est oui, connu. Ça doit plus être trop, les grandes lignes sont quand même très tracées, quoi. Et puis ils sont au bout d'un moment 14 par film. On y reviendra. Voilà. Donc, et ils ont fait aussi la trilogie Narnia. À la base, ça vient d'eux. Enfin, c'est eux qui l'ont écrit. Et le film No Pain No Gain. J'adore pouvoir le cité. Vesper, tu l'aimes bien toi celui-là? Ouais, j'aime beaucoup, ouais, pour le coup, j'avais bien aimé à l'époque quand il était sorti. C'est une période de base que j'affectionne particulièrement, donc j'aime bien le petit cachet. Très très bonne idée, ça, avec d'ailleurs. Les petites USO Girls, voilà, les petits spectacles. C'était vraiment cool. Puis j'aime bien Red Skull. Ah, très bon méchant. Pas dans mon top, mais très bon. Moi, j'ai du mal un peu avec. On va spoiler, hein, comme des salauds. Hein, je préviens. Hein, j'aime bien les nazis. On prendra cette phrase. Hein, on prendra. Mec, je crois que je l'ai dit peut-être dans 20 émissions différentes. on en fera. Si quelqu'un veut lancer un Fred, le j'aime bien les nazis de Vesper, n'hésitez pas, histoire qu'elle nous fasse un bon petit bad buzz. Non, moi, ce que je trouvais super intéressant dans celui-là, c'est qu'il se passe effectivement dans d'autres années. Ce qui était quand même extrêmement excitant. C'est ce qui est un peu perdu en excitation dans les autres films. Et dès que tu changes un peu la formule, c'est quand même vachement cool, quoi. Et au plus, gros travail sur les FX aussi. Je vous conseille une très bonne vidéo de Monsieur Bobine, il s'intitule. Il est revenu sur, bien sûr, j'ai oublié le nom parce que je suis un connard, mais en gros, les rajeunissements, les trucs comme ça. Et du coup, il revient sur Captain America, qui était un des premiers films à non pas rajeunir le visage, mais à changer le corps. Ouais. Parce que Chris Evans, Chris Evans, c'est tout maigrichon au début du film. Mais au tout début, quand c'est sorti, quand il y a eu le trailer, moi, je me suis demandé si c'était pas lui qui avait. Christian Bale qui joue le rôle, oui. Mais... Voilà. Non, mais effectivement, c'est hyper, hyper bien fait. C'est bluffant. Et puis Peggy Carter, voilà. Ah oui. Bon argument. Peggy Carter, rappelle-moi. C'est sa gossure. Et Tommy Lee Jones, petit caméo sympathique. C'est gratos, hein, quand même. Hein, ouais, mais ça va. J'ai oublié aussi. Il y a Tommy Lee Jones. Il fait le militaire. Ah oui, c'est mais ça va, franchement. Et je crois que je serais incapable de te citer un film qu'il a fait depuis, d'ailleurs, en vérité. Tommy Lee Jones. Man in Black. Non, ils l'ont changé. Non, c'est vrai, c'est pas lui. Par un autre gars qui apparaît dans le MCU. Bah, il est vieux maintenant. Écoute, faut qu'il y ait des gens qui sont vieux qui continuent à faire ça. C'est vrai. Et Captain America, c'est 2011. Ouais. Donc en fait, ouais, pareil, on n'avait pas eu un milliard encore de films Marvel en fait. C'est le troisième, non? C'est le quatrième. Il y a peut-être plus un temps avant. Je crois qu'Iron Man 2, je crois aussi. Il y a eu Thor aussi. Il enchaîné Iron Man. En fait, ils mettent. En fait, je dis de la merde. Je disais donc c'est n'importe quoi. Ils disaient absolument n'importe quoi. Ils ont mis les premiers films de chaque Avengers, de chaque Avenger, avant de faire Avengers. Mais ils avaient déjà fait Iron Man 1 et 2 en plus. Le 2 était déjà. Iron Man c'était le MVP. Bon, celle-là, elle est effectivement, très facile. Mais Chris Evans, qui était aussi un autre super-héros. La torche humaine dans les deux films, 4 fantastiques. Ce qui pourrait d'ailleurs. Petit ange parti trop tôt. Et vraiment, gâchis total du surfeur d'argent, ces films. Hein. Gâchis total de beaucoup de personnages. Ouais. Tu sais qui c'était le surfeur d'argent? Ouais, je crois. Toi qui es un Star Warsos. Ah, moi je l'ai en Delta Rose plutôt. Mais vas-y, dis. C'est le pan? Bah oui. Ah, bah c'est Darth Maul aussi. Ouais, voilà. Ray Park. Ah non. Ah si. C'est Ray Park? Ah, c'est Ray Park. C'est Doug Jones. Ah non, pas le surfeur. Ah ouais? Wikipédia. Pour moi, c'est Ray Park le surfeur. Ah ouais, donc, j'ai peut-être dit n'importe quoi. Non, peut-être, attendez. Vesper est en fact-checking. Je n'hésiterai pas à t'intituler Maître Nadja. Trump, si jamais tu vilipendes de fausses rumeurs dans mon podcast. C'est pas comme si t'avais un ordi devant toi. Ouais, mais bon, j'ai un enregistrement que je foire une fois sur deux. Donc, j'essaie de tout vérifier. Il n'avait pas déjà un bon palmarès de films de comics, Chris Evans? Genre Scott Pilgrim, c'était avant? C'était pendant? Scott Pilgrim, c'était avant. Enfin, c'était après Les 4 Fantastiques. Mais c'était avant Captain America. Ouais, donc il avait déjà fait. Non, non, non, je quoi verrai pas. Que Répark, c'est pas lui le surfeur. Bah, va sur l'affiche du surfeur d'argent 2. Enfin, du truc. Ouais, d'ailleurs, ça, pour le coup, au niveau du rachat de 20th Fox par Disney, c'est le héros, je crois, qui m'excite le plus. Oui. Autant les X-Men. Bah, les et 4 tout. Fantastiques, moi, je suis. Les 4 Fantastiques, ah, non, tu parles surfeur, toi, moi, je parle vraiment du surfeur d'argent. Le surfeur d'argent, il y a des choses incroyables à faire avec. Exactement. Les possibilités sont dingues. Et en fait, oui, et surtout, on n'a pas vraiment vu son film. Et du coup, parce qu'autant les X-Men, les trucs, t'auras toujours ce truc de bon, je les ai vus d'une certaine manière. Et même les 4 Fantastiques, même si on est tous d'accord que c'est pas ouf. Oui, ils existent dans nos esprits. Tu les as déjà vus. Non, c'est Doug Jones. Ah bah écoutez, ma faute. Voilà. Mais à mes coups You are fake news. Je suis Trump. Je suis Trump. Tu es bonjour, ni plus ni moins que Trump. C'est enchanté, c'est moi. Non mais c'est cool que ces années de célibat aient servi à quelque chose au moins. Je peux avoir quelques cultures. La vérité a éclaté. Donc oui, qu'est-ce que je disais. Oui, et un film sur fer d'argent, moi je serais comme un ouf. Bah si, grave, mais si voir pas Galactus comme dans mais le Fantastique, si ça c'est va. Marvel qui prend le truc, on sait qu'au moins non, ça non mais va. Le truc c'est que enfin là en plus avec Thanos, il aurait fallu qu'ils introduisent le surfeur d'argent il y a plus longtemps, mais normalement son implication dans Infinity War et Gauntlet et tout est beaucoup plus il est là. Oui, mais du coup ils l'ont remplacé. Oui, ils l'ont remplacé, mais c'est fort dommage. Après je crois que dans les prochains là, sans vouloir spoiler, il y a Celestials en 2022 je crois, et du coup bah ça toucherait ça toucherait Galactus du doigt, donc je c'est sais qui pas. Juste pour qu'on replace Galactus un petit peu. Non, Galactus je l'ai, mais ah ouais. Les Célestials, bah c'est des entités, bah en fait ouais. dans Guardians of the Galaxy ils vont dans une tête d'un mec mort. Bah c'est un céleste. Pour voir de toute façon, Guardians of the Galaxy, je trouve, c'est celui qui a le plus des trucs de gros nerds de comics. Ouais, ouais. Hein, c'est vraiment. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment. Mais il n'y a pas. J'ai vu des rumeurs en plus aujourd'hui comme quoi Angelina Jolie devrait être. Oui, comme quoi et tout. Machin, oh, oui, pour jouer qui ils n'ont pas dit un perso. Ils ont vraiment pensé. C'est la dernière qui n'est pas encore dans le MCU. Bah, il faut être dans le MCU. À un moment, il y a vraiment tout Hollywood. Hein, c'est vraiment quand même extraordinaire. On va passer au prochain film. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je ne mets pas tout de suite la musique. Ah, à votre avis, qu'est-ce que c'est? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Sachant qu'il a fait un disque comme ça 450 millions de oui, dollars. Oui, voilà, de après on est sur des petits scores. Je retente un Thor 2. Non. Oh, putain. Vrai, mais... Ah ouais. Un Ant-Man. Ant-Man, ouais. Non, pas Ant-Man. C'est quelle phase? C'est un vieux. Alors dites-vous qu'en fait, bon, et c'est assez logique hein, quand on y pense, c'est Iron Man 1. C'est assez croissant avec l'histoire, ce n'est pas Iron Man 1. Bah du coup... Je vous mets la musique. Allez. En indice... Je regarde juste la liste des films. Hein. Ok. Je ne triche pas. C'est pas la musique la plus connue. Putain. Non, mais t'étais pas très loin. J'ai dit quoi? Bah t'avais dit Thor 2. Ah, Thor 1. Bah c'est Thor 1, tout simplement. J'aurais jamais deviné. C'est pas le thème principal. Je connais pas le thème principal, pour être tout à fait honnête. Ah ouais, non, j'aurais pas trouvé. Thor 1, réalisé par Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, qui est quand même très connu. Pourquoi? Ah, les Potterhead. Il va se calmer. J'adore Potter. Les Potterhead et les Valriskyred, ceux qui ont vu le film Valkyrie et les Hamlet, les Hamlethead et les Frankensteinhead. Voilà, enfin tous ces gens-là. Ouais, tous les heads. Kenneth Branagh, qui a réalisé quel film déjà? Frankenstein avec De Niro, justement. Frankenstein avec De Niro. Et Hamlet, c'est sûr. Incroyable. Et là récemment, Le Crime de l'Orient Express, qui était. Oh, j'ai bien aimé. Paf. Vous êtes des fous. Alors, il avait un beau casting. Voilà. Ouais. On peut pas le retirer. Il avait un beau casting. Ouais, mais c'est le concept du vieux aussi, enfin du d'il y a des années. Alors moi j'étais plus sûr, je connaissais pas moustache. La fin. Ah mais oui. Non. Mais si. Ouais, bah, et des fois ça vaut le coup de pas connaître. Mais qu'on ne dira pas dans ce podcast. Bah non, jamais. Alita. Ne spoil pas un livre qui est sorti il y a 50 ans. Non, je ne spoil pas. Je ne spoil pas. Énormément de problèmes sur temps. Même beaucoup plus. Alors. Comme une abondance de Dutch Angles par exemple. Alors on va commencer sur les contres du coup, et je tourne vers Joe visiblement. Alors le pire c'est que moi j'étais totalement pour et vendu sur Thor. J'adore le personnage. Je trouvais que Chris Hemsworth c'était un super choix. Le réal aussi était. Le réal. Pour moi, Bah, le réel, il le vaut bien. Je vais peut-être me défenestrer. Je suis à un cheveu de me jeter par la fenêtre. J'ai pas de cheveux, c'est marrant. Et le problème, c'est que t'as l'impression que Branagh s'est complètement fait bouffer par le projet. Et pourquoi tous ces angles de caméra penchés tout le temps, quoi. Ouais. Alors, mais à aucun moment il filme droit, quoi. Je pense qu'il a dîné avec Michael Bay et que... Incroyable. C'est... Et donc, ouais, j'ai trouvé que ça. Enfin, vraiment, il manquait quelque chose. C'est un film sympathique, mais c'est un peu. Voilà, je trouve pas que ce soit abouti du tout. Tu n'es pas très fan. Moi, j'aime bien, j'adore. Enfin, j'aime beaucoup Asgard. Enfin, l'univers est stylé. Ah, ouais, mais quand c'est sur Terre, c'est chiant. Bah, quand, surtout quand c'est sur Terre, c'est dans un village, quoi. Enfin, c'est vraiment. Ça dépend. La scène du Destroyer, elle est quand même stylée. Ouais, non, mais il y a trois pèlerins autour, quoi. Mais le truc, c'est que. C'est vraiment. Pour moi, c'est l'archétype des films de super-héros où t'es censé y avoir des destructions d'ampleur, ouais, mais qui se déroulent avec trois figurants, quoi. En fait, je trouve que Vesper, elle l'a bien résumé, j'allais dire pareil, c'est que à Asgard, ça se passe hyper bien, et sur la Terre, bof, et je pense que ça vient du fait, quand ils ont annoncé Kenneth Branagh en réal, moi je me suis dit, cool, le mec, il vient du théâtre, il connaît les films en costume, parce qu'au final, quand tu vois Asgard, c'est un film d'époque, quasiment, enfin, tu vois. Et en fait, je trouve que là, ça fonctionne. Un peu raté quand même, Asgard, moi je trouve ça un c'est un peu kitsch, mais ouais, c'est assumé, tu mais vois. Justement, ouais, bah, j'aime bien ce kitsch. Pas assumé de ouf, moi. C'est ça, c'est. Non, mais voilà. Je trouve que c'est un peu Flash Gordon, quoi. Ouais, mais c'est cool, du coup, je teste pas, moi. Après, ça plus assumé dans genre le 3, par exemple. Oui, voilà, d'où le c'est assumé après. Parce que je pense qu'à cette époque-là, surtout qu'il voulait faire l'origine story de Thor, c'est-à-dire le mec qui est sur Terre, qui a été déchu, etc. Oui, bien sûr. Et du coup, je pense que leur image de l'espace, enfin de tout ce qui se passait dans le space Marvel, quoi, c'était pas ce qui est dans Thor 3 ou qui est vraiment mieux, tu vois. Bien du sûr. Coup, ils ont tenté, mais moi je l'aime. Enfin, alors Thor, je l'ai mis dans mon top 3 héros, ouais, parce que je pense aussi que sur les 3, même si le 2 est quasiment à chier, on y reviendra. Je trouve que c'est un héros qui, enfin, c'est un des piliers du MCU, quoi, notamment Chris Hemsworth, qui est super. Et le 1, moi j'ai de la tendresse pour lui. En plus, il y a Anthony Hopkins et tout, enfin, oui, tu vois, enfin, Odin. Et il y a Loki qui est. Et Loki, c'est le début c'est de Loki. C'est la première apparition Loki de Loki. Loki, par définition, je l'ai mis dans mon top méchant. Oui, allez, voilà, là, tu check. Top méchant, mais moi aussi, il est dans mon top méchant parce que je le baise. Bah alors. Ouais. Alors moi, dans l'idée, je le mets aussi. Je l'avais gardé pour Avengers, que j'avais pas fait comme vous. Moi, j'avais gardé le film où je trouve qu'il est magnifique. Mais on peut le garder pour plus tard. Je le garde pour Avengers. Si quelqu'un l'avait mis dans son top héros, je dégueulais pas. Oui, parce que. Oui, non, mais. C'est ça. Après, moi, je pète Tom Hiddleston, mais pas Loki. Après, ça, c'est juste. Oui. Après, parce que déjà, tu pètes ce que tu veux, déjà il y a vraiment personne te jugera sur ce que tu pètes. Mais non mais c'est le méchant est quand même assez, je sais pas, moi je le. Mais est-ce que c'était déjà dans le temps, j'avoue, j'ai pas de ah bah vague oui, bah souvenir. C'est, là que c'était hyper théâtral et hyper tu vois, c'est genre le méchant très méchant, le gentil très bon, etc. C'est moi en fait je trouve que c'est Hamlet, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. En fait tous les trucs exagérés. Vous y allez. Mais non, mais c'est ça, en fait, je suis entièrement d'accord avec Vesper. La référence, disons. Exactement. Tous les comportements qui sont exagérés, c'est pour moi c'est du théâtre en fait. Parce qu'en vérité, l'humour c'est plus les visiteurs. Voilà. Mais c'est vrai, mais c'est les blagues. C'est un peu les couloirs du temps quand même, d'accord. C'est le même principe que les visiteurs. Moins de blagues de caca. Moins de blagues de caca. Mais tant de blagues que ça de « Oh, je suis pas dans mon époque ». Ah si, c'est ça que je veux dire. C'est ça que tu veux dire. Si, la bande-annonce terminait par Facebook, mais donc elle laisse le livre avec des faces. Tu vois, oh là, gars, calme-toi. Ça, ça. Non mais ça, enfin la bière, j'en veux une autre, il jette le gros par terre. Très... Oui, mais Coulson, son of cool, j'ai bien aimé. Quand il appelle. Bah arrêtez. Bon, je suis client de la Gaudry. Oui, les jeux de mots, voilà, t'as dans les jeux de mots. Et il y a la fille là qui joue un second rôle, j'ai oublié son nom, qui est très marrante. Qui est René Russo. Non, ça c'est la mère. La pote de Nathalie Portman. Ouais, René Russo. Qui joue dans Two Broke Girls. La meuf de Girls, ouais. Que elle aussi, j'y vais. Bah mieux lire, elle l'appelle mieux. Oui, c'est ça. Tu pètes les deux aussi. C'est le comique. En fait, je veux Loki et elle en même temps. Moi j'ai Kat Dennings. Voilà, elle est très très marrante. Et je pète René Russo également. Voilà, quand j'en ai. Bah quoi. Non, mais on peut y aller. Elle 4. Et moi je pète. Alors je pète Sif du coup. Ah tu lui pètes le sillon interfacial. Tu pètes avec ton Sif. Non mais du incroyable. Coup là, qu'on voit plus après voilà. Oui ça il y a des gens qui disparaissent hein, clairement c'est ça. Elle joue dans Agent of S.H.I.E.L.D. Ouais mais je veux pas regarder série de merde du coup j'ai... Et on voit Hawkeye hein, je crois dans Thor aussi apparemment il c'est la première fois qu'il d'ailleurs il s'appelle pas Hawkeye tout de suite. Ils disent Barton donc c'est son nom voilà. Bien sûr. Et effectivement il manque de décocher une flèche sur Thor. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et parmi les scénaristes il y avait Ashley Miller, pardon. Oh. Non, pardon, pas Ashley Miller. Y a Ashley Miller aussi, mais il y a surtout Don Payne, qui est un historique des Simpsons. Parce que moi, je suis un gros Simpson addict. J'aimerais faire un podcast un jour autour des Simpsons, mais je ne sais pas comment, parce qu'il y a vraiment un milliard de saisons. Tu feras pas épisode par épisode. Ouais, cette non, fois. Là, on va peut-être éviter. Mais il a fait de très grands épisodes des Simpsons. Et en fait, les gens, quand ils commencent à dire ah, les Simpsons, ça devient de la merde, nani, nani, nana, c'est celui qui faisait les très cools épisodes des Simpsons. Okay. Et il a aussi écrit le film Super Ex, voilà. D'accord. J'aime bien sortir des petits films du passé comme ça. Avec Uma Thurman. Avec Uma Thurman, okay, bien celui-là, sûr. Okay. Ensuite, à votre avis, quel film? Donc là, on commence à être sur des chiffres. Bon, dès le début, on était quand même pas mal. Là, on est sur plus de 500 millions d'entrées. 500 millions de dollars de recettes. Oui, de recettes. Ok. Parce que que 500 millions, c'est. Tu peux dire la phase ou c'est trop facile ? Alors moi, je connais pas trop les phases, mais je. Est-ce que c'est vieux c'est ou pas vieux ? C'est pas vieux. Ant-Man ? Mais c'est pas récent. C'est Ant-Man, oh, très très bien joué. Un ou deux. Il s'agit un du 1, tout bonnement ouais. Du 1. Alors ça, est-ce que. Je mets ah un oui, la petite musique mue. Parce que voilà. Écoute. Fais un petit peu, arrête-moi si tu peux. Ouais, grave. Les Indestructibles aussi. Oui. Quel musicien. J'y reviendrai pas à chaque fois d'ailleurs, mais il faut savoir qu'il y a souvent des compositeurs différents sur les films Marvel. C'est-à-dire que sur Captain America, c'est Sylvester. Ouais. Voilà. Et sur les Avengers aussi, je crois que c'est. Et sur les Avengers, ouais. c'est pas Daniel Elfman. Non, c'est Danny Elfman sur les Avengers. Non, Danny Elfman, il est pas sur les Avengers. Je crois que c'est Sylvester. Oui, il y a peut-être des teams. Non, le thème de Avengers, c'est Sylvester. Ah. Je sais plus. Internet. Et là, c'est Christophe Beck. Voilà, ah. Christophe Beck qui a fait les musiques de Frozen. Voilà, exactement. Voilà. Donc quelqu'un qui ne passe un manche tout simplement. Ant-Man que moi j'apprécie beaucoup. Alors je moi, sais je que les gens sont. Est-ce que je pense. Ah ouais. Est-ce que le nombre d'entrées. Sylvestri qui... Avengers. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que le nombre d'entrées qu'il met en bas de ton classement vient pas du fait que tout le monde avait dit ouais, Gar Wright, ouais. Bah ça, je pense que c'est très métier. Je suis cette connasse, oui, mais oui. Je l'ai vu quand même. Non, j'ai pas dit que c'était des connards les gens. C'est juste que je pense que ça a souffert de ça. Moi, je pense que ça a souffert de post. C'est de nouveaux personnages aussi. Je pense. Ah oui. C'est-à-dire que c'est quand même après Avengers et Iron Man 3, et d'un coup, t'as ce gars que les gens connaissent pas vraiment, qui est un peu fun, qui a quand même un pouvoir débilos. Et du coup, je pense qu'il a peut-être souffert un peu de ça. Parce que, en vrai, donc oui, alors les gens le savent beaucoup, mais c'est un film qui a eu une préparation un peu compliquée, puisqu'à la, toute base, c'était Edgar Wright qui devait l'écrire et le réaliser. D'ailleurs, dans le film, on retrouve plein de trucs de lui, on les y reviendra. Trucs bien, c'est les trucs de lui. Voilà, plus ou moins. Et donc, du coup, oui, dans la communauté geek d'internet et tout, effectivement, c'était vraiment du vol, quoi, de pas avoir ce mec-là. C'était un tollé. Même Josh Whedon à l'époque avait posté un petit message, juste une photo. Il avait posté une photo de Cornetto. C'est ça, ouais. Pour dire bah, je te soutiens, bro. Mais bon, le film a quand même fait, encore une fois, hein, quand on parle de pas beaucoup d'entrées chez Marvel, ça reste le PIB de la Belgique. Ouais. D'ailleurs, on parle beaucoup d'Edgar Wright, mais il y a aussi un autre très grand scénariste qui a travaillé sur Ant-Man et qui, pour le coup, lui est crédité. Savez-vous de qui il s'agit ? Un nom connu vraiment ? Ouais, très connu. Crédité ? Je crois qu'il a bossé déjà dans le MCU avant ? Il a jamais travaillé ni avant ni après dans le MCU. Et il est plutôt adepte de comédie, encore que ces derniers temps, ça a un peu changé. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Judd Apatow ? Alors, pas Judd Apatow, mais c'est cette team-là. Donc, ah, pas très loin. Donc David Gordon Green ? Non, c'est presque. De toute façon, il t'en reste plus 1000. Oui, bah, c'est donc. Merde. C'est lui qui était nommé aux Oscars pour Vice. Merde. Du coup, je vais vous le dire. Bah, oui, Adam McKay. Voilà, Adam McKay. Donc réalisateur formidable. Formidable qui a quand même fait, entre autres, l'excellent Anchorman 2 et Anchorman 1. Je et, défends Anchorman 1 aussi. Chef-d'œuvre. Et pour moi, un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et je le dis, et j'ai pas peur. À savoir Step Brothers, que je trouve bien plus intelligent qu'il n'y paraît. Le meilleur film de Apatow. Enfin, de la production de la prod Apatow. Avec John Cerilli qui est dans le MCU. Exactement. Et il y a aussi, bon, quand même pour le citer, également dans les scénaristes, mais je pense qu'il était plutôt avec la team Edgar Wright au début, Joe Cornish. Joe Cornish qui est le mec qui a fait Attack the Block, qui est un peu le co-scénariste. J'adore. Il bosse des fois avec Edgar Wright, ils étaient aussi ensemble sur le Tintin de Spielberg. C'est ça. Et là, il a sorti un film sur Alexandre le Grand, un gamin qui se prend pour le roi Arthur. Pas Alexandre le Grand, le roi Arthur. Pardon. Le roi Arthur. On peut pas shifter et faire le podcast que sur Step Brothers en fait. On arrête, on fait un podcast sur Step Brothers. Non, mais parlons de Ant-Man. Ant-Man qui du coup est réalisé par Peyton Reed, pardon, qui est un gars qui a pas vraiment brillé par sa carrière. C'est le mec qui a fait Yes Man et La Rupture. Je sais pas si vous avez vu ce film. Qui est un Yes Man? Après moi je suis toujours un peu gêné avec ce terme parce que bon Ça discrédite complètement le gars quoi. Ouais, et puis je n'aimerais vraiment pas être le gars qui passe après Edgar Wright et qui essaye de faire un film qui a du sens avec Disney. Il a fait le 2 aussi hein. Et il a fait le 2 et je pense qu'il a été beaucoup plus libre sur le 2 et En fait moi j'aurais possiblement pu mettre Ant-Man dans mon top héros, mais il y en a d'autres qui passent avant lui, mais c'est aussi le fait que c'est pas vraiment un héros, c'est-à-dire j'ai revu le 2 là il y a pas très longtemps et en fait c'est pas vraiment un héros, c'est-à-dire que justement, je pense que c'est un anti-héros. Par contre, c'est un des persos les plus marrants. J'adore en plus Paul Rudd. J'adore Paul Rudd je aussi. Je trouve vraiment très moi drôle, aussi. Quoi. Moi aussi. Voilà, Ant-Man, je m'en fous. Je le pète. Mais Paul Rudd, je le pète ouais, aussi. Je le pète aussi, ouais. On va pas dire tout ce qu'on pète, hein, parce qu'après, surtout que sur la fin, il y a vraiment beaucoup sur de la, partons sur la base du fait qu'on pète à peu près tout le Marvel Cinematic Universe, à part peut-être Anthony Hopkins. Mais sinon, il est vieux, les gars. Il est vieux. Ça fait un trou en plus. Oh, mais non, écoutez. Je t'en supplie. En plus, c'est un sœur, il faut le respecter. supplie. Exactement, ah, il a été anobli par la reine, merde. Un peu de respect. Donc, Ant-Man, pardon. Donc, on y revient. Il y a quand même des très bonnes scènes d'Ant-Man. Alors, comme tu le disais, Vesper, oui, on, oui, on mais peut plutôt dire que c'est celle des Garlois. Visiblement, on n'en sait rien, mais visiblement, ça ressemble. En fait, j'étais sur-hypée parce qu'effectivement, je suis une grosse fangirl basique d'Edgar Wright. Et en fait, j'avais vu une petite interview de Peyton, notre ami Peyton, avant que le film sorte. Peyton. Et il disait oui, alors du coup, j'ai fait des petites modifications. J'ai retiré tout ce qui était humour anglais et j'ai mis mes blagues à la place. Ah, merde. Et j'étais là, bah oui, ça va être pas bien. Ah oui. Sachant qu'on oublie souvent qu'il y a quand même un gars qui est resté de Edgar Wright à la suite et qui a suivi le scénario tout le long. Ça s'est pas passé exactement de main en main. C'est Paul Rudd qui en fait écrivait dès le début avec Edgar Wright et qui est resté avec les nouveaux scénaristes jusqu'à la fin. T'imagines le mec qui savait qu'il était là, il avait sa porte d'entrée dans le MCU. Je pense qu'il est resté complètement attaché au projet. Oui, puis je pense qu'il a voulu. S'il a vu qu'Edgar Wright se barrait alors qu'il avait peut-être accepté, ça n'en sait rien, c'est des suppositions. Hein. Mais si le réalisateur avait joué dans son choix, il a peut-être pas envie que ça se pète complètement la gueule. Quoi, mais après, j'ai pas de. Enfin, j'ai bien aimé Ant-Man, c'était juste. J'étais frustrée de ne pas avoir le film que j'espérais avoir. Ouais. C'est plus ça en fait, c'est plus cette frustration. J'ai aucune animosité. Non, bien sûr. Et tu aurais le droit. Il y a un très mauvais méchant dans Ant-Man. Ouais, le méchant. Ouais, pourtant, j'adore l'acteur. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Il joue dans House of Cards. Le chauve de House of Cards. Bien sûr. Mais en fait, je trouve que c'est dans les 22 films du MCU, c'est un des rares. Attends, t'as pas vu Endgame, ça se trouve, c'est. C'est vrai. Pour l'instant, en tout cas. Les 21, pardon. C'est un des rares films qui propose. Alors attention, je dégaine un mot. Un film de genre, parce que pour moi, c'est un film de braquage et jusqu'à maintenant, enfin alors j'ai pas la timeline en entier, mais en tout cas il y a eu peu de films de braquage. Non mais même, enfin tu vois, je veux dire, même le 2, je trouve que c'est aussi un film d'un genre de course poursuite slash tu vois. J'avais prévenu que j'allais avoir des phrases de gros ringard de la radio. Je trouve que c'est un film rafraîchissant. Voilà. Tout à fait. C'est un truc. Est-ce qu'il est feel good? Il est feel good. Non mais c'est un truc que je répéterai quand même régulièrement dans ce podcast parce que. Moi, mon approche de l'univers Marvel, c'est je préfère quand ils se prennent pas au sérieux. Exactement. Et il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça, et on y reviendra quand on parlera d'Infinity War, où moi je suis moins unanime que plein de gens. Et Ant-Man, même si c'est bourré de problèmes, et vraiment, il y a quand même des trucs où moi ça me chope. En fait, le problème, c'est qu'il y a pas vraiment d'enjeu, je trouve, à titre personnel. C'est que je me sens jamais vraiment emmerdé pour le héros, en danger. Il a quand même tout un truc avec son fils, sa fille. Sa fille, pardon. Où on devrait se sentir un peu genre, on aimerait bien qu'il l'arte, et on s'en fout un peu. Après, voilà, il y a plein de très bonnes idées. La bataille de fin est chambée avec, sur le train électrique. Il y a le personnage secondaire. De Michael Peña. Exactement, de Michael Peña et sa scène effectivement où il fait toutes les voix qui a été repris dans le 2 aussi. Bien sûr, et qui est un moment un peu culte, hein, je pense. Ça c'est super. C'est une rares scènes qui n'est pas de l'action. C'est ma scène préférée du film. Non, mais c'est une super idée. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment à l'époque, de ces jours-ci, quand il y avait Endgame qui allait sortir, qui disait ça serait trop cool qu'il résume les 21 films d'avant comme ça, de cette manière-là. Et en trailer, ça aurait été ouf. Ça aurait été très marrant. Mais je crois que c'est pas trop dans le ton de ce qu'il essaie d'offrir. C'est trop sérieux. Endgame, c'est sérieux. C'est ça. Et donc voilà, non, moi c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Ant-Man, je l'ai pas mis dans mon héros top préféré, mais franchement il y est presque, parce qu'en plus moi Paul Rudd effectivement je suis très fan de lui depuis des années. Après il y a un autre truc aussi, c'est que c'est aussi un des, c'est peut-être même le seul héros qui en fait a déjà la version d'avant, c'est Michael Douglas, c'est le vrai Ant-Man avec des guillemets, c'est ça. Et il passe la tenue, le flambeau, hein. Et du coup c'est vrai que j'ai trouvé que, en plus Michael Douglas je le trouve super, et du coup je trouve que Paul Rudd, même s'il est génial, en tant que héros, c'est toujours un genre de sidekick, successeur bizarre, et il est jamais vraiment très badass ou très héroïque, après c'est pas très grave. Hein. Oui, comme d'hab, là, Gap. J'ai l'impression qu'ils essaient ils vont essayer de changer ça dans Endgame, en tout cas j'ai l'impression. Oui, il a l'air d'être un peu une des pierres angulaires de... Et c'est ce qui est très surprenant. Là pour le coup ils m'ont alors je suis rarement surpris devant un Marvel, là ils m'ont surpris de se dire ok il va être parce on que dans Civil War il lui, était et déjà dans Civil War moi il m'avait surpris la façon dont il l'avait utilisé, même s'il restait très drôle, très machin. J'ai hâte de voir son mélange avec les anciens Avengers, j'ai hâte de voir la gueule cool. que ça aura. Donc voilà, Ant-Man, j'aimerais quand même juste le remettre un tout petit peu sur le devant de la scène, parce qu'effectivement même s'il a plein de problèmes et tout, moi je l'aime bien. C'était... et il se fait injustement bouder parce qu'il a pas le bon papa, quoi. C'est officiellement je crois le dernier film de la phase 2 en plus. C'était ça aussi, c'est je ça. Pense, qui fait que les gens étaient un peu. C'est, je crois qu'il y avait Avengers 2 et ensuite c'était Ant-Man. Je crois qu'il y avait Ant-Man officiellement la derrière Avengers 2. Oui, et puis il n'y avait pas eu beaucoup de nouveaux héros, entre guillemets. Je pense que c'est ça aussi, c'est que du coup ça retombe un peu bizarrement. Je pense qu'on peut dire qu'il n'est pas formidable. Oh là là. On passe tout de suite au celui d'après. Je ne mets pas la musique tout de suite, à votre avis. 585 millions de dollars de recettes. Je tente un petit hors-deux ? Non, c'est. Je vais y arriver, C'est ta mère noire à toi, quoi. C'est beaucoup plus vieux. Cap 2, non, quand même pas. Non. Je crois que c'est Iron Man 1. C'est Iron Man 1, tout bonnement. C'est fou qu'il soit dans. Enfin, il a pas une mauvaise place non plus. Alors non, c'est tout premier. C'est tout premier. Après, il y a 21 films. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, vous écoutez plus de métal sur WFM, mais c'est bien avec vous. Jo. Alors, ce oui, Joe 73. Alors, est-ce que Meryl Blanc de Black Sabbath sont-ils les inventeurs du heavy metal? Oui. Et là, tu as Ozzy Osbourne qui arrive. Donc, un petit voilà pour les auditeurs de WFM. Je comprends pas qu'il n'y ait jamais eu un caméo de Ozzy Osbourne dans un Iron Man. Je crois que t'es de Philippe Manœuvre, mais pourquoi pas. Ça aurait été trop bien. C'est un peu notre Nick Fury à nous, hein, quelque part. Oui. Notre double Nick Fury. Sauf qu'il a deux iPads. Voilà, c'est ça. Exactement. Des lunettes. Exactement. Oui, Ozzy Osbourne qui en plus autant faire un caméo dans Iron Man, vu qu'il a fait un caméo dans ce film qui est Little Nicky, oui, que je vous invite à regarder, qui est une merde sous cellophane. C'est extraordinaire. C'est vraiment Adam Sandler qui joue le fils du diable, et dedans il y a Hitler qui se prend une pastèque dans le cul, vu que Vesper adore les nazis. Oui, ah bah du coup, je vais le regarder. Ainsi que les pastèques, ainsi que les culs. Tu me l'as vendu d'un coup. Donc, Iron Man, premier film du Marvel Cinematic Universe. Qui l'a vu en salle? Vous l'avez vu directement? Oui, je levais la main parce qu'il est dans mon top 3. Ah, bah oui, bah. Deux films et deux héros. Ah, d'accord, t'as trois films. D'accord. Pardon, j'ai gueulé. J'ai envie de te lancer. On avait commencé. Bah, en fait, je trouve que. Pour avoir revu les 21 plein de fois, je trouve que c'est un de ceux qui vieillit le mieux alors que c'est le plus vieux. Ah, il est dans mon top de héros. Grave. Ouais. Après, il est dans mon top de héros. Je l'ai mis dans mon top de héros parce que t'es obligé de penser à Tony Stark et Iron Man, mais parfois il y a un peu trop de Tony Stark et Iron Man aussi, notamment dans Spider-Man, on en reviendra, etc. En mais fait, je pense que le truc c'est qu'ils ont fait les trois films trop vite, moi je pense. Oui, c'est qu'à un moment ils se sont dit oh là là, mais il est super, on a fait tous les films, qu'est-ce qui se passe? Parce que le 2 il est. Et le 3, enfin, le 3. Non, mais. Le 3, ce que je veux dire, c'est qu'il a été fait juste après Avengers. Je suis d'accord. Donc après, t'as quand même 15 films à faire derrière. Ouais. Et t'as ce personnage-là dont tu fais rien. C'est même le héros des Avengers, oui, un peu en vrai. Dire, oui, dans Avengers, enfin, même dans les films où c'est pas lui, où c'est pas son film, en fait, c'est que ça reste son film. C'est le problème de. C'est la qualité et le problème de Robert Downey Jr., c'est qu'il a tendance un peu à phagocyter tout le reste tellement. Je pense qu'il signe des contrats de taré, genre il faut qu'on me voit tel nombre de minutes à l'écran, de plus que machin. C'est Marvel qui m'impose. Genre oui, peut-être aussi, mais ce que je veux dire, c'est que. J'ai l'impression que c'est un peu une malédiction quand même pour lui, le personnage de Tony Stark, dans le sens où ça a été complètement le truc qui a relancé sa carrière, mais de ouf. Et en même temps, dont aujourd'hui, je pense qu'il a vraiment du mal à se départir de ça. C'est un peu comme Johnny Depp avec Pirates des Caraïbes. C'est vraiment Robert Downey Jr. c'est devenu Tony Stark. Ouais, bien sûr. Tu le mets dans un autre film, c'est très bizarre. Sachant que, en l'occurrence, il refait Tony Stark quand il fait genre Sherlock Holmes, tu vois, des trucs comme ça. Quand il fait Sherlock Holmes, il y avait eu un film de tribunal. Le juge. Ouais. Avec Robert Duvall. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me départir du fait que c'était. Enfin, c'est Tony Stark, quoi. Mais il a pas d'armure, c'est bizarre. À quel moment? Oui, mais après, est-ce qu'il n'y avait pas ce truc-là dans les années 80? Moi, je n'étais pas né. Avec les Schwarzenegger et compagnie. Oui, mais Schwarzenegger, c'était l'action hero, tu vois. Donc, c'était l'action hero, ce qui faisait que c'était comme si à chaque fois il avait un skin différent, mais que c'était Schwarzenegger, effectivement. Mais surtout qu'il n'y avait pas autant de films. C'est pas la même cadence de sortie aussi. Moi, je trouve que Bruce Willis, dans tous ses films post-Die Hard, c'est John McClane quand même, souvent. D'accord. Si, c'est vrai. Dans le dernier Samaritain, pas dans Sixième Sens, quoi. Ouais, c'est quand même longtemps après. Pas dans Die Hard 4 et 5, par contre. Oui, non. C'est pas John McClane. je vois des hippies cahiers qui sont morts. Alors, je comprends pas. Non, mais tu vois, donc peut-être laissons le temps à Robert Downey Jr. peut-être pour se remettre de ce. De faire son dernier film. Et puis pour faire du méta, il aurait pas re-signé de contrat. Donc soit il meurt, soit Iron Man n'est plus Tony Stark. Mais je pense qu'il faut pas recaster Tony Stark parce que ça, c'est pas possible. Ah oui, non, c'est dans la tête des gens, c'est mort. À voir. Ce serait dur. Très dur, déjà à la fin de Iron Man 3, il se fait retirer son cœur et je me suis dit ah tiens comment ils vont faire, ah non c'est bon, on s'en fout en fait. On en parlera d'Iron Man 3. Il se fait retirer le bout de truc dans son cœur, pas le cœur. Non, il se fait carrément, il se fait opérer. Oui, mais il se fait pas retirer le cœur, sinon il meurt. Oh, comme tu y vas. T'as fait médecine Qu'est-ce que t'en sais déjà J'avais l'impression qu'il se faisait pas retirer que l'éclat en fait. Ah, peut-être alors, je sais pas. En tout cas, pour reparler du film, c'est aussi une des scènes. Déjà, c'est la première scène post-générique. Et c'est après que tout le monde a copié même les gens de pas Marvel. C'est celle qui a excité la Terre entière. Bah, c'était Nick Fury. On s'y attendait pas. Nick Fury, est-ce que vous avez entendu parler du projet Avengers? Bah, les frissons, les poils. Non, mais grave. Ouais. En plus, je l'ai pas mis parce qu'on l'a jamais revu, mais j'aime beaucoup Jeff Bridges dans le rôle du méchant. Ah, il est super. Il a une sorte d'autorité naturelle comme ça qui fait que ça marche vraiment et que c'est un des rares, je trouve, par la suite dans les autres films Iron Man, aucun des méchants n'arrive à tenir un peu la dragée haute. Exactement. C'est super. Quelle vieille personne, c'est génial. Il a vraiment les autres ont du mal à tenir la dragée haute donc à Downey Jr. Alors que là, face à Jeff Bridges, il y a vraiment une sorte de. C'est son mentor en plus, donc en fait, c'est émotionnel. Non, je suis d'accord. Je l'ai pas mis dans mon top méchant Jeff Bridges, mais j'aurais pu. Ouais, en fait, le mini problème, moi je trouve, pareil, je l'ai revu il y a pas si longtemps, moi par contre, je l'ai vu sur M6, il passait, je crois, un moment. Je m'étais dit, il y a quand même un. Tu sais, mais dans d'autres Marvel, c'est le cas. C'est quand tu vois Jeff Bridges, tu dis ok, il est charismatique, et genre à la fin, il est dans son armure, et tu fais, bon, clairement, ça peut pas être évident. Genre le gars, c'est vraiment un vieux monsieur, et d'un coup, c'est vraiment clairement. Un samouraï en 10 secondes. Clairement. Donc là, clairement, tu fais, on y croit pas une seule seconde. Et puis, c'est l'inauguration du gros plan de Downey Jr. qu'ils ont foutu dans tous les films derrière. Vraiment, ils n'ont jamais essayé de le changer. Le gros plan quand il est dans la machine et qu'il parle. Vraiment, ça n'a jamais bougé. Mais l'armure c'est le même depuis 2008. Ah ouais, ça n'a pas bougé d'un l'armure d'un est top, l'armure est top et c'est très très soigné. Alors c'est vrai que 2008 t'as dit, c'est ça? Oui, c'est le premier 2008. Non mais bonne origin story. C'est ce que j'allais dire. C'est une très bonne origin story et où le gars est attachant. Plus charisme, tout marche quoi. Il a failli être dans mon top. Enfin, il est à moitié dans mon top. Et peut-être un des derniers films qui cite MySpace. Ce qu'il dit au début du film. Vous mettez pas sur votre MySpace. J'avais mon père qui essayait vraiment. Et aussi Jarvis. Dont la voix est faite par Paul Bettany, qui apparemment, petit fun fact, au début devait faire vraiment que la voix, et après on lui a fait t'es chaud, tu fais Vision, il a fait ah, j'avoue, faut que je paye du loyer. T'es chaud, ce sera seulement payé 1 milliard okay, pour 32 films. D'accord. Ok, d'accord, je vais me démerder. Et dedans, le personnage qui jouait Rhodes, n'était pas à l'époque. Terrence Howard. Don Cheadle, c'était pas Don Cheadle, c'était Terrence Howard. Que j'aime bien, enfin que j'aimais bien. Et qu'on a un peu perdu de vue, bizarrement. C'était le mec de Hustle and Flow, très bon film, Hustle and Flow, si jamais vous tombez. La rumeur dit qu'il aurait été trop greedy pour Iron Man 2. Bah, greedy, donc. Il a demandé trop d'argent pour le 2, ils lui ont dit. Mais les gars, Marvel, c'est un petit commerce, ils survivent, c'est les mecs. C'est Jean-Pierre Bacri dans le sens de la fête, ils font ce qu'ils peuvent. Une fois que t'as payé Robert Downey Jr., t'as plus d'argent pour payer les autres. Tu vois, tu bouillais pas trop aussi, je pense qu'elle est quand même aussi. Ouais, mais du coup, on la voit pas beaucoup. Je la pense. Ah bah alors. Je répète pas, non, elle m'énerve, j'ai envie de la gifler. Ah ouais. Mais dans le sens de la vraie gifle normale. On l'avait. Non mais tu parlais de Jeff Bridges dans le robot à la fin, je suis d'accord avec toi, et ça me fait un tout petit peu le même truc avec Don Cheadle que j'adore, je suradore, mais je trouve que dans l'armure il fait bizarre, il fait un peu ridicule. Ah ouais. Est un peu chétif. Bah c'est ça. Alors le mec qui fait je sais plus son nom. Eh bah c'est parti sur le physique. C'est peut-être un des ceux qui jouent le mieux dans le MCU. Écoute-moi bien Trump. Tu détestes les femmes et les noirs visiblement. Et Harry Potter. Donc c'est quand même terrible. Il a besoin de dire un petit c'est faux au cas où. C'est faux. Je ne suis pas Trump. Je m'appelle Ben Mendo. Ce n'est pas moi. Et je suis un très bon graphiste. Je suis bien les femmes et les noirs. Donc c'est le film qui pose un peu la base quand même de tout ce qui suivra derrière. Ouais. John Favreau, tu l'as dit ? Non, je l'ai pas dit. Je t'en supplie. John Favreau, qui joue Happy, qui est resté tout le long. Le mec de Monica, le mec riche de Monica dans Friends, rappelons-le. Du MMA. Exactement. Et mais qui a fait le livre de la jungle aussi. Et qui a fait le livre de la jungle, qui fera le roi lion cet été. Voilà, le mec fait tous les 19. C'est lui le roi lion. Il est parti. Ouais, il jouera le roi lion. Non, il est parti sur on fait des animaux chez Disney. Voilà. Très bien. Mais écoute, ça paye le loyer. Je pense. Non, mais en plus, alors moi pour le coup, on n'est pas là pour ça, mais le roi lion, j'ai un peu hâte quand même. J'avoue. Même si j'ai pas aimé le livre de la jungle, celui-là, pourquoi pas. Same shit live, the movie. Ouais, c'est ça. C'est ça que je crois. Oui, mais qui se mélange pas avec des humains, donc ça peut être une réinterprétation stylée. Moi, je suis plus sur un Aladdin avec Will Smith. Mais Ah bah t'es un malade mental. Alors, bah je suis Trump, hein, je vous le rappelle. Voilà, c'est ça. Voilà, on y revient. Je vous préviens. T'aimes bien les noirs quand ils sont bleus, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça. Terrain glissant, terrain glissant. On arrive vers le ventre mou, hein, de cette liste. Je préfère vous prévenir tout de suite. À votre avis, qui est le film d'après qui a fait 622 millions de dollars de recettes? On part sur un petit tour 2? Non. Ah, toujours pas. Je le garde. Toujours pas, mais il arrive. Récent ou pas récent? Il est très récent. Dites-vous. Et bah Ant-Man 2. Et ouais. Ah, Ant-Man 2. Ouais, bah ouais, mais c'est normal. Qui a fait assez peu d'entrées. Pas quand très même. Bonne presse. Hein. Il est dans mon flop 3. Ah, ah ouais, voilà. Carrément. Bah ouais. Voilà. On est là-dessus. Il est dans mon flop. On est là-dessus. C'est vrai qu'il m'a vraiment emmerdé, ce film. J'attendais un peu des trucs sympas parce que bah, du coup, j'aime beaucoup la guêpe. Je trouve que c'est un bon personnage. C'est un bon animal. Qui était... Ah non, je n'aime pas les guêpes. Ah d'accord. Voilà. Je suis mais qui femme. Aime les guêpes en vrai. Voilà, j'adore ça. Le risque de me faire piquer à tout moment, je trouve ça chambé. Vraiment. Mais que dans des moments sympas où il fait beau, il fait chaud, il y a du coca. Des... Vraiment, j'adore me faire piquer. D'ailleurs, en fait. ton film préféré, c'est Rush Hour. Exactement. Oh, ah, si, écoutez, je meurs. Ant-Man 2 est dans mon flop 3. Ah bah voilà. Bah super, je t'en supplie pas. Une fois que Ben a fini de j'ai rien faire fait. Le chant lexical. Pardon, je suis désolé. Donc oui, j'avais beaucoup d'attentes autour de la guêpe que je trouvais sous-exploitée dans le premier de la guêpe, Ant-Man. Oui, ouais. Voilà, du personnage voilà. De la guêpe. Donc je me suis dit, ah génial, il y a même son nom dans le titre. Ça veut dire qu'on la verra un peu plus et qu'elle aura un véritable intérêt. Quelle idée. Elle a un véritable intérêt. Et de scène plutôt stylée. Ouais, grave. Voilà. Enfin, ça bien, elle est grave stylée, il voilà, n'y a pas de souci. Mais elle est sous-exploitée. Comme beaucoup de personnages féminins d'une série. Le film est... En fait... Le film enfin, elle est déjà exploité, ce qui est déjà pas mal dans c'est le MCU. Vrai, c'est juste que de base, bah, c'est le film qui tombe après Infinity War et tu t'en fous. En fait, Ant-Man, il n'y a c'est pas de ça. Balle. À chaque fois, il passe derrière ouais, un Avenger. C'est et... ça. Mais et... je pense que c'est calculé même. Enfin, je pense que c'est fait exprès de dire voilà, c'est le petit film. Je pense qu'il a. Alors, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il a coûté beaucoup moins cher qu'un Avengers ou qu'un. Oui, c'est un genre de fillers pour attendre les gros trucs, quoi. Je pense, ouais. C'est dommage. Du coup, bah. Mais très bonne idée dans Ant-Man 2, c'est quand il est mi-grand, mi-petit. Oui. Moi j'aime bien. Ouais. Moi je trouve que visuellement non, ça fera un truc vraiment le cool. Le truc c'est qu'il y a quelques idées qui surnagent, mais ça fait pas le film quoi. Enfin, ouais. C'est... Et j'aime bien Michelle Pfeiffer, mais après elle est un peu osée. Mais méchant tout pété. Ghost. Ah, ouais. Ghost, c'est un méchant non, tout pété. Sais, les gens le disent beaucoup, mais moi j'aime bien. J'aime bien l'actrice en fait. J'aime bien ouais, la comédienne. C'est ça, j'aime ah, moi aussi j'adore l'actrice. Et j'aime bien son duo avec Laurence Fishburne, ouais. Donc là évidemment spoiler. En fait. Et demi méchant Walton Goggins que j'adore encore comme acteur, et bah genre vieux marchand d'armes qui fait pas du tout peur en fait. Ouais, mais bon, moi je sais pas. Mais j'aime toujours bien la team. Michael Peña et les deux autres ouais, gars, bah j'ai oublié ça, les noms. Bah, ils le savent. Ah, ils sont super. Ouais, ouais, ils sont super. Bah, ils les remettent à foise. Ouais, hein, ouais. Non, à foise. À foise. D'accord. Je vous ai dit, j'ai 45 ans. Hein, de toute façon, ah bon, ça, c'est un terme de vieux, ça, à foise. Bah, c'est ça, c'est 45 que j'ai baissé ah, sur très celui-là. Bien, très bien, très bien, très bien. Celui d'après, on va pas faire 1000 ans hein, sur Ant-Man et la guêpe. Celui d'après, je vous mets un petit son pour aller. C'est hors 2, c'est hors 2 là, ça y est, de toute façon. Pas hors 2. Ah putain. Tu vas y arriver. Ah bah oui, c'est. Iron Man 2, car Iron Man 2 avait ce petit truc qui est toute la BO, une bonne BO, était intégralement un best-of d'AC/DC, voilà. Ce qui est quand même un choix, hein, faut quand même le remettre. Par principe, alors, du coup, la meilleure BO. De ouais, non, qui est très films. Bien du coup, mais qui est un choix vraiment particulier. Quoi. Il est dans mon flop 3. Ah. Parce que c'est quand même un bol de pu. Moi aussi, il est dans mon flop 3. Il est dans mon flop 3. C'est même le premier. Il est en première place de mon ah, flop 3. Ah, t'as vraiment fait un top. En, ouais, enfin, ah. Un flop. Mais quand t'as parlé de la BO, ça m'a fait me rendre compte que du coup. C'était la BO parce que c'est ce que Tony Stark écoute dans sa combinaison ouais, et que ouais. Du coup c'était pas la, Star-Lord n'était pas le premier gars à écouter la BO du film tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Bref, c'était ton petit non non mais c'est horrible. Alors en plus j'adore Mickey Rourke pour des raisons que je ne peux pas dévoiler car je ne les connais pas. Oui bah mais... non mais si là, il dégage non, un truc dans j'ai The jamais The Wrestler, The Wrestler, The Wrestler ouais. Par exemple, ou même dans Expendables il est ok même non, si non, il, mais une petite il, scène. Il a un charisme mais, non, mais non, il mais est mais... surdégueulasse en fait en moi, méchant j'attendais il est tellement de... C'est pour ça je crois qu'il est premier de mon flop 3 c'est que j'attendais énormément de Mickey Rourke énormément du méchant Whiplash en fait qui ouais. À la base était un méchant de comic book pur et dur, quoi. Vraiment, avec des fouets géants à la place des mains et tout. Ah, c'est pas le mec je avec la batterie, là, Whiplash. Oh, purée. Écoute, je suis cinéphile, je fais des blagues. Tais-toi, malheureux. Et, et donc, ouais, extrêmement déçu, quoi. Enfin, à part I Want My Bird, je me souviens de rien de ce film. Moi, je me rappelle juste de la F1 de Scarlett Johnson qui. Alors, voilà, il y a ça. C'est l'arrivée de Scarlett Johnson. Ouais, l'apparition de. Ouais, mais et de surtout des plans sur son cul. Ouais, c'est ce que je dis, le cul de Scarlett Johnson. ça. Oui. Ah non, j'ai pas entendu ce qu'il dit. Oui, je l'ai lu, Ouais. Et un peu sous-exploitation de Sam Rockwell que j'adore aussi et qui est pareil demi-méchant là. C'est dommage. Moi, il est aussi dans mon flop pour être tout à fait honnête et parce que c'était vraiment une déception. Bah ouais. Parce que alors à l'époque, je ne le savais pas qu'il pouvait faire des merdes. Après, il m'a bien prouvé que oui. Mais le gars qui a écrit ce film était le mec qui a écrit Tonnerre sous les tropiques. Ah putain. Donc quand même. Donc, avec Robert. Avec en l'occurrence Robert. Et je m'étais dit putain. C'est Justin Theroux, hein, je parle de Justin Theroux, hein, donc qui est en plus acteur et qui fait un milliard de trucs. Et du coup, à l'époque, moi je ne connaissais pas Justin Theroux, à part comme scénariste de Tonnerre sous les tropiques et Bad Guy dans Charlie Angels 2, Les Anges se déchaînent. Ah, voilà, je vous le place aussi un petit coup. Bah, c'est le gars de The Leftovers aussi, ouais, c'est ça. Oui, non, bien sûr, après il a fait un milliard. Oui, non, je sais pas. Il est Maniac, c'est le personnage très marrant dans la série Netflix Maniac. Et dans Six Feet Under, il y a un personnage. Non, mais donc le gars est quand même très talentueux. Bon, derrière, il a fait Zoolander 2, qui est aussi une cata. Mais du coup, je m'attendais à Iron Man 2 à un truc très drôle, et c'est ça qui m'a déçu, bizarrement. En fait, c'est ça qui m'a fait un peu mal, c'est que même l'humour, qui était quand même le point fort du 1, était pas vraiment là, quoi. Donc non. Ça, c'était un peu compliqué. Pareil, je m'en rappelle plus trop, j'ai pas envie de le revoir, donc je pense que c'est un bon indice. Pourtant, j'aimais bien l'idée qu'ils exploitent un peu la vie privée de Tony Stark, le côté avec son père, l'expo, Stark Expo, ça c'était plutôt pas mal, mais c'est pas transformé non plus, quoi. C'est juste assez mou, quoi. Et est-ce que vous savez qui a fait les storyboards? Alors, dit comme ça, vous dites, mec, je m'en bats les couilles, mais en fait, le storyboard dans ce film est très connu. C'est Adrien Méniel? C'est Adrien Méniel. Oui, c'est toi qui est pas là, il claque sa thune actuellement. Bah, évidemment. Alors non, qu'il déteste le MCU. Ouais, c'est un gars. C'est pas qu'il le déteste, c'est qu'il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, ouais, très bien. Pour lui, ça n'a aucune valeur. Du coup, c'est un dessinateur connu alors. C'est un animateur même connu, un gars qui a alors, fait plein. Alors Patrick Roy? Non. Je vous demande pas le nom, je vous demande peut-être ce qu'il a fait. Il a fait des dessins animés extrêmement stylés. Walt Disney peut-être. Non. Lui-même. Je sais pas. Je vous demande pas son nom parce qu'il est très dur à prononcer. Voilà, petit indice. Je sais pas. Oh un putain, tu parles d'un panel d'experts. Non, bah vas-y, je vais. Mais non, parce que c'est les petites tri. Voilà, je les offre aux auditeurs. Mais quiz-nous. Il avait fait entre autres Le Laboratoire de Dexter, Samurai Jack et Star Wars Clone Wars. C'est Jendy Tartakovsky. Ok, je sais pas. Non, mais voilà, il a fait beaucoup d'animations pour. Encore plus déçu par Iron Man 2, du coup. Voilà, c'est ça. Il avait beaucoup d'animations pour Cartoon Network et c'est lui qui devait faire. Et c'est lui qui a fait les Hôtels Transylvania. Voilà. Ouais, ah, okay. ouais. Non, parce que j'allais dire très déçu, mais c'est pas forcément la réal ou la DA le pire truc d'Iron Man 2. Ouais, j'ai un mix de tout, je trouve. Ouais. Vraiment, en fait, rien n'est vraiment satisfaisant, pour être tout à fait honnête. C'est vraiment. Ça tout est mais. Très, très frustrant. Alors, petit fun fact. Et puis Elon Musk qui est un connard. Donc, il est dedans. Ouais, bien sûr. Je pas. Bah, petit fun fact aussi, toutes les scènes qui se passent au Space mes couilles là, ouais. Et ben c'est Elon Musk qui a dit OK, vous pouvez tourner dans mes locaux, mais j'apparais dans le film dans mon propre rôle. Ouais. Un gars qui n'a comme, pas de petit comme melon. Le mec de Virgin là. Ah oui, voilà, exactement. Voilà, qui faisait ses caméos. Non, aussi. Petit fun fact, je sais pas si vous vous souvenez, à la fin quand tout part en couille dans la Stark Expo, il y a un petit garçon qui a un masque d'Iron Man. Et qui manque de se faire faucher et Tony Stark le sauve. Et c'est toi. Mais c'est toi. Et c'est lui. Non, ça, à l'époque, c'était pas du tout le cas, mais là, ça a été retconné. Ça a été retconné dans les dernières années. C'est qu'est-ce Peter Parker. Retconné, ça veut dire que tu décides a posteriori qu'un truc, en fait, c'était ça. Tu le valides, tu le rends canon. Alors pour les Potterheads, c'est faire une J.K. Rowling. C'est ça. Eh, les Potterheads. Eh ben, ça, c'est Peter Parker. D'accord, ok. Et ça explique pourquoi il kiffe Tony Stark et que ça devient son mentor dans Homecoming parce qu'il l'idolâtre, etc. Okay. Ou après, on aime pas, je pense que c'est mais ça se passe à New York, c'est ça, c'est Mimi. Ça se passe. Le Stark Expo. Ouais, oui, je crois que c'est. Oui, bah, oui. Peut-être, je sais pas. Écoute, si ça se passe pas à New York, il a pas beaucoup d'argent, donc pour moi, ça ne tient pas. Voyage scolaire. Ouais, oh oui. Ah, bah, écoutez, voilà. Mais école qui a de l'argent, tu vois. Ouais, c'est ça, école qui a vraiment de la thunasse. Arrêtez. C'est le meilleur argument. Quand commence à dire arrêtez, je sais qu'on a quand même une sorte de. Non, mais en fait, il m'a eu. Ce genre de historique, à la fois je trouve ça cool parce que je me dis ah ouais, et en même temps c'est tout pourri. Ouais, mais c'est toujours mieux que ah en fait Dumbledore était gay. Si on ça pose moins de problèmes. Faut savoir juste aussi pour la petite anecdote que Iron Man 2 en fin de course a fait donc 623 millions de dollars de recettes, même en vrai 624. Et c'est ce qui a fait Infinity War dans son premier week-end. Voilà, c'est pour vous montrer un peu la propension de Marvel au fil des années. C'est sûr. On continue dans ce ventre mou avec celui d'après. Thor 2. Eh oui. Putain, on est fort, on l'a trouvé du premier coup. Putain, premier coup. J'aurais pas dit, hein, d'ailleurs. Non, non, non. Thor 2, alors que je n'ai pas vu, donc moi je vais m'abstenir. Eh bah écoute, abstiens-toi de le voir. Une croûte. Et c'est fou parce que c'est vrai que les gens donnent peu envie de le regarder. Oh là là, les gens semblent le détester. Je trouve que. Alors, je veux pas faire mon mec de c'est mieux dans les comics parce que ça sauvera rien du tout. Ah non, mais Malekith. Mais dans les comics, oh là là, les elfes sont une des races des neuf royaumes. 19 royaumes, c'est ça, qui sont méga badass, qu'il faut pas faire chier. Mm-hmm. Et là, c'est dégueulasse. Pourtant, ah, c'est le mec de Doctor Who. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais hypé parce que c'est Christopher Eccleston. Voilà. Mais en fait, ils sont vraiment. C'est même pas sous-exploité, c'est qu'ils sont bâclés et gâchés. Et alors qu'ils auraient pu faire un million d'autres trucs que les elfes. Comme d'hab, c'est la Loki Fest. Même les Skrulls dans Captain Marvel sont. Ah, moins... je déteste pas. Non, mais ah, juste. Oui, je suis d'accord. Tu vois, mais dans le sens sous-exploitation. Je suis d'accord, Là, vraiment, les elfes, c'est n'importe quoi. Et puis, moi, pour moi, c'est le. Enfin, à mon sens, c'est le film qui respecte le moins son personnage principal en termes de humour au dépens d'un personnage de comics. Tu veux dire et que quand là, il vraiment... met son marteau sur le porte-manteau, putain, mec, quand il prend le métro, j'ai face palmé pendant tout le film, genre, mais il peut pas mettre son marteau sur un porte-manteau. Que c'est vraiment, enfin, moi j'avais vraiment l'impression que c'était porte-manteau, les scénaristes ou le réal et tout qui faisaient des clins d'œil, genre, regardez comme on est rigolo. Alors maintenant c'est en l'occurrence, comme d'habitude, j'essaye. On ne sait pas si c'est eux. Car ce sont juste les producteurs. Je me suis moi-même en disant peut-être eux. Non, parce que c'est ce qui m'énerve dans les podcasts cinéma, donc j'essaie de pas le faire dans le mien. Il a pris son chèque. On n'en sait rien, on ne connaît pas la personne en fait. Donc j'en sais rien, mais la personne qui était en charge des blagues n'a pas fait son travail. N'a pas fait son travail correctement, ou en tout cas, l'a fait. En fait, si, a fait son travail correctement parce qu'il y a plein de blagues qu'on peut trouver marrantes. Ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Salut, j'ai 55 ans. Mais le problème, c'est que faire des bonnes blagues soit, mais aux dépens du héros et vraiment pour amoindrir son impact de charisme. Déjà, genre bon, non, ça va pas. Bon, alors je crois qu'à un moment on voit Chris Hemsworth à Walpé et que bon, c'est oui, ça. Alors que dans Thor 3, ce perso fait des blagues et ça fonctionne. Je trouve qu'il y a trop de blagues dans Thor 3, mais après j'en parlerai. On ira. Mais d'ailleurs, dans la musique, pardon, je continue, mais là c'est Brian Tyler, donc aussi qui est un éminent plus récent, plus jeune. Ouais. Plus jeune, voilà, il a 46 ans, voilà. Et c'est lui qui fait la musique du film, voilà. Non, je le dis parce que pour nos amis. Alors, je sais pas si ça a forcé le scénario à être mauvais, mais c'est là aussi que moi j'ai l'impression qu'ils foutent au chausse-pied une Infinity Stone, qui est l'éther, le truc rouge là. Mm-hmm. Alors, je sais pas s'ils avaient déjà l'idée de faire le gant et Thanos et tout ça, mais enfin, ça a rien à foutre là, quoi. C'est pas intéressant, il y a pas d'enjeu. Natalie Portman, je l'aime bien, mais franchement là non. Enfin. Ouais, et c'est pas le celui-là, parce qu'encore une fois, je l'ai pas vu, mais c'est de ce que j'ai lu un peu en préparant l'émission, à savoir pendant 14 minutes. est-ce que ça lance pas un peu aussi, si on s'est lancé la série un peu, parce qu'apparemment à la fin, faut refermer des portails vers d'autres dimensions, et c'est un peu Agents of Shield, ce que j'ai lu. Non, parce qu'en fait les dimensions, ça fait partie du lore de Thor, en fait. Avec oui, le mais tu sais, à la toute fin du générique du 2, de ce que j'ai lu, hein, donc, du coup, c'est un peu factuel. Il y a des monstres qui se baladent dans sur la terre en fait qui se voilà. Oui, parce qu'effectivement dans Agents of Shield je sais pas franchement je sais même pas même en fait la poche générique n'a pas d'incidence dans l'histoire du MCU. C'est pour ça qu'elle est pointée du doigt et c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'en fait c'est censé dire il y a des monstres partout sur la terre de la dimension que Thor a visité et vraiment ça n'a jamais d'impact dans n'importe quel film du MCU. Voilà. Évidemment tout ce qu'on dit c'est de mémoire, hein. Si vous êtes des geeks de Marvel, n'hésitez pas à nous dire qu'on fait des erreurs en commentaire en nous insultant. Voilà. Je rappelle que je suis Trump. Donc Allez-y. N'hésitez pas. Quoi d'autre que dire d'autre Sur Thor 2. J'avais pas envie d'un 3 à ce moment-là. Perdons pas de temps sur Thor 2. Tu vois. Non, il y a quand même un personnage qui est introduit dans Thor 2 en post générique. Vous savez qui? Alors Howard the Duck. Non, ça c'est dans. Non, ça c'est dans Guardians. C'est un caméo. Mais t'es pas loin. Parce qu'on parle des Gardiens de la Galaxie. Ah si, bah, le collector. Le collectionneur. Ah oui, Benicio qui joue vachement mieux que dans Star Wars par exemple. Les Star Wars. Moi j'ai l'impression qu'il joue le même personnage mais teint en blond. C'est bégaye quand même. J'aime beaucoup le collector. On le voit très peu. C'est bien qu'on le voit très peu. Il est très drôle. Et il est très cool. Il est très très drôle. Celui d'après. Alors je vais vous faire écouter une chanson parce que pour le coup ça fait partie des thèmes musicaux de Marvel où vraiment on peut. Boys and girls of every age, would you like to see something strange? Vous voulez pas? Bah non, c'est une chanson. C'est une des chansons du film, ouais, c'est Doctor Strange. Ah bah putain, tout simplement. Je n'ai pas vu ce film parce que je m'en balèque, donc je vais pas. J'aime bien. Il est pas maboulos, mais j'aime bien. Mais parce que Cumberbatch. Enfin, moi, du coup, franchement, tu m'annonces, il y a un film avec Cumberbatch et Matt Mikkelsen. Moi, j'en peux déjà plus. Alors, c'est pas le meilleur méchant, par contre. Hein. Non, malheureusement. Ouais. Mais d'où le fait que tu as expectations. Moi, c'est quand même assez fou que je sois pas allé voir un film avec Cumberbatch, Mikkelsen et Tilda Swinton. C'est quand même. Mais en quel honneur? Qu'est-ce qui t'a non motivé? Alors, déjà, le réal. Qui est Derrickson, non, c'est ça, c'est Scott Derrickson. Scott Derrickson, exactement, qui faisait des films d'horreur avant. Qui faisait des films d'horreur mauvais. Comme Sinister, par exemple. Voilà. Et donc, j'avais vraiment aucune attente de la part de ce réalisateur, et je trouvais que justement, d'autant plus sur Doctor Strange, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup, il y avait besoin d'un réalisateur avec une vision et avec quelque chose de, enfin je m'attendais vraiment à quelque chose d'un petit peu plus ambitieux en termes de réal, et donc j'ai un peu loupé le film. C'est, je suis même pas allé le voir parce que je me suis dit non, je le boycott, j'y vais pas. C'est juste que en fait j'en avais tellement rien à foutre que j'ai oublié de le voir. Et là je me suis rattrapé, j'avais deux films à rattraper pour le podcast de ce soir, je me suis dit bon, je vais pas mater Doctor Strange. Non, voilà. Tu t'es pas imposé. Moi je trouve qu'il fait le taf pour un film qui avait entre autres la tâche d'apporter la magie dans le MCU. Il n'y avait pas ça encore, donc c'est quand même une milestone. Je trouve qu'il est pas encore, enfin j'aurais plaisir à le revoir. Moi j'ai vraiment bien aimé Doctor Strange. Après c'est pas, voilà, il est pas dingue, mais ça repose beaucoup sur Bénédicte. C'est ça. Les deux Bénédicte. C'est grâce à lui, ouais, le combo de Bénédicte. Ça fait toujours bizarre quand on dit Bénédicte, parce que moi je pense à la Action Hero. C'est Bénédicte de la Action Hero direct. Alors il y a ça, et moi il y a aussi des meufs quand j'étais au collège, quoi. C'est la petite Béné, la femme d'en face. Mais non, mais visuellement je trouve qu'il est vraiment charmé. Il est ouais. C'était bien retranscrit, le côté psyché et tout. Rien pour ça, ça valait le coup de le voir. Il y a un truc qui était quand même bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de kung-fu. Et on s'y attend pas forcément dans un truc de magie pure. Il n'y a jamais trop de kung-fu. Les trucs de psyché, c'était pas. Parce que moi, j'ai vu des images de bande-annonce et tout. J'avais l'impression que c'était Blueberry de Yann Kounen, quoi. Non. C'est plus court. En vrai, c'est deux scènes. Non, c'est bien fait. Et puis il aurait fait Spirograph, là. C'est Blueberry de Yann Kounen. Ouais, mais non, franchement, c'est cool. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai découvert, là, il y a un mois. Même pas. Il passait à la télé, donc j'ai maté. Et du coup, avec 16 pages de pub. Et non, j'ai trouvé ça très cool. Après, moi, c'est peut-être l'inverse de Joe, c'est parce que je connaissais rien du tout du gars, et le peu que j'en avais vu, c'était sur ceux d'après. Donc j'avais une intro un peu cool du gars parce qu'il est marrant, et du coup l'origin story, je me suis dit ah ok, c'est comme ça. Donc j'étais assez intéressé de comment il est devenu Doctor Strange, parce que je l'ai juste vu en Doctor Strange. Et non, j'ai trouvé ça plutôt fun. Après, comme d'hab, au bout d'un moment, je m'ennuie un peu la cape, c'est mignon. La cape, c'est rigolo. Bah, après, quand tu sais que c'est un gros con au début, quand il est médecin, il pète plus haut que son cul. C'est bon, ça, je suis vieux ou pas? Non, pas trop. Mais ça, je trouve c'est assez mal. Moi, je trouve l'évolution du perso assez mal branlée. Ah non, justement, j'allais dire que moi, je me suis attaché au gars quand il a son accident et qu'il se prend. C'est une grosse merde et qu'il a une grosse merde avec tout le monde. Ouais, d'accord. Ça, c'est super. Mais c'est qu'à partir du moment où il a. Il commence à aller au temple là avec Tilda Swinton, le temple de Tilda Swinton. Je trouve que ça va trop vite. D'un coup, il a les mains pétées et après, genre, au bout de 20 minutes de film, c'est bon, il est cheaté. Le twist scénaristique foutage de gueule, c'est que du coup, le temps s'écoule pas pareil ou je sais pas quoi, et que du coup, il passe son temps dans le temple, mais en fait, on se rend pas compte du temps qui passe. C'est tiré par les cheveux. Ouais, mais c'est un peu repris de la manière dont il va voir le méchant à la fin, Dormammu. C'est réexpliqué comme ça, donc ça c'est encore stylé. Mais du coup, méchant pété Mads Mikkelsen, Dormammu méchant tellement puissant qu'il faut pas qu'il soit là, mais je trouve que Chiwetel Ejiofor, que j'aime beaucoup, méchant pas vraiment mais en devenir, ça me va. Je suis content qu'on voit un peu l'amertume du gars et qu'il va être un méchant dans le 2 sur non. Il y en a eu un 2 déjà? Non, il va y en avoir un 2. T'as tu vois, je suis perdu. Non, du coup, c'est bons acteurs aussi, et juste pour dire qu'il y a eu un, peut-être que tu l'avais prévu dans tes fun facts, un mini bad buzz sur le whitewashing de Tilda Swinton. Je te laisse le faire. Vous le ferez mieux que moi, Flaubert. Je t'en supplie. Non, mais c'est juste que du coup, ça a créé un débat qui à la fois, tu te dis, ok, c'est un vieux asiatique, on va dire, parce que je suis pas sûr qu'il soit chinois, surtout que je suis pas sûr qu'il soit humain, dans le comics, donc il faut que ce soit. Moi, je suis pas forcément ce truc-là. Après, les gens qui ont trouvé ça scandaleux, je peux pas leur dire, non, vous êtes con, tu vois. Non, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais en personnage asiatique, il y a Wong. Qui n'a pas beaucoup d'importance, mais l'autre qui Bénédicte. Voilà, c'est ça. Mais qui devient très marrant en plus dans Infinity War quand il revient et tout. C'est étonnant parce que il a pas beaucoup d'importance, mais justement dans les films d'après, t'apprends que c'est quand même lui qui protège le Sanctum Sanctorum pendant que Strange n'est pas là, donc il est quand même méga important. Et dans le comics, il était important d'ailleurs. En fait, c'est censé être un peu son Alfred. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais il connaît la magie et tout, mais c'est un peu sa bonne conscience et le mec qui veille sur lui, quoi. Mais bon, c'est pas déconnant dans les autres films, mais c'est vrai que du coup, on le voit vite fait dans Infinity War. Ouais. Mais je trouve assez cool ce perso. Et moi, il y a une scène que j'aime beaucoup dans Doctor Strange, et c'est pas la scène d'hallucination, même si elle est super. C'est quand il sort de son corps et qu'il se bat avec un autre gars qui sort de son corps dans l'hôpital. Avec le défibrillateur et tout. C'est stylé. Ça, j'ai trouvé que c'était une super scène. Et on n'a pas parlé de la personnage féminin. Comment s'appelle cette fille? Rachel McAdams. Ça, j'étais amoureux d'elle, moi. Qui a joué dans McAdams Cowboy. Pas du tout. Ah d'accord. Et en plus là tu fais une ref mon gars. Ouais. C'est très très compliqué. Ça va. Ça... C'est bon. Il n'y a bon. Pas de règle. Écoute, dans les jeux si tu veux cite Mean Girls comme ça c'est fait. Oui. Mean Girls ouais, c'est très incroyable. Bien sûr. Un et dans Sherlock Holmes avec Iron Man. Oui. Voilà, tout se recoupe. C'est ça. En même temps, forcément, il y a 21 films, hein, donc forcément, ça se recoupe un petit peu à un moment. C'est très facile de faire les 6 degrés de séparation avec n'importe bien qui. Sûr. Du... Grâce à Marvel, ouais. Exactement. Et donc, pardon, troisième Infinity Stone présenté. C'est du coup, oui. Bah, il y a le Tesseract. C'est le temps, lui. La rouge et la verte. Ouais, la verte. Et attends, c'est tout pour l'instant où il y en a eu d'autres. J'ai peut-être, on en a peut-être loupé parce qu'on le fait pas dans l'ordre chronologique. Ouais, je sais plus, je t'avoue. Ouais, c'est pas très grave. C'est pas grave. Troisième de la soirée, en tout cas. Troisième de la soirée. On est dans le futur là. Alors que pas du tout. Je le sais mais. Ah. C'est une suite. Tu peux te donner un petit indice ou pas? Vas-y. Non, tu peux donner un petit indice. Vas-y, je vais te le donner. C'est une suite. Ok. J'ai déjà eu un indice, c'est une il suite. C'est un beaucoup. Deuxième indice. Allez. America. Alors, je tenterai Thor 2. Ok, Captain America 2. En fait, c'est le que je, qui me disait quelque chose et c'est le truc du Winter Soldier. C'est la musique du complot en fait. Qu'est-ce que tu dis toi? Je dis le soldat de l'hiver. Top film. Ah. Cap 2, top film. Oh, ouais. Et bah, moi, ah ouais. Un autre que j'ai pas vu, voilà. Donc, je vous laisse en parler. Pourquoi il est dans ton top film? Eh bah, déjà, je trouve que c'est. Bah, déjà, c'est le film de la meilleure sous-licence, je l'ai dit tout à l'heure, ouais. Le 2. Non, mais déjà, très bon. On va dire, le vrai méchant, c'est Winter Soldier, même si c'est pas tout à fait un méchant. Cap est parfait. Et qui avait déjà été introduit dans le 1. D'ailleurs. Exactement. Voilà. Oui. Possiblement une des meilleures scènes de tout le MCU, la scène de l'ascenseur. Grave. La baston dans l'ascenseur, grave. C'est dit d'un film de John Woo, quoi. Et je trouve qu'il se tient complètement. C'est, il est haletant, les bastons sont ok. Tout est. Il y a de la moto. Il y a de la moto. La scène d'ouverture sur le paquebot avec le lutteur belge. Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui fait du MMA là, qui parle très mal français. Jean-Claude Van. Oh non, ça va. Non, il est. Enfin voilà, j'ai un de mes meilleurs films, un de mes films préférés. C'est très très bien. Avec le retour de Scarlett Johansson qui se balade de licence en licence. C'est les cheveux. Voilà, exactement. C'est vrai. Voilà, défaut d'avoir un film. Et alors, c'est la première fois qu'ils arrivent, mais Dieu sait qu'ils vont rester. C'est le premier film réalisé par les frères Russo. Ah, voilà, c'est le soldat de l'hiver. C'est, ils le mettent en scène. Alors, les frères Russo, c'est assez intéressant parce que, bon, maintenant tout le monde connaît un peu leur blase parce que du coup, ils font tous les gros Avengers. Voilà, ils sont quand même. Ils ont eu la lourde tâche de passer après Josh Whedon et selon les dires de tout le monde, ça va. Franchement, c'est ils y arrivent. Bah, moi, je les trouve mieux que Josh Whedon. Oh là là. Oh, comme tu vas. Si, bah ouais. Alors, Avengers 2 n'était pas mieux qu'Avengers 1. Attendez, on y va. Attention. On avance. Je ressens parce que je sens que je reprends partir. Mes billes. Les frères Russo qui avaient été connus dans le petit monde de la télévision parce qu'ils ont réalisé les épisodes de Paintball, et là les fans voient de qui je parle, dans Community. Très bonne série Community, et c'est eux qui avaient réalisé tous les épisodes un peu action qui étaient un peu des références dans la série télé parce que personne faisait ce genre d'épisode un peu enfin aussi action dans un truc comique et vraiment bien filmé, enfin c'était mais assez, c'est pour ça qu'il y a Abed dans Captain America 2. C'est peut-être ça, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas c'est peut-être ça. Petit caméo. Et c'est des mecs qui ont une carrière assez surprenante parce qu'ils avaient fait aussi Toi, moi et Dupré avec Owen Wilson et Kate Hudson. C'est vraiment. Elle devient quoi, Kate Hudson? Écoute, je vais l'appeler. Elle attend d'être dans le MCU. Voilà, elle... on va l'appeler à la fin de l'émission. Et et donc voilà, là ils réalisent tous les deux ce soldat de l'hiver, donc que vous conseillez. Oui, complètement. Ouais. T'as fait ton top chiffré ou c'est juste c'était tes trois préférés? Bah écoute, je vais te le dire dans le comme je l'ai écrit. Top 3 films. Iron Man, Cap 2. Ok, donc c'est ensuite, deux. Donc c'est deuxième. Ouais. C'est et ensuite mon troisième n'est d'accord. Pas encore passé dans ton classement. Ok, très bien. Mais ouais, non, il est vraiment. En fait, il est clean de bout en bout. Il se tient. Il y a pas de problème de réal. Il y a pas d'incohérence. Il y a pas de. Alors que c'est le, je sais pas combien tième film, mais il est déjà bien avancé dans la timeline du MCU. Non, oui, on en oui, est au plus du dixième film déjà. C'est plus de la moitié, non? Peut-être pas. Je sais pas. Peut-être pas. Ouais, bon, mais non, vraiment, vraiment ultra cool. Voilà, le complot et tout, c'est bien géré. C'est vraiment sympa. Ouais, mais le truc aussi, c'est que je trouve que, en tout cas dans le 1, moi je l'aimais bien, Captain America. Moi, encore une fois, j'ai pas vu le 2, mais des dires des gens, parce que j'ai aussi les messages des auditeurs, c'est le moment où apparemment on tombe un peu, enfin genre on kiffe vraiment le Captain America. Bah, il est un peu moins neuneux, quoi. C'est ça, il y a de la backstory, il y a de la. Dans le 1, vu que c'était une origin story, il venait d'avoir ses pouvoirs, mais c'était quand même un gamin dans l'esprit. Mm-hmm. Il avait pas, enfin, il avait connu la guerre et tout, mais il était pas aussi mûr que dans le 2. Et dans Avengers, c'est un peu la blague de il débarque. Exactement. Ouais. C'est ça. Exactement. Non, là, franchement, il est solide. Celui d'après est un peu culte. Bon, je mets la musique histoire d'eux, mais enfin bon. Guardians. Voilà. Les Gardiens de la Galaxie. Oh, bah, est parti. La ouais. Gardiens de la Galaxie. Ah bah alors moi aussi, il est dans le top 3. Réalisé, écrit et réalisé par James Gunn. Donc Les Gardiens de la Galaxie. Ce qui était, moi, ce qui m'a vraiment fait du bien dans ce film, c'est que c'était le premier. Ah, il est dans mon top 3 aussi. Le premier Marvel où en fait je connaissais pas du tout les persos. Pareil. C'était en France. Ouais, enfin en France, quand t'es juste un gamin qui a grandi avec des dessins animés, Les Gardiens de la Galaxie, t'as rien quoi. Et l'affiche, moi je me souviens de l'affiche, c'était vraiment, et même la bande annonce avait beaucoup tourné, ce qui était très drôle. Et ouais, quand tu vois tous ces persos, tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe. Et dans l'espace. Mais même aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément les plus connus. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Il y a un vaisseau qui s'est vaisseau. Et une navette qui se la pète. Oh là là. Quelqu'un à la suite. Non, personne. Je préfère crever. Ah, c'est ça. Les Gardiens de la Galaxie. Donc dans le top, je vais commencer par toi, Joe. Ouais. Pourquoi dans ton top. Dans mon top parce que le premier film MCU qui assume de se passer complètement, enfin c'est un space opéra quoi, tu vois. Et moi ça marche complètement. J'ai beaucoup aimé l'humour, je trouve le casting cool, je trouve que la réale de James Gunn, alors j'aime beaucoup James Gunn à la base. C'est un réalisateur que j'aime bien, qui a un côté un peu punk, qui est pas mater Horribilis. Ouais, putain, si Horribilis, mais tellement bien Horribilis. Et j'étais très étonné d'ailleurs de le voir à la tête de ce projet-là. Et non, je trouve que c'est un des films du MCU qui se tient le mieux tout seul en fait. Que tu peux voir. D'ailleurs, c'est simple, hein, tu le disais, je pense que plein de gens sont allés voir ce film sans connaître du tout les personnages. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont vu ce film ne connaissaient pas les personnages. Je parle pas du public américain qui est biberonné aux comics. En tout cas, nous, en France. Mais nous, en France, personne ne connaissait les. Disons qu'on n'a pas eu le dessin animé qui va avec. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, je pense que c'est un des films du MCU qui se tient le mieux tout seul. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça. Mais il a aucune connexion avec les autres films, tout bonnement. Hein. Juste dans le scénario, il y a. Il lance un peu de Thanos. Oui, avec les films d'avant, je veux dire. Au moment où t'arrives, il dépend pas. Voilà, il dépend pas du tout. Non seulement il dépend pas, et effectivement, comme tu dis, c'est un space opéra, alors que tous les autres sont vraiment des vrais films de super-héros. C'est pas un film de super-héros. Enfin, il y a même pas vraiment d'origine story. C'est un film de gang, c'est une sorte de buddy movie géant. Personne acquérait des pouvoirs, tu vois. Chacun juste a déjà un peu ses capacités au début. Et puis c'est surtout que c'est une team, alors qu'aucun d'eux ne veut être dans une team. À part tes Roquettes, c'est ça. C'est un film sur exactement comme L'Arme Fatale. C'est des mecs et des meufs solitaires qui vont se rendre compte que la vie elle est mieux quand t'as un petit semblant de famille, quoi. Et ça, c'est non, mais parce que tout le monde parle de l'humour des Gardiens de la Galaxie, que je trouve effectivement très drôle. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Hein. Qu'est-ce que c'est touchant, la première scène des Gardiens de la Galaxie. Je me souviens quand j'étais allé le voir, j'avais été dit. Démarre direct, hein. Ouais, c'est, on est sur un enfant avec sa mère qui a le cancer et tu fais waouh. C'est ça, tu vas voir un film Marvel. C'est un peu le là-haut du MCU. Non, puis il y a aussi. Enfin, moi, je coming out de ouf. J'ai We Are Groot. J'ai chialé, moi. Oui, c'était la première fois devant un Marvel movie où j'avais ma larmichette et j'étais là, genre, le mec a tellement bien installé son truc qu'il arrive à te caler des moments de poésie pure comme ça et où c'est assumé et les détracteurs, les mauvais gens pourront dire c'est du Marvel movie, on se... bah ouais, mais désolé, il y a quelque chose qui se passe vraiment et va au-delà du blockbuster Marvel quoi. Et à ceci près qu'il y a toujours moi je trouve que les bons films c'est ceux qui arrivent à te surprendre tout en restant cohérent. Je trouve que Gardiens de la Galaxie a vraiment ce truc là. Le pas de danse de fin est quand même un moment de cinéma où moi je me souviens j'ai vraiment eu un ils me surprennent quoi, tu vois. Ouais, ils mais par contre vu que le méchant est pourri, ça marche difficilement. Le méchant est pourri. C'est le seul défaut du film, c'est que le méchant est Osef. Ouais, bah ouais, mais genre pas pourri du tout. Il est ridicule aussi. Pourtant j'adore Lipace. Lipace, on dit Lipace, Lipas. Dit Al Pacino, je crois. Al Pacino, j'adore Al Pacino, mais en Ronan l'Accuser, c'est non. Alors que le perso est hyper intéressant. Bah non, mais je connais pas le perso, je t'avoue, donc. Non, mais même sans, enfin juste, il est présenté comme un mec pété du casque, un peu badass, qui a envie de péter tout le monde, très bien. Mais après, il est ridiculisé par un pas de danse. Le pas de danse que je déteste pas, mais. En revanche, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça décrédibilise le statut du méchant. Il est ridiculisé, c'est dommage. Mais moi, je m'en fous. Parce qu'en fait, il y a 8 persos, enfin peut-être pas 8, enfin il y a tous les persos des gardiens à présenter. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y en a pas de mis de côté en fait. Non, et non, c'est vrai. Ça, c'est quand même kiffant. Même si t'as toujours t'as un peu Star-Lord qui fait les blagues et machin, mais en vrai. Chacun a un peu son préféré, tu vois. Chacun a son moment de We Shine un peu. Surtout ce qui est assez cool aussi, on parle d'une équipe qui, c'est des outsiders qui voulaient pas être ensemble et finalement ils finissent ensemble, famille et tout, c'est trop bien. Mais en fait, pour certains, on se rend pas forcément compte. En fait, ils sont tous, c'est tous des rejetés. Sa mère est morte. Il a été élevé par un bandit. Ouais. Groot, on le sait pas forcément dans le MCU, mais c'est le dernier de sa race. Rocket Raccoon, il est, ben c'est un vrai raton laveur qui a été expérimentation. En scène, je sais plus comment on dit en français. Et Gamora, elle rejette tout parce que son père l'a défoncé. Donc en et fait, Drax s'est fait buter toute sa famille par Thanos. Voilà. Donc, en fait, c'est tous des écorchés vifs. Quoi. Nebula, Gamora, enfin j'aime beaucoup Nebula. Oui, complètement. C'est ça. Je voulais dire. C'est marrant, je vais y revenir parce qu'il y a ce méchant là qui est peut-être pas ouf, mais elle est quand même très stylée. Elle est super. Karen Gillian de base. En méchante, je la pète, mais pas en Nebula, non. Non, donc ouais, moi je trouve très bon film, vraiment. Ah, j'adore. Et familial. Enfin, pour le coup, c'est un bon popcorn movie que tu peux mater. Justement, je trouvais ça ouf que James Gunn, qui a son univers bien à lui et qui quand même s'est fait connaître en faisant des films porno sans cul, voilà, a réussi à faire un film Marvel et justement pas Edgar Wright en fait. Je me suis dit, lui, il a réussi à garder son identité tout en rentrant quand même dans le cahier des charges de Marvel et ça marche super bien. Je pense que c'est pour ça qu'il l'adore, parce que James Gunn, enfin après bon, il y a eu des petits soucis, mais il était réengagé là. Mais ils l'ont quand même placé en script, enfin genre tout ce qui se passe après. Il avait un œil dessus. En fait, il y a John Favreau, pas script doctor, mais en fait il y a genre les consultants historiques Marvel. Non, c'est même eux qui disent ça oui, ça non. Et il y a John Favreau, James Gunn et un troisième dont j'ai oublié le nom. Kenneth Branagh. Le mec qui a fait Thor 2. Non, mais voilà, du coup, il y a vraiment. Il vérifie tout ça. Mm-mm. Parce que justement, James Gunn était celui qui avait le plus réussi. Ce qu'Edgar Wright n'a pas réussi à faire, par exemple, à savoir pas courroucer Disney et Kevin Feige. Kevin Feige des Black Eyed Peas, exactement. Et en même temps, tout en imposant effectivement son style, qui a été, en vrai, les gens le disent, pas mal repris, quoi. Le côté on désamorce la scène d'action. Mais pas trop. Dans Les Gardiens, non, mais c'est tous les films d'après, trouve, ont quand même un peu, avec Avengers, qui sont sortis, rappelons-le, quand même pas longtemps l'un l'autre, ont repris ce truc-là de la scène d'action. Ouais. Ah, on la désamorce un peu. Et puis il est beau, genre vraiment, j'adore. Moi, mon king, c'est vraiment les Marvel dans l'espace. Et celui-là, il a bien entamé le truc. Et attends, vraiment, les plans sur les planètes. Oui. C'est d'une beauté. Ouais, les plans sur les planètes, les plans sur les vaisseaux vus de dessus, hyper beau. Il y a un amour des vaisseaux, mais de toute façon, c'est. J'ai un vaisseau tatoué sur le bras, donc j'aime beaucoup. Non, mais j'ai vraiment ce truc. Quand je suis sorti de ça, je me souviens, je l'ai vu avec Vincent Tirel, d'ailleurs, que j'embrasse. Ça name drop. Non, mais parce que je l'ai vu, on a vraiment eu un kiff d'enfant, en fait. À la fin du film, on s'est regardé, on fait putain, on a eu des émotions. À l'époque, il n'y avait pas les nouveaux Star Wars. Je vous parle d'un temps, les amis. Mais du coup, on avait eu un truc similaire de film popcorn. À la fin, je fais oh putain, c'était trop bien. C'est ça, pour moi, c'était vraiment les nouveaux Star Wars. Exactement, tu vois, il y avait ce truc de ce bon mélange de aventure, émotion, rire, amour des persos. Enfin, tu kiffes les persos. Le couple. Enfin, Star-Lord Gamora, il se tient, je trouve. Ouais, donc, il est super. Et en même temps, Groot et Rocket Raccoon, j'adore aussi. Enfin, moi, c'est top 3 pour moi. Mais là, c'est beaucoup. Bradley Cooper, on lui doit beaucoup. Et puis Vin Diesel a fait chialer Joe. Donc, c'est vrai que c'est pas un truc auquel tu peux t'attendre. C'est ça. Non, mais tu disais que James Gunn avait réussi à s'approprier la charte Marvel, mais je trouve qu'il a rajouté aussi des pages. Parce que Thor 3, en termes d'esthétique et en termes d'ambiance, c'est aussi calqué sur. Voilà. Parce que, de toute façon, il faut être cohérent dans l'univers spatial du truc. Mais on voit que c'est James Gunn qui a posé les trucs, quoi. Non, complètement. Et voilà. Et casting assez fou, hein, quand même, dans Guardians of the Galaxy. Parce que même si les héros sont pas tous des stars, parce que Chris Pratt était, aux États-Unis, quand même très connu. Il faisait Parks de la sitcom. Parks and Rec. Il était dans quelques comédies aussi, dont l'excellent Five Years Engagement, que j'adore, film méconnu par l'équipe qui a fait Sans Sarah, Rien ne va. Lui est très connu, il mais il se le... fait péter les dents dans Wanted. Et il se fait péter les dents le fuck avec la dent qui fait le U. Mais je l'aime moins quand j'ai appris qu'il avait abandonné un chien dans la vraie vie. Non, mais il a fait. Enfin, moi je l'aime moins maintenant que je sais qu'il est genre dans une église. Ah oui, c'est la nouvelle scientologie là. Voilà, il est pro-Trump, je crois. Ouais, c'est ça. Je suis Trump. Non, Chris Pratt, humainement, c'est compliqué. L'église anti-gay, la totale. Ça y est. Moi aussi, quand il est sorti le film, j'étais là. Oh, Chris Pratt, c'est l'homme de ma vie. Ouais, non, c'est plus l'homme de ma vie. Le couple avec Anna Faris, moi, était un espèce de. Oui, bah c'est ça, ils étaient trop mignons. Comme c'est on dit. Vrai, c'est vrai. Mais là, non, c'est, ouais, c'est fini. Avec c'est la fille Schwarzenegger maintenant. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est lui. Mais bon, après, dans le film, il est chambé. Hein. C'est on vrai. Pas, voilà, on peut pas dire le contraire. Et donc, oui, je disais casting de fou parce qu'il y a quand même Benicio del Toro, Glenn Close, John C. Reilly, Jim Unsoon. Enfin, voilà, il y a plein de gens dans des petits rôles qui sont chambés. Il y a même un micro caméo de Nathan Fillion. Non seulement, et justement, j'ai aussi une petite question. Quel patron culte de studio fait une apparition dans Les Gardiens de la Galaxie. Et c'est lié à l'histoire de James Gunn. Alors Stan Lee? Non. Ouais, bien joué. Putain, alors non, je sais pas. Stan Lee qui a vraiment en plus dans celui-là une blague de elle est trop jeune pour toi, ouais, ouais. Une blague un peu de vieux dégueu quoi, mais Non, écoutez, il s'agit de Lloyd Kaufman. Ah, qui est Lloyd Kaufman? C'est le patron de la Trauma. Et pourquoi lié à James Gunn? Parce que James Gunn a commencé en écrivant des films pour Trauma. Ouais. Tel Troméo et Juliette. Voilà. Alors, on n'a pas cité Super aussi, qui est vraiment super. Qui est vraiment super, évidemment. Bien joué. Non, et puis il a écrit Scooby-Doo 2 aussi, quand même. Ouais, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Et pas le 1 aussi. Et aussi le 1. Il a écrit les deux. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous savez le film qui arrive après, qui est assez lié au Gardien de la Galaxie? Alors, Gardien de la Galaxie 2? Non. Thor 3, du coup? On est sur Thor 3. J'adore la BO. Non, c'est vrai. Alors Joe, Led Zeppelin les vrais inventeurs du proto-métal. Il est dans mon top 3, je l'assume complètement. Je l'assume totalement. Je l'ai revu il y a pas longtemps avec ma meuf et je me suis banané. Je me suis bidonné de A à Z comme et Jaja. comme Jaja et je j'aime vraiment ce film. Voilà, j'aime vraiment ce film. Il est dans mon top 3. Valkyrie top meuf. Ah oui, oui, ah non, très bon perso. Très bon fromage. À part The Devil's Anus, qui je trouve un peu trop loin. Alors, moi, c'est mon problème avec un peu le film quand même. C'est que je trouve qu'à. On va se rejoindre, hein, j'espère. Je vais te donner la parole. Mais c'est un peu trop de blagues. Et du coup, tu les vois venir. Moi, quand Bruce Banner saute en disant c'est bon, je saute, je vais me transformer en Hulk, quand on tombe, je fais non. Et donc quand tu le vois tomber comme ça, tu fais oui. Là, tu vois, il y a plein de trucs genre voilà. Alors moi c'est un de mes, j'aime beaucoup ce film aussi, mais c'est un de mes malus, enfin moi un de mes vétos. Parce que t'en as parlé, c'est Bruce Banner et c'est Hulk, en tout cas Mark Ruffalo ou Bruce Banner, qui est ridiculisé pendant tout le film. Moi j'aime bien. Oui, il est à chaque fois c'est j'arrive pas à me transformer, je suis en galère, je m'habille comme Tony Stark. Enfin franchement, ça sert à rien. Alors qu'ils introduisent Avengers pour le coup. Mais non, parce qu'en fait la raclée que Hulk se prend au tout début de Infinity War suffit à ce qu'on comprenne qu'il veut pas se transformer ensuite. Du coup, je comprends pas. Alors que le team up Hulk, alors qu'ils se détestent en fait depuis le début, depuis Avengers 1, ils se détestent Hulk et Thor. Ouais. Ça aurait été marrant que Bruce Banner. Je trouve que là ça ressemble pas. Toutes les scènes de Hulk sont quand même un peu cool, hein, moi je trouve. Dans l'arène, c'est trop bien. Avec Guardians, je trouve que c'est un des films à la direction artistique la plus cool. Ça c'est sûr, c'est vraiment. Ça c'est certain. Les costumes, ça ressemble un peu, mais c'est encore plus. Je trouve que ça va encore plus loin dans le parti pris Thor 3, c'est-à-dire c'est vraiment je sais pas, il y a un truc qui moi me plaît beaucoup qui fonctionne carrément avec la BO, pas avec les musiques genre pas avec les chansons de Led Zepp et tout, mais avec la BO, le score. Je trouve que tout est hyper cohérent. Chris Hemsworth a jamais été aussi bien dans son rôle. C'est là que quand tu le compares cheveux courts. Cheveux courts est super. Jeff Goldblum, Jeff Goldblum, tu vois, genre vas-y, mettez-le partout et Non, super. Et Valkyrie, salut, et c'est là que quand tu le compares à Thor 1, où tu à tous les points, la DA, Asgard, c'est un truc séparé du reste, mais quand même, Chris Hemsworth qui dans Thor 1 avait une perruque, avait les sourcils blonds, il avait pas du tout la même gueule, mais ça c'est encore ça passe. Mais je trouve que l'humour qu'il y a dans Thor 3, qui peut être un point positif, est très différent. Enfin, le Thor de Thor 3 est très différent du Thor dans tous les autres films. Oui, clairement. Et je trouve qu'il y a c'est un peu trop différent. Pour une fois, les blagues se font pas au détriment du personnage. Non, je suis d'accord. C'est le personnage qui fait les blagues. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si t'essayes de voir le personnage de Thor dans le MCU, dans le 3, il dénote. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est pas cohérent avec les autres versions de Thor dans le MCU. C'est même pas tant que ce soit pas cohérent, c'est que je trouve que du coup, il ressemble un peu, mais comme Star-Lord ressemble un peu à cette espèce de héros vaneur. C'est vrai. À la Star-Lord, à la Tony Stark. C'est kiffant parce que. Je trouve que Thor, il a quand même cette. Il a toujours cette sorte de recul où il porte lui-même un regard un peu d'incompréhension sur ce qu'il fait et même parfois sur ses propres blagues. C'est un peu un viking, alors que Star-Lord, il est conscient de faire de l'humour. Je trouve que Thor, Star-Lord, il est un peu dans un mécanisme de défense par la blague, alors que je trouve que Thor, il y a un côté un peu enfant, quoi. Moi je me souviens de la première scène où j'ai eu quand même très peur du film et après j'ai kiffé de ouf. Quand il est attaché, c'est vraiment une scène à la Star-Lord où la chaîne tourne et il fait excuse-moi, pardon, ça m'a saoulé. Moi c'est la même vanne que j'ai au début de Guerre de la Galaxie. J'adore le réal. Vraiment, ah ouais, voilà. What We Know de Shadows, je le regarde, je rigole à chaque fois comme une banane. Hein, on va reprendre l'expression de la banane. Donc les bananes rigolent. Vraiment, j'en pouvais plus. Mais moi, en fait, ça a donné le ton du film. Et j'ai trouvé qu'il y avait trop de blagues et j'ai pas réussi à me sentir impliqué dans le film. On parle d'un film avec Jeff Goldblum où il est au sommet de son art, j'aime cet homme plus que tout. Et là, en fait, le problème, c'est que j'arrivais pas à être à fond dans le film alors que j'aime tous les persos, j'aime tout, ça devrait être mon Marvel préféré. Et ça l'est pas parce que je trouve que tout est désamorcé dans la seconde, en fait. Du coup, je m'en fous. Ouais, je suis quand même un peu d'accord. Ouais. Moi, j'ai, même coup, si. Ça m'a saoulé. Moi, j'ai eu cette. Alors, c'est un des rares que j'ai vu deux fois du MCU. Et j'ai eu un peu cette impression en sortant de la salle quand je l'ai vu au cinéma. C'est-à-dire que j'avais bien aimé, mais j'avais trouvé que voilà, beaucoup de blagues, particulièrement de Devil's Anus, m'avaient vraiment mis par terre. Genre, non, c'est pas possible. Et quand je l'ai revu, ça m'a beaucoup moins, ouais. Ça alors, m'a beaucoup moins phagocyté le truc. Salle, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quoi. Après, on n'a pas parlé de quelqu'un non plus que je pète allègrement, qui est Cate Blanchett, qui joue donc Ella. Et quel je trouve dommage. Que tout ce qui se passe. Sur Ella. Ça fait plaisir. Tout ce qui se passe sur Asgard, qui est au demeurant intéressant, est complètement en contraste avec tout le reste. Du coup, t'as l'impression d'avoir deux films en même temps. Ouais. C'est surtout que t'as l'impression que sur Asgard, ça se passe en deux heures. Quoi. Ça, c'est un peu dommage. Il y a un problème de gestion de la temporalité. Mais en fait, c'est l'hôpital génocide d'un coup. Là. Enfin, ouais. C'est... Oui, mais c'est dommage parce que. Et je trouve qu'en fait, là où il s'en sort presque moins bien, le film, c'est que les personnages que tu connais drôles. Du coup, sont un peu relous parce que même, et là je m'aventure, mais je trouve que Loki est pas. Moi, il me saoule un peu dans Thor 3. Ouais, mais c'est toujours Loki, en vrai, très vite, il saoule en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il est très bien, mais en vrai, très vite, il saoule parce qu'ils l'ont surutilisé. Ouais, bah, surtout que là, il est moins manigance que dans les autres, ouais, et du coup, il est moins intéressant. Mais du coup, tu vois, l'enlèves à l'histoire, c'est pas très grave. Même eux, ils font la blague de ah, je vais t'aider, mais en fait, tu vas me trahir. Et du coup, t'es là, bah ouais. Après, c'est pas le plus inutile du film. Excusez-moi, mais j'adore Idris Elba, mais il sert à rien avec Selox. Et Idris Elba, il est tellement sous-exploité, ce mec. Mais il y a un très bon personnage que. Carl Urban. Ah oui, avec sa mitraillette. Ah, oui. Très bon. Non très, seulement très bon. Carl Urban qui a début de film parfait, voilà, avec, les, avec les mitraillettes. non, je pensais à bah, pour le coup Taika Waititi qui joue Korg. Avec la toute petite voix là. C'est ça. C'est trop bien. Qui moi me manquait beaucoup au début d'Infinity War. Je l'attendais à le revoir. Il était pas là et ça m'a rendu triste parce que lui il me fait vraiment c'est marrer. Vrai qu'il est super. Et puis il y a quand même cette scène très drôle où ils refont Thor 2, bon, qui est vraiment un doigt d'honneur. Où ils refont la scène du théâtre. La scène du théâtre. Avec Sam Neill et Matt Damon. Exactement. Donc on est quand même sur un film avec Sam Neill et Jeff Goldblum, ce qui est quand même un truc assez. Et Matt Damon est dans le MCU. Et Matt Damon. Est-ce que vous savez un petit fun fact? Oula, qu'est-ce qu'il va dire? Non. Un fun fact sur une alliance de personnages. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un personnage dans Thor 3 qui est le frère d'un autre personnage qui est dans Les Gardiens de la Galaxie. Son frère. C'est Jeff Goldblum qui l'a dit. Alors attends. Je vous donne un des deux. C'est le frère. Bah, je vous l'ai dit, de toute façon, j'ai dit Josh Goldblum, c'est le frère du grand maître, pardon. Ah, mais oui, c'est le collectionneur. C'est, oui, exactement. Est-ce qu'ils sont maquillés un peu pareil? Bah, en fait, moi je savais qu'ils étaient de la même race d'êtres. Parce que j'ai lu les comics. Ah, non, c'est vrai. Alors, non, parce que dans les comics, c'est pas du tout le cas. Alors, bien, t'arrêtes de te moquer de moi, des gars. Non, mais je savais juste que c'était des. Je sais plus, c'est pas des célestes, justement, mais ils ont. C'est des anciens. Enfin, je sais plus. C'est Jeff Goldblum, c'est un être supérieur. Mais je savais pas qu'ils étaient frères, par contre. Bah, écoute, alors oui, après, c'était de la traduction mal foutue, mais en tout cas, selon cet article que j'ai vu, c'est. Oui, c'est ils sont frères. Jeff Goldblum, il fait des interviews où on lui a dit est-ce que c'est DC, est-ce que c'est Marvel, il s'est pas répondu. Oh. Du coup, c'est vrai, ça mourir de rire. On lui pardonne. Ah, mais évidemment, parce que cet homme est parfait, on le répète. J'ai hâte qu'il joue Alfred dans le prochain Batman. Se fier sur lui, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je sais pas. Oui, peut-être pas. Je vous envoie à la prochaine. Oh là, j'arrive pas à faire des phrases. Ça y est, ça fait 2 heures de podcast bientôt. Le nouveau film. Pareil, je pense qu'avec la musique, vous allez très vite trouver. Oui, c'est Les Gardiens de la Galaxie 2. J'ai même pas besoin d'en mettre plus. Oh, mais qu'est-ce qu'il est mais fort! Mais tant mieux, parce que ça évite de me faire sauter c'est le podcast avec les droits d'auteur. Ouais, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, rapport au Awesome. Très bonne mix. Intro. Intro vraiment que tout le monde cite allègrement. Mais comme tout problème de film, grosse intro et du coup dur de suivre derrière. Il y a des bons trucs, mais il y a beaucoup de mauvais trucs. Alors, j'aime beaucoup cette critique. Mais je comprends que tu fasses ça dans un 2, mais qui est quand même très frustrant, c'est qu'ils sont séparés déjà. Ouais. Et moi, c'est vrai que c'est un truc. C'était le point fort du 1. Bah, c'est ça. C'était le fait qu'ils soient ensemble et du coup, c'est. Et ils s'envoient des vannes et machin. Et c'est pour ça que dans leur petite scène où ils sont tous ensemble dans Infinity Wars, moi je les adore. Parce que dans le 2, c'est ce qui me manque, quoi. Même si je comprends que t'as besoin de les séparer pour mieux les faire revenir ensemble. Et à la différence où. où je trouve que autant dans le 1 ils ont tous un peu la même importance, autant dans le 2 je trouve ça un peu déséquilibré. Ouais, c'est, Star-Lord c'est vraiment Star-Lord et en fait je crois que ça m'intéresse pas tant que ça. Et non, en fait ce qui est dommage c'est que tu vois tu parlais de l'intro du 1 qui était hyper émouvante et où on te parlait de l'histoire de ce gamin avec sa mère et tout. On a tenté de te faire ça sur tout un film dans le 2, c'est-à-dire créer vraiment quelque chose d'impliquant pour le spectateur entre lui et son père, et jamais ça marche vraiment quoi. Alors moi si à la toute fin avec Yondu j'ai chialé. Avec Yondu j'ai chialé aussi. Ah oui, ça c'est d'accord. Okay. Parce que Michael Rooker est super, parce que leur relation est super, mais aussi parce que justement on m'a servi ce truc avec Kurt Russell qui m'a pas plu, du coup le contraste a fait que j'ai chialé. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Mais c'était peut-être pas fait exprès. Je suis d'accord avec toi, c'était super ça, mais alors je sais pas si c'était pas fait exprès, mais c'est juste que c'est faire fonctionner un truc au détriment d'un autre qui est vraiment. Alors que moi j'aurais aimé que tout fonctionne, si tu veux. Mais du coup, meilleur team-up Yondu et Rocket quand même. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est formidable. Moi, ce qui m'a choqué, et en fait, c'est à l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure sur Guardians 1, où on a dit qu'il était très beau. Là, je trouve que la DA, elle est vraiment dégueulasse. Ah ouais. Notamment sur... Sauf sur la fin. Quoi. Bah non, mais toute la planète de Kurt Russell. Et Ego, en fait, c'est lui la planète. Ah, spoiler, les gars. Ah ouais, c'est Center Park. En fait, c'est. C'est un peu Center Park le truc. J'accepte que la faune soit différente parce que c'est l'espace et c'est d'autres planètes, mais c'est vraiment dégueulasse. Moi, franchement, j'ai pensé à Center Park direct. Et c'est Center Park Val d'Isère en plus. C'est pas le meilleur. Et quand il fait visiter c'est le truc, violent. Quand il. Ah, non, c'est trucs qui volent là. Là. C'est toujours. Justement, c'est marrant qu'on en parle parce que moi ça reviendra sur un autre film. C'est toujours un peu compliqué quand là, en termes de pouvoir et de trucs, ça devient un peu. Enfin, c'est très difficile d'être aussi puissant. Ouais. C'est qu'il y a toujours le petit truc de crédibilité où tu fais. Est-ce que vraiment un gars a une planète quoi. Après, vous m'avez fait avaler sur les 14 autres films plein de trucs. Là, je crois que c'est ma limite. Le gars est une planète. Après, moi je trouve le concept est génial. C'est vraiment un concept comic book. Ça, j'aime bien. Oui, mais est-ce que c'est un concept cinéma? C'est too much, mais voilà. Ça pose la question de. Ça posera la question de ton putain de film du surfeur d'argent. C'est-à-dire Galactus, mon pote, va falloir. Il a raison. Galactus, il va falloir te faire violence pour accepter le concept du truc quoi. C'est quand même un mec. Là, si t'as du mal à accepter un mec qui est une planète, Galactus, il mange des planètes. Non, j'ai trouvé ça mal foutu. C'est mal foutu, je suis d'accord. Et en fait, je trouve ça presque dommage d'avoir pris un gars aussi culte que Kurt Russell en fait pour le jouer, parce que je trouve que ça biaise un peu tout le truc. Ça fait un peu genre regarder ces Kurt Russell. Et regarder ce Kurt Russell quand il était jeune, ce qui était bien fait. Et ça, c'est encore mieux fait que dans les autres films. C'est le premier où c'est vraiment hallucinant. Attends. Dans j'ai ce qu'il y avait Michael Douglas. Douglas, ça m'avait plus. Et même mais là, Robert Kurt Russell, c'était mieux fait. Mais là, c'était vraiment impressionnant. Mais le autre problème aussi pour moi, qui est un problème mineur, hein, mais j'étais assez déçu de Sylvester Stallone. Enfin, tu vois, tu me mets Sylvester. Moi, je trouve, et de Michel Yeo aussi. J'élargirais. Je trouve qu'il y a trop de graines plantées. Ouais. Et donc, à voir où ça va. Mais vu Infinity War, moi, j'étais vraiment frustré. Beaucoup de nouveaux persos. En fait, il y a Gardien 3 qui est prévu. Oui, Gardien 3, sauf qu'entre temps, mais il se passe quand même, un génocide et sûrement un rénocide. Je sais pas si ça existe. Ils vont sûrement revenir. Un dégénocide. Non, mais voilà, donc du coup, il y a beaucoup de graines plantées. Et moi, j'avais un peu le sentiment que là, pour le coup, c'était genre là, c'est pour les vrais nerds, c'est pour les vrais geeks qui connaissent les trucs. Et moi, j'étais en les scènes post-génériques, toutes. Moi, j'étais là. Oui. Je comprends rien. Putain. Oui, mais tu sais, quand tu regardes les scènes post-génériques, c'est Adam Warlock. C'est ça, ouais, c'est le cocon. Il y a le cocon d'Adam Warlock et il y a les alors, c'est les, pour ceux qui savent pas, Stallone, Michel Yeo et tout ça, c'est les anciens gardiens. Michael Rosenbaum aussi, le mec de Smallville qui fait les cocons. Oh merde, je savais pas qu'il était dedans. Ouais, il fait le mec qui a une espèce de tête en cristaux là. Ah, c'est lui. Ouais, d'accord. C'est lui. Mais après, c'est peut-être juste un easter egg qui serait jamais développé. Un gros pote de James. Et du coup, ce serait chiant qu'un easter egg soit Sylvester Stallone. Enfin, tu vois, moi, il y a un peu un truc. Je veux dire, à un moment, il va falloir me le mettre quelque part et en faire vraiment quelque chose. Dans ton cul, non ? Ouais. Pardon, excusez-moi, je suis Trump, je vous le rappelle que du coup. Non, mais moi j'étais un peu d'accord, mais je te dis plus large. C'est vraiment genre, vous avez planté plein de trucs, faites-en quelque chose. C'est fou. Je trouve la première scène super contre, et là c'est vraiment mon inculture en comics, les bonhommes dorés. Non, ils sont dans leur vaisseau. C'était marrant. Ça, j'ai trouvé ça ultra stylé et même une super scène d'action. Mais c'est vrai que je me souviens de toute l'intrigue, mais dit, mais même les autres persos, parce que tu vois, genre Mantis et tout, allez, on te la met. Voilà, désolé. Ouais. J'ai rien dit. J'ai pas dit dans ton cul. Le personnage a de quoi être cool en plus. Ouais, je la kiffe et tout, mais en fait, comme elle est rajoutée au milieu de 12 000 autres persos, même là, enfin, tu vois. Puis c'est des personnalités sitcom quoi. C'est genre, Babel, elle prend jamais mal, voilà, elle est là. C'est des clichés quoi. Je crois que le problème des Gardiens de la Galaxie 2, c'est que tu vois ce que James Gunn a voulu faire, en fait, tout. Vois tout ce qu'il a voulu faire, et donc tu vois pourquoi c'est foiré, et c'est dommage parce qu'il avait réussi à gérer très intelligemment le premier. pense que là, c'est trop un peu dispersé. Ouais. C'est ça, mais... Non, mais c'est, ce qui est la suite logique, quand tu lis des bouquins de scénario, c'est une fois que t'as atteint ton statu quo, à savoir la famille est unie, bon, bah tu l'as désunie en fait. Mais ce, qui est, voilà, mais ce qui est toujours un peu frustrant. Sauf quoi. Que, ouais, ça. Du coup, mais il y a trop de nouveaux persos. Et genre, même là, tu vois, même pour bien exploiter ceux du premier, je trouve que Nebula, Gamora, j'en attendais beaucoup. On va enfin les voir. Parce que pour moi, c'était un peu le point faible du 1, dans le sens où je les trouve les deux nanas un peu sous-exploitées vis-à-vis quand même des enjeux qu'il y a autour de tout ça. Et là, bah, elles se tapent, elles s'aiment bien, machin, mais ça, en fait, tu t'en fous un peu quand elles se tapent sur la planète. Bah, il y a juste la relation Yondu-Star-Lord qui est développée. Ouais, c'est ça. C'est, en fait, c'est, tout est important par rapport à Star-Lord et le reste, en fait, bah. Mais ça. Voilà. Donc, ce qui est dommage. Est-ce que vous savez. Excusez-moi, j'avais un M&M's en même temps. Est-ce que vous savez un chanteur et une chanteuse qui sont des guests dans le film ? Dans deux univers très différents. Il y a David Hasselhoff. Alors, il y a David Hasselhoff, je pensais pas à lui parce que lui, évidemment, il est très visible. Ah, il y a d'autres à part David Hasselhoff. Il y a un chanteur dans le métal et une chanteuse pop. Alors Madonna ? Non. Non. Lady Gaga ? Non. Il y a Rihanna ? Non plus. Non. Sachant que non, ça c'est Valérian, tu comprends. Ah oui, c'est de Valérian. sachant que la chanteuse pop en l'occurrence est un caméo vocal. Je suis vexé de pas m'en rappeler. Non, mais en même temps, apparemment, j'ai le nom sous les yeux et je me souviens pas du tout qui c'est. Mainframe, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ah d'accord, super. En tout cas, la personnalité de la pop, c'est Miley Cyrus. Ah, c'est Miley Cyrus. Voilà, ah, qui fait une voix. Et la rockstar qui joue le ravageur invisible, c'est Rob Zombie. Ah, il y a Rob Zombie. Ah, mais Rob Zombie qui faisait déjà, la voix du médecin au téléphone dans Horribilis. Ouais. Et Horribilis. Oui, mais dans le 1, je crois qu'il fait une voix aussi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et là, dans le 2, il apparaît. Les ravageurs, c'est la team de Yondu, justement. Mais s'il est invisible, c'est normal qu'on voit pas. Oui, non mais je. En fait, c'est le même caméo que Brad Pitt dans Deadpool, quoi. C'est vraiment. Oui, voilà, exactement. Je pense que c'est. Oui, il faut vraiment le savoir. Le prochain, alors moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais j'aime beaucoup. Ah, bah c'est. Plastic Bertrand. Presque. Ah, Homecoming. Homecoming, les Ramones. Spider-Man Homecoming. Top 3. Qui est dans mon top 3 aussi. Top méchant. Et top 3 dans top méchant. Et top méchant et top héros. Ah oui, donc. Il est dans top méchant, mais c'est tout. Mais j'aime bien le film. Hein, c'est juste qu'il est pas dans mon top 3. Mais c'est le meilleur méchant du MCU, tout simplement. Je peux commencer par ça. Ah ouais, carrément, à ce point. Ah non, il y a Thanos. Ok, il y a Thanos. C'est le meilleur méchant, pas violet. Non, mais il est. Enfin, pardon, mais c'est. Il y a eu. Pour moi, si je dois dire un point faible de tout le MCU, c'est les méchants. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont très mauvais. Et là, Michael Keaton ou pas, hein, bon acteur. Juste le perso est bien écrit, il est bien amené, il est crédible. Non, mais Michael il a Keaton est charmé. Oui, Michael Keaton est charmé. Et ce qui est cool, c'est que. Effectivement, toi, tu parlais tu disais avec Ego, la planète et tout, ils nous mettent des méchants de plus en plus forts. Là, ils reprennent un méchant street level, bon, qui correspond à Spider-Man, puisque c'est Spider-Man à la base, c'est Nebourou de Spider-Man. Bien sûr. Nebourou. Et je trouve que il est. Enfin, j'adore Tom Holland et j'adore le Spider-Man, ce film-là en entier, mais le méchant joue pour beaucoup dans la réussite de ce film-là. Et la scène de la bagnole. Ouais, bien sûr. Et j'aime beaucoup dire ce fun fact à chaque fois parce que je sais pas si les gens ont capté. Dans la voiture, quand ils discutent tous les deux dans le rétro et tout, t'as le feu rouge qui se reflète sur Tom Holland parce que c'est Spider-Man et le feu vert qui se reflète sur le vautour parce que le vautour est vert. Je trouve ça taré. C'est effectivement très stylé. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Spider-Man Homecoming, et c'est exactement ce que tu dis, et je vais même plus loin, c'est ce qui m'a désintéressé quand même beaucoup du Marvel Universe à un moment où je trouve ça sympa, mais voilà, c'est que les enjeux me dépassent complètement. C'est-à-dire que moi, un dieu qui détruit la moitié de l'humanité, en fait, je n'arrive pas à me projeter. Donc, du coup, je n'arrive pas, on y reviendra sur Infinity War, mais je n'arrive pas du tout à être triste ou à me sentir parce que c'est trop gros en fait et que j'arrive pas à mesurer là où quand je regardais Batman Returns sans vouloir faire mon vieux con de c'était mieux avant mais si tu peux là sur ce film en l'occurrence t'as un gars en l'occurrence le pingouin qui se fait traumate et qui se venge par la politique et qui est un vrai personnage et à côté de ça t'as Catwoman qui se fait défoncer parce que c'est une femme et qui du coup les méchants étaient charismatiques, avaient une raison d'être et étaient raison d'être exactement et qui était le produit un peu même de la résultante un peu comme dans The Dark Knight du héros en fait. Ouais, bien sûr. Ce que j'adore dans Homecoming, c'est qu'à la toute base et c'est une des premières scènes, c'est que Michael Keaton fait ça à cause des Avengers. Ça c'est trop bien. De Tony Stark. C'est trop bien parce que un des reproches qu'on faisait à Avengers, on l'a pas encore mis dans ton classement Avengers je crois. Non. C'est clair qu'il a bien marché. Oui, ils ont tout pété. Ouais, c'était Philippe Manavre. Ils ont tout pété à New York et tout le monde s'en bat les couilles, il y a pas de dégâts collatéraux. Et eh ben en fait si, et ça c'est super. De quoi? Ouais, non, ouais. C'est pas mon meilleur perso. Et du coup, oui, voilà. Et là, t'as ce méchant qui a une vraie raison voilà, d'exister. Et tu te sens dès le début mal pour lui, en fait. Mmh. Et en fait, très vite, tu comprends. Tu fais, oui, non, bah, bien ça, sûr. En fait, enfin, moi, je trouve qu'un bon méchant, on en parlera dans mon autre méchant préféré qui supplante le vautour. Le fait que tu es de son côté. Oui. Quand tu veux que ce soit le méchant qui gagne, bah. Voilà, bah c'est ça, un bon tu, méchant. Tu le ouais. comprends en fait. Oui, tu le comprends. Être de son côté, c'est peut-être un peu beaucoup, ouais, mais oh. tu le comprends. Tu te dis pas pourquoi il fait ça, quoi. Et puis voilà, le fait d'amener que c'est le père. Ça, c'était un bon twist. Très moi, malin. Moi, je m'y attendais pas, perso. C'est, très voilà, malin. C'était, ça m'a surpris. C'était une bonne idée. Un twist qui mise sur des préjugés racistes, mais un super twist. Oui. Un super twist, c'est quand vrai. Même. Mais non, effectivement, moi, je l'ai pas du tout vu venir. Et je trouve que le film a quand même aussi pas mal ça, des trucs. Enfin, même à un moment, il tue le premier choker et tout machin. Je ouais. fais, oh putain, ouais. d'accord, ok, d'accord, mmh. on est là-dessus. Ouais. Enfin, j'ai eu pas mal de surprises comme ça pendant le film. Je trouve l'humour très très bon. Et justement, différent de. Je dédramatise. Ouais. Voilà, je trouve que le perso, j'ai plus d'empathie pour lui. J'ai un vrai problème avec la fin et la ouais, scène avec aussi, l'avion ouais. invisible. Ouais, c'est pas une, c'est pas ouais, une bonne fin. Ouais. Enfin, c'est pas une bonne scène de fin. Moi j'avais peur que Iron Man on le voit trop et que ça bouffe le truc parce que même au c'est niveau limite. De la com et tout. Et en fait ça va. C'est moi, c'était mal. On est sur le fil du rasoir. Just. Parce qu'il lui sauve le cul quand même à chaque fois. Donc il intervient quand même au moment clé. Donc il a quand même le beau rôle. Mais. Ça reste quand même le film de Spider-Man et c'est pas le film de Spider-Man et Tony Stark. Sachant que Iron Man était sur l'affiche hein, quand même. Ouais, hein. Donc ça nous avait tous, ouais, enfin... ça nous avait fait très peur. Non, mais alors après, est-ce que c'est le perso d'Iron Man qui est donc la pierre angulaire du MCU qui écrase n'importe quel autre perso, ou c'est aussi parce que Spider-Man est une pièce rapportée, là je fais un peu de méta, mais une pièce rapportée qui est un perso qui arrive tard dans l'MCU, qui a été intégré dans d'autres films, enfin qui est apparu dans d'autres films d'abord, pour dire il nous faut quand même un lead parce qu'on est, même si Spider-Man c'est un des héros. Tout confondu, les plus fédérateurs, mais. J'ai l'impression, mais encore une fois, je suppute en tant que spectateur qui ne connaît pas ce qui se passe dans les bureaux de Disney. Il y a un peu ce truc où je me dis, j'ai l'impression que Tony Stark, Spider-Man, et ceux des Civil War étaient leur angle où ils veulent aller et ouais. où je pense va trouver son apothéose dans Endgame. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation où Tony Stark n'a pas de descendance et où Peter Parker n'a pas de référent paternel, enfin, en tout cas, pas de père, quoi, entre guillemets. Et ils construisent ça ensemble. Et moi, je trouve les scènes assez touchantes entre les deux. Alors, je sais que là, on n'est pas beaucoup. J'en aurais presque aimé plus. Parce que je trouve que j'aurais aimé voir plus de Tony Stark qui essaie d'être père et qui est un peu nul. J'adore la fin, par exemple. Plus de Tony Stark, mais pas forcément plus d'Iron Man. Plus de scènes de relations superficielles. Et en j'aurais fait. Viré Happy, par d'accord. exemple. Et voilà, plus de trucs où. Ouais. Après, les gens qui écoutent et qui regardent mon travail savent que c'est ma marotte, hein, les relations paternelles dans la fiction. Mais c'est, j'aurais trouvé ça extrêmement fascinant, ouais. parce qu'en plus c'est une facette de Spider-Man qu'on n'a jamais vraiment vue et qui va en plus en écho de ouf avec le vautour et sa fille, oui, enfin, je trouve qu'il y avait tout un truc à construire ouais. autour de ça qu'ils ont un peu fait. Le fait qu'il veut pécho Satan, voilà, le truc qu'il veut pécho Satan, alors là, c'est elle que je pète le plus dans l'MCU, pardon, mais je la souhaite. J'aimerais qu'on arrête de péter des gens, oui, pardon, excusez-moi, Marissa Tomei pour la noter. Non, mais et donc du coup voilà, ça c'est un truc que moi j'ai beaucoup aimé, la relation avec Stark qui je trouve en plus est très touchante dans Infinity War et que j'ai hâte de voir dans Endgame, qui j'espère finira bien cet arc là. Donc voilà, moi j'aime bien cette relation entre les deux. C'est parce que c'est bien amené là que justement tout le monde était touché dans Infinity War, bien sûr. Quand il est dans ses bras, quoi. Moi c'est, alors attention au pavé dans la mare, je l'avais dit dans l'émission qui a disparu à tout jamais, mais je le redis. c'est mon Spider-Man et mon Peter Parker préféré ever. Ah ouais. Pas le comédien, bien sûr. Bah oui, ouais. Non, voilà. Oui, mais et je comme veux dire, il écrit, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je trouve que parce que autant j'adorais le Spider-Man de Raimi, mais je déteste Tobey Maguire. Ouais. J'aimais bien Andrew Garfield, mais j'aimais pas trop son Spider-Man. Là, je trouve que c'est le meilleur qui mixe les deux, en fait. Ouais. Après, c'est un goût perso. Je trouve qu'il est très réussi et c'était aussi pour parce que je vois ça dernièrement, tu sais, les unpopular opinions sur Twitter. Ah, il y en a très peu. Et y en avait je fais mon ménial un peu. C'est oui, bah mettez-en plus, voilà. Il nous manque. En fait, quelqu'un a dit à un moment que Homecoming, enfin le Spider-Man Homecoming, c'était Miles Morales blanc. Je me permets de faire ça, c'est pas très méta parce que tout le monde a vu Spider-Man, ouais, j'imagine. Sûr. Et c'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de Miles Morales. Déjà, bah, il est beaucoup plus jeune. Il a un coloc qui est joué par, j'ai oublié le nom de cet acteur, mais qui est très marrant, qui est un peu le comic relief qui fait des Lego là. Bien sûr. Et du coup, je trouve que c'était un bon move. De prendre des bouts de ce Spider-Man qui maintenant tout le monde connaît grâce à Spider-Verse, pour en faire un Spider-Man qui n'existait pas encore. Tous les gens encore. Qui sont allés voir Spider-Verse, qui sont peu nombreux. Rappelons-le en France, en tout cas, oui. Malheureusement. Mais donc voilà, je trouve que le perso est très réussi, très touchant, et Tom Holland, je trouve super. Je trouve moi, c'est vraiment l'humour du film que j'ai trouvé vraiment. Enfin, j'ai vraiment ri plein cool de fois. Et le côté teenage était réussi. Ah, c'est un film de collège pour moi. J'aurais aimé le voir à 12 ans. Ouais, ouais, je me dis, j'ai eu mon Spider-Man hein, à 12 ans, mais voilà, et qui était vraiment loin d'être nul. Mais je me dis, putain, c'est un bon kiff quand t'es ado. Parce que maintenant que je ne suis plus teenage, c'est vrai que maintenant ça me saoule un peu. Enfin, du coup, je me sens plus concerné. Je préfère les films d'adultes. Je suis plus jeune. Et du coup, effectivement, là, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à me remémorer tout ça. Et les personnages des ados sont, j'ai l'impression, alors je connais pas les ados, ils sont toujours sur Snapchat. Non, mais j'ai l'impression que les ados sont bien écrits. MJ est vraiment bien. Il y a aucun qui joue à Fortnite, ce que je trouve assez bizarre. Ouais, il y en a aucun qui fait la danse de Fortnite comme dans Shazam. C'est quand même très bizarre. Je trouve qu'ils connaissent pas très bien les jeunes. Ça aussi, smart move de pas mettre, attention spoiler, de pas mettre Marie-Jeanne comme love interest dès le début. Et qu'en fait ce soit la meuf qui déteste et que ce soit vraiment elle. C'est extrêmement kiffant. Voilà. Après, il y a plein de persos quand on connaît la BD apparemment. Les comic books. Les vrais. Qui sont un peu implantés. Je pense au personnage de Donald Glover. Qui oui. joue Aaron Davis. C'est ça. Et qui joue son oncle. Donc du coup, qui joue qui alors qui joue... Ah non, qui joue l'oncle de Miles Morales. C'est ça. Qu'on voit dans Spider-Verse pour le exactement. Coup. Exactement. Voilà. Donc c'est intéressant, par exemple, de placer ce truc-là. C'est méga méta puisque. Et pareil, je l'avais dit dans l'émission que disparaît tout jamais. mais Donald Glover, c'est. Alors, moi, j'ai pas vu Community en entier, donc détouffez-moi. Oui. Mais il était en Spider-Man dans Community, Donald Glover, et c'est ça qui aurait inspiré, en tout cas, le design de Miles Morales. Du coup, la boucle est bouclée, le méta est méta. La boucle est bouclée. Le réalisateur, c'est John Watts, et je voulais le mentionner parce qu'il a fait un film très sympa qui s'intitule Cop Car, et alors qui n'a rien à voir avec Spider-Man Homecoming. C'est un film, en gros, sur. Excusez-moi, d'autres M&M's dans ma bouche. C'est deux gamins qui volent une voiture de police. Et en fait, le policier est un tueur qui est interprété par Kevin Bacon. Donc quelqu'un qui instaure un peu la peur. Oui, tout à fait. Kevin Bacon qui est dans le MCU. Il joue qui déjà? Bah non, c'est Star-Lord qui est fan de Fultuz. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Et le film est super. Et voilà, je vous le conseille. C'est un petit film indé qui est génial. Et John Watts avait fait ce truc que moi j'avais adoré sur internet qui s'appelait Our Robocop. Remake. Et en fait, c'était un truc où c'est plein de réals qui ont repris une scène de Robocop à leur sauce. Ah ouais, et lui, il avait fait une des plus drôles, puisque c'était celle où ils dans les beats. Oui, voilà. Ça, je l'ai vu, voilà. Mais j'avais pas le contexte. Voilà. Je n'avais vu que ça. Et bah, c'est ça. Ils reprennent la scène où le Robocop vise la meuf qui se fait violer. Voilà, dans la jupe, et ça explose la bite du gars. Et en fait, là, ils ont refait une scène où tout le monde se fait exploser la bite. Genre, ils sentent elle est géniale. On se regardera en antenne. N'hésitez pas à la checker sur internet. Mais c'est vraiment la vie est révolutionnée. Ce truc a un contexte, tu vois. D'ailleurs, on parle de Community. Un des scénaristes de Homecoming est un historique de Community, parce que c'était le producteur, tout simplement. Ah. Et il avait écrit près de 9 épisodes de Community. Il a aussi écrit 26 épisodes d'American Dad. Et dernièrement, on a pu voir Jumanji, le remake. C'est lui. Et, pas fou. Oh, scénario, il est bien. En scénario, il est bien. Mais d'ailleurs, on voit beaucoup d'acquaintances entre. Non, mais je te dis, entre les ados de Jumanji et les ados de Spider-Man, si tu regardes bien. Il y a ce côté John Hughes Guest des années 2010 qui est assez fascinant. Et aussi, et après j'arrête de faire mon nerd qui donne les scénaristes, mais il y a aussi ces deux mecs que j'adore qui sont Jonathan Goldstein et John Francis Daley, qui sont les mecs qui ont fait les Comment tuer son boss, qui sont des films très efficaces. Surtout le premier. Ouais, premier et qui ont réalisé un film qui s'appelle Vacancy, en français Vive les vacances, qui est sur Netflix, je vous le conseille, qui est une des comédies les plus drôles que j'ai vues de ma life. C'est à pleurer derrière. Pied dans le plat. Je vous le dis, je prends aucun gant, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez même pas. Même pas Christophe. Oh là là. Oh quoi ? Arrêtez, je suis cinéphile. Mais je suis Trump en même temps. C'est difficile de concilier ça. On avance, les amis. On crève de chaud dans mon appart. J'hésite à enlever mon pull depuis tout à l'heure. On peut ouvrir la fenêtre aussi, hein, si vous voulez. Moi, y a aucun. Ce serait formidable. Bah, je vais le faire. Hop. Oh là là, c'est en direct. Je pense qu'il va sur le passer, prochain hein. film en même temps. Le prochain film, je vais vous mettre un son. Mésinou. Pas rien, vous allez trouver très vite. C'est Captain Marvel. Voici c'est ce matin, alors, je me permets de tout de suite enchaîner. C'est le moment cringe pour moi de ce film. Quoi ? C'est le surligne. Bah, avoir mis Just a Girl pour moi, c'est vraiment genre regardez ce qu'on fait. C'est génial, non? C'est une fille et on va mettre un morceau qui s'appelle Just a Girl sur la putain de scène d'action que t'attends depuis content. Le début ah, du film. Non, non, alors on va laisser Vesper faire. Ah, non, vraiment bah, Joe, que... Joe a vu le film ce matin, donc je le laisse ça m'a un peu saoulé. J'étais là genre, c'est cool ce que vous faites. Pas la peine de le surligner avec ce morceau, c'est quoi. Cool. C'est cool vraiment. Ce que vous faites. Non, mais c'est non, mais je veux dire, je, c'est cool. Je, non, mais c'est super. Un milliard de patates. Là. C'est super, mais pourquoi mettre No Doubt et donc surligner le propos et le rendre du coup vraiment, genre, on te met un coup de coude pour dire, hé, t'as vu, c'est une héroïne. Et on va mettre une chanson oui, qui s'appelle Just a Girl. C'est un peu à l'image de Star-Lord qui écoute que de la musique un peu cool des années de sa mère. Ah ouais, mais là c'est pas pareil parce que des personnages avec un héros masculin, t'en as 50 000 et t'avais pas besoin de. Enfin, là en fait, d'accord. J'ai l'impression que c'est un peu genre, regardez ce qu'on fait, c'est cool, non? Oui, mais mais pour moi c'est le propos, donc en fait c'est logique. C'est ça. Tu nous as too much en fait. Ah ça, ouais, moi j'ai trouvé ça too much, j'ai trouvé ça vraiment too much. Alors du coup, je vais apporter mon point de vue féminin à cette table. bien sûr. Je suis comme souvent la caution vagin de ce genre de truc. Donc, Captain Marvel, top héroïne. Voilà. Pas meilleur film, on est d'accord, pas de soucis. Mais top héroïne, j'attendais beaucoup du film pour ce qu'il allait représenter. Là vraiment je vais sortir les violons hein, mais voilà, vraiment les films avec des nanas, on a souvent eu des grosses merdes. On va pas se mentir, c'est pas avec Catwoman Elektra, enfin voilà, Catwoman, bah là, le plus, Catwoman de Pitoff, c'est le premier film avec un lead féminin dans le MCU, c'est ça. Et donc du coup, moi déjà l'année dernière, il y a deux ans, le travail avait été bien prémâché avec Wonder Woman, que j'avais bien kiffé, que j'aime beaucoup moi, et voilà, qui a sur un dernier tiers très DC, donc c'est son seul défaut, mais voilà. Mais sinon, donc Marvel, voilà, Captain Marvel, j'en attendais beaucoup. J'aime beaucoup Brie Larson. Et moi, ça m'a donné exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que meilleure héroïne pour moi, parce qu'elle a les meilleurs dialogues de ce que j'aurais dit à sa place. D'accord. C'est con, hein, mais vraiment, au niveau des situations. L'identification, quoi. L'identification, elle marche à balles. Et je trouve qu'en ce sens, elle est extrêmement moderne. Que c'est justement bon, voilà, Just a Girl, voilà, mais ah non, mais voilà, moi c'était juste ça, moi je contredis pas du tout ce que t'es en train de dire, mais c'est même là, parce que en fait, enfin d'ailleurs c'est une de mes chansons préférées de No Doubt, et vraiment moi ce moment où ça se lance, j'avais envie moi aussi de botter des culs, quoi. Vraiment, cette chanson m'a donné l'énergie, mais je pourrais retourner la table quand j'écoute ça. Mais vraiment, ça m'avait. Mais, moi, j'aurais aimé qu'il y ait un score de super-héros. Je comprends. Mais dans tous les films Marvel, la musique, elle est OSEF. D'accord. Le thème de Cap, le thème d'Avengers, Et moi, je me suis dit, putain, faites-moi un putain de thème pour Captain Marvel, et c'est le sien. Je pense que c'est moi. Je trouvais que c'était un peu trop forcément référence à de la musique avec une chanteuse, et que du coup ça retirait un peu C'est moins ça que le côté 90s, je trouve, pour le coup. C'est réservoir rock 95. Après, parce qu'à ce compte là quand c'était garbage, c'était cool. Nirvana, c'était too much, mais bon, là c'est pour revenir à Nirvana, c'était aux choses pires, comme As You Were, parce qu'elle est comme elle est, mais vraiment, enfin du coup, sa relation avec moi, on peut spoiler ou pas, Captain Marvel? Écoutez, en tout cas, les gens, vraiment, du coup, sa relation vis-à-vis du méchant, qui est le personnage de Jude Law, qui peut être un méchant un peu tout pété, quoi. Il est pété. Qui est tout pété. On le pète pas, mais sur le pète. Jude Law aussi, carrément. On arrêtait de péter, les gens, dans cette émission. C'est des coteaux, là. Et donc, du coup, j'aime beaucoup vraiment la fin où, en fait, il lui apprend pendant tout le début à se battre, du coup, avec ses bras dans le dos. Enfin, du coup, à ne pas utiliser ses pouvoirs. Et vraiment, je me serais levée, j'aurais applaudi dans la salle le moment où vraiment elle le taunte et elle utilise ses pouvoirs et qu'elle lui dit, mais je ne te dois rien. Ouais. Et vraiment, mais j'ai juste rien ça. Rien à te prouver. Voilà, ouais, j'ai rien ça. À te prouver. Et ça, mais ça, ma gueule, mais ça, c'est le meilleur moment. C'est la mais c'est. C'est tellement j'ai pas le terme français, mais l'empowerment. Oui, bien sûr. L'empowerment. Ouais, non, mais j'ai vu des gens utiliser ce terme. Donc voilà, on va l'utiliser. On peut utiliser le mot émancipation. C'est vraiment, mais ça fait un bien fou. Et voilà, du coup, là, je le dis en tant que nana, mais ça fait, mais c'est génial. J'avais envie de pleurer de bonheur. Non, mais moi, je l'entends. Franchement, je trouve le personnage. Moi, mon problème avec le personnage, c'est que je ne vois pas trop ses points faibles. Mais c'est un problème que j'ai avec Superman aussi. C'est un vrai problème. C'est que du coup, je suis jamais vraiment en danger pour elle. Ouais. Ah, surtout sur les 15 dernières minutes, tu es là genre ah bah en fait elle peut péter tout le monde. Mais c'est Goku quoi. Elle est beaucoup trop, voilà, c'est Goku. Mais c'est justement mon problème parce que je trouve que j'ai même pas besoin des 15 dernières minutes pour me dire mais elle va gagner. Parce qu'elle se fait rarement latter la gueule quand même. Elle se prend pas de coups. Non pas que j'adore voir une femme se faire défoncer, mais il y a pas ce truc un peu que j'adore dans les films de super-héros de. Ils auraient pu faire un rape and revenge, ça aurait été incroyable. Mais tu vois, il y a pas le j'en chie et nique ta race quoi. J'aurais presque aimé que justement le j'ai rien à te prouver ce soit après que Jude Law lui ait vraiment mis la race et clairement c'est pouf, je vais te faire enculer en fait. Et donc du coup t'aurais bien aimé un truc à la Rocky en fait quoi. Ouais, mais en même temps c'est peut-être trop déjà vu et du coup ça m'a surpris et du coup c'est sûrement un peu bien, mais du coup j'ai eu ce mini manque d'empathie que je la voyais moins en chier. En revanche je la trouve moi j'adore sa relation avec son ancienne copilote avec Maria. Elle est je trouve top. Le binôme il fonctionne de ouf, la gamine elle est super. Occasion ratée de faire un couple lesbien, ça, ouais. Oui, non c'est vrai, ouais, ça aurait été un peu peut-être un peu tout match. Demande beaucoup à c'est vrai c'est le premier cul de femme, je te rappelle, en 20 ans, en 10 ans. Elles ont élevé la gamine ensemble, hein. On te fait bien comprendre qu'elle est là tous les Noëls, machin et tout. Elle fait c'est ma meilleure amie. Ouais, c'est ta meilleure amie. Ils ont fait des peut-être qu'ils vont faire un retcon à la J.K. Rowling plus tard. Hein. Ouais, comme dans La Reine des Neiges. Il avait fait ça avec La Reine des Neiges, genre oui, elle est lesbienne. Donc peut-être ils font la même. Non, Disney n'a jamais fait pour ça. Sans contredire tout ce que vous avez dit, je suis assez d'accord. Moi, il y a un truc qui m'a déçu et du coup, je pourrais pas le mettre dans un top ou je pourrais pas dire c'est un de mes prefs. C'est qu'en fait quand elle est en civil, on va dire, quand tous les trucs avec Nick Fury ou avec sa copine, ça fonctionne bien. Ah, elle est super. Mais dès qu'elle est censée être une héroïne ou une super héroïne, alors qu'elle a des putains de pouvoirs de malade, qui est sûrement les plus puissants de tout le MCU, à part la scène vite fait de fin où elle traverse un vaisseau là qui est assez cool, je trouve pas ça très spectaculaire et c'était pas obligé. C'est mon problème avec le film aussi. On peut se dire qu'un film n'est pas obligé d'être spectaculaire, très bien, pas de soucis, mais moi personnellement j'attendais ça et je pense que ça aurait pu être dans le film sans gâcher tout le reste, sans entacher ou sans être au détriment d'autres choses. Et j'aurais bien aimé qu'on voit justement, parce que tu vois, tu dis on voit qu'elle a des putains de pouvoirs, mais c'est tout l'un ou tout l'autre en fait. C'est soit elle est en galère dans une bagnole avec Nick Fury, soit elle défonce des vaisseaux et il n'y a pas d'entre-deux, où il n'y a pas de crescendo si tu veux. Et j'ai trouvé que c'était, vu que c'est pas vraiment une origin story, mais un peu quand même, ça aurait été bien de au moins voir, tu vois, l'empowerment comme tu dis, c'est-à-dire la voir vraiment step up et progressivement, et il n'y a pas ce truc-là. Mais je pense même, j'ai l'impression, sans blâmer les réalisateurs, mais j'ai l'impression que c'est un problème de réal. Si, peut-être. On atteint le point où vraiment j'avais envie de. Blâmons le duo de réal. Parce que je vois le moment où on était censé se dire ok, là elle se réveille. Et je le trouve vraiment un peu foiré. Je trouve que quand elle est attachée et que d'un coup elle fait ok, maintenant en fait je suis une super héroïne. Je trouve qu'à aucun moment tu te dis oui, ok, t'es une super héroïne. J'ai pas la personne n'en doutait, c'est ça. Ça marche pas. En fait, c'est ça. Je trouve que dans l'écriture du perso. Il y a un truc où effectivement la montée ne marche pas vraiment et voilà. Après encore une fois moi j'ai trouvé qu'il y a pareil, les surprises ont marché sur moi, que les méchants en fait c'était plutôt des gentils, enfin tous ces trucs là et j'ai trouvé que c'était parce qu'il faut quand même pas oublier que les films de Marvel sont aussi des films pour la famille en général, mais c'est pas que pour les gens qui lisaient des comics. Oui, le coup des scrolls, c'est cool et le message que ça envoie est super. Même si c'est pas ça qui doit sauver un film, mais mine de rien c'est quand même super que t'aies un film qui globalement c'est un film qui a plein de messages cool. C'est ça. Mais en attendant, voilà, il mérite d'être vu juste pour tous les trucs cool. Bien sûr. Pour toutes les photos stylées des gamines déguisées en Captain Marvel. Mais c'est vraiment exactement ça. Et c'est des choses que les gens souvent ont du mal à comprendre. Mais qui, si t'es pas concerné. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est vrai, quand j'ai vu ma. J'en parle tout le temps, j'ai l'impression, mais la demi-sœur de ma meuf. Ma demi-belle-sœur. Mais bon, vu qu'elle a 5 ans, je trouve ça bizarre de dire belle-sœur. Mais bon, bref, quelque part, si quand même. Quand elle se déguise en Vaiana ou un truc comme ça, et qu'en fait, il n'y a pas l'attente du prince charmant, c'est quand même kiffant, quoi. Et c'est même sûr, pas c'est un discours féministe, je trouve. C'est juste c'est trop bien. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Oui, parce que là, pour le coup, dans ce film-là, si je le compare juste sur ce point-là, Homecoming, où Tony Stark prend vraiment Peter Parker par la main, là, Nick Fury, il est pas en mode. Témoin tout le long du tout. Il est pas du tout en mode paternaliste ou en mode je te montre les trucs. C'est plutôt, il est. Plutôt non, à l'arrière, justement. Il a compris, quoi. Et il t'explique plus ou moins quand même que toute l'idée de ce truc, c'est parce qu'il a vu quelqu'un, la première personne qu'il voit avec des super pouvoirs, ouais, machin, c'est Captain Marvel, ouais, et c'est pour ça qu'il crée les Avengers, même si ça apparaissait au chausse-pied de ouf. Ah, il a écrit Avengers, et bah super. Effectivement, c'est un peu pété parce que justement, quand les gens ont posé la question, genre, ah, mais alors comment ça se fait qu'elle était pas là pendant Avengers, ouais, parce que là, c'est ça. Et bah, genre, c'était en mode, et c'est expliqué comme ça dans le film, c'est genre, vous m'appelez vraiment? Vraiment, oh, c'est chaud. Ouais. Et je suis désolé, mais New York, c'était chaud. Ça m'a tué. Mais j'ai trouvé que. Ouais, mais tu vois, New York, au final, c'est New York. On s'en fout que la moitié de l'humanité qui meurt. Mais c'est ce qui est mal foutu. C'est quand même, je trouve qu'il y aurait vraiment eu un truc. Quand elle part, elle dit c'est pour veiller sur d'autres univers. Ouais. Si elle avait vraiment eu un truc, genre, je dis n'importe quoi. Ma race est en train de s'éteindre, ou je sais pas quoi, il y a vraiment un génocide ailleurs, et du coup, là, faut vraiment que je gère ce truc. Laissez-moi gérer ce truc-là. Là, j'aurais compris. Là, c'est vraiment genre, voilà, donc s'il y a besoin, vous m'appelez un coup de main. Ouais, c'est ça, je vais faire mes bails, je retourne voir les autres là-bas. Après, ça, c'est plutôt les dommages collatéraux de créer un univers partagé avec un héros qui arrive sur le tard au final, et t'es obligé de le. Ils l'ont bien fait avec Spider-Man au final, parce qu'ils ont réussi. Moi, je trouve que t'es obligé de rien. Non, déjà. T'es obligé si tu veux mettre ce perso. Oui, voilà. Mais t'es pas obligé de faire ce perso, mais c'est une bonne idée aussi. De reconnecter les points avec le et tout, et t'es là, ce que tu disais, c'est en mode ah oui le Tesseract, ah oui il l'avait chopé, bah ça, comme ça respecte la chronologie ou pas, et le méchant des Gardiens de la Galaxie, et c'est vrai que quand ça fait longtemps que t'as pas vu genre les Gardiens de la Galaxie, tu fais ah ouais c'était le méchant lui, ah oui parce que oui ça se passe avant, ah oui, et ça c'est horrible pendant un film d'essayer de recrocher les wagons alors qu'on sait très bien que la timeline est vraiment toute pétée, et on en a pas parlé quand on a parlé d'Homecoming, mais je sais pas si vous aviez grillé qu'au début quand on parlait de Michael Keaton qui gérait la ville avant qu'il devienne vraiment méchant, il y a un bond dans le temps qui correspond pas à la timeline, ça décale et c'est pas bon, donc en fait la timeline est pétée, donc arrêtez d'essayer de forcer film, donc de toute façon pour mon point final du truc, c'est que c'est vraiment un film qui a souffert de son duo de réal qui je trouve est vraiment pilotage automatique de A à Z. Ben, en fait je pouvais pas m'empêcher d'imaginer le même film par une Catherine Bigelow, tu vois, ou même Jenkins qui a fait Wonder Woman. Wonder Woman, il y avait plein de défauts je trouve, mais il y avait des partis pris de mise en scène scène des tranchées T'imagines des scènes comme ça avec le personnage de Captain Marvel et tout, ça aurait été fou. Il y a des trucs où ils sont un peu middle, mais ça je comprends complètement, mais tu sens qu'ils peuvent pas aller au bout parce que ça a été beaucoup fait. C'est les blagues de elle est dans les années 90 alors qu'elle vient d'une autre planète, elle comprend pas. Et tu sens qu'ils disent ah, mais merde, on a fait ça avec Captain America, avec Thor, Wonder Woman, c'est ça aussi. Tout le long où elle comprend pas, genre, mais pourquoi vous mettez des robes et des trucs comme ça. Donc tu sens qu'ils y vont et après ils disent on peut pas trop le faire en fait, non plus. C'est chiant. Donc du coup, en plus, ils sont en train de plus ou moins surfer aussi sur la vague nostalgique. Bon, d'habitude, c'est plus des années 80, là c'est 90, mais le même truc en fait. Donc mais déjà, s'ils en enfin, déjà, ça force mieux branlé, je trouve. Oui, c'est parce qu'ils ont forcé, je trouve qu'au final, justement, l'argument années 90, ça c'était plus pour le marketing que pour le film en lui-même, parce que le film en lui-même, elle atterrit dans un blockbuster, c'est marrant, et tu passes à autre chose. Il y a une réplique qui est quand même bien nulle où ils font ah oui, tu as le look grunge. Ça vous va bien le look grunge? Ah si, déjà, il y a quand même du tout en grunge. Malène Vestacaro sur les cheveux, sur la taille. Il y a deux vannes où elle est sur un ordinateur et c'est chiant. C'est vrai que ça c'était. Et ben moi j'ai quand même rigolé. C'est les charges internet. La salle avait beaucoup ri. Par contre, je suis désolé, vous allez m'appeler. Il y a de très bonnes vannes quand même, attention. Tout le chat, Samuel Jackson, tout ça. Dans les comics. Non, mais juste ça, tu vois venir. Le chat qui est responsable du eye patch de Nick Fury, c'est trop pour moi. Ça c'était. Parce que la blague peut être marrante, mais j'adore. Alors justement, ça tombe bien parce qu'après il y aura plus tard Iron Man 3. Et moi c'est pareil, c'est tout ce que j'adore dans Iron Man 3. C'est genre je prends ma liberté. Non, avec... ça tu peux, mais c'est, non, en fait non, là c'est même pas le fait que ça soit un peu rigolo, c'est juste que c'est ridicule. C'est limite ils en auraient jamais parlé, ça m'allait. Pas besoin d'expliquer ça avec une blague. Je sais pas, c'est trop. Non, c'est justement, je trouvais que quand le trailer était sorti de Captain Marvel, tu vois à la fin le dernier plan, c'est lui qui gratouille le chat. Et tout le monde sur Twitter a fait. Pour vanner, c'est comme ça qu'il a eu son eye patch. Et tout le monde s'est marré en disant ah ouais, c'est drôle. Et après, tu le vois qu'ils l'ont vraiment fait. Tu fais ah ouais, non, vraiment, les gars, genre, pour moi, Twitter, c'est comme quand moi je fais un jeu de mots de trop. Non, tu vois, c'est quand même bien pire, Ben. Non, moi en fait, peut-être aussi, je m'en fous de Nick Fury, ce qui est quand même très possible aussi. Donc, du coup, je suis d'accord. Je le sacralise pas non plus. Et non, mais par contre, c'est aussi le bon côté de Captain Marvel, c'est que bon, même si c'est vraiment Samuel Jackson as fuck, après, il paraît qu'il est pas mal dans le Soldat de l'hiver aussi. Moi, je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est quand même assez présent dans Winter Soldier. Parce que ça touche à la hiérarchie du Shield et tout ça. Donc apparemment il est quand même très présent, mais moi c'est le premier film que je vois où il est beaucoup là et il est kiffant quoi. Il me fait trop marrer. Samuel, et c'est un très bon sidekick quoi. C'est vraiment. C'est vrai. Et puis alors là pareil. Et il est bien rajeuni. Ah putain. Oh là là, c'est abusé. C'est bien fait. En même temps, il y avait moins à faire sur lui que sur un Robert Downey Jr. qui est moins âgé. Oh là là, c'était gênant. Le moment où il se lève et où il a pas de bide. Ouais, c'est ouf. C'est assez impressionnant. Et puis moi j'aime bien la course poursuite aussi dans le train avec, j'ai obligé de la dire parce que les auditeurs le savent, la petite ref à Kevin Smith qui m'a fait plaisir. En fait Stan Lee, du coup c'est la première fois qu'il joue son propre rôle dans le, il lit le scénario de Mallrats dans lequel il va jouer. Et donc du coup petit clin d'œil à Kevin Smith qui a fait un super tweet où il disait j'ai passé ma vie à citer des comics dans mes films et ça y est un film sur des comics cite ça c'est cool. J'ai enfin réussi un achievement, truc quoi. Voilà, bah complètement. Et c'est Stan Lee dans un de ses derniers caméos sûrement, donc tout est un peu je crois qu'il a fait celui d'Endgame je pense, non je sais pas, mais par exemple Kevin Smith a raconté dans son podcast qu'en gros il l'a su parce que Kevin Feige l'a appelé en lui disant voilà il y a un caméo de Stan Lee où il y a un hommage à Mallrats, et le truc c'est qu'il est très vieux et très fatigué et très malade, donc on comprend pas trop ce qu'il dit. Et donc en fait il voulait récupérer des phrases du film Mallrats puisqu'il répète la scène, et donc du coup ils ont récupéré en gros les prises de Mallrats à l'époque parce qu'il était un peu fatigué. On a pas parlé de ça quand on a parlé de Gardien 2, mais dans Gardien 2 le caméo de Stan Lee, on va pas parler de tous les caméos mais en tout cas celui-là, c'est le caméo qu'il met dans un rôle qui existe, alors encore une fois qu'il est en comique, un mec qui s'appelle Watu et qui est un gars qui est le Watcher en fait, il découvre Anakin hein, donc. Oui, découvre. Oui, tu m'enlèves le mot de dire Watu, on dirait vraiment un truc de location de voiture ou un parc d'attractions Watu qui en fait est le gars qui observe et qui répertorie tout ce qui se passe dans l'univers sans jamais intervenir, et en gros bah ça serait lui, donc en gros c'est un peu aussi méta pour dire que bah c'est lui qui chapeaute tout ça, et je trouvais ça assez cool, assez malin du coup, paix à son âme. Et moi j'adore le chat quand même, voilà, j'aime bien le chat. Oui, moi aussi j'aime bien le chat, il me fait marrer. Le prochain, bon là il reste plus beaucoup hein, en vérité il en reste 42. Ouais. Non, il reste en vérité, il reste 6 films. Mais bon, on arrive vers ceux qui ont fait beaucoup d'entrées, donc on va en parler plus. Il y a des chances. Il s'agit d'un troisième épisode. Je l'ai vu sur ton écran. Merde. Cap 3. Civil War. Alors d'ailleurs, qui est pas vraiment un cap. Voilà, quelle surprise de voir un cap 3 sur ce truc qui est vraiment juste. C'est un cap, c'est une péninsule. Il m'en manque un, je sais pas c'était quoi. C'est un pic. C'est un cap, que dis-je. Désolé, c'est une péninsule. Avengers 2.5 quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, j'aimerais trop Francis Huster dans MCU. Putain, mais n'importe quoi. J'ai rencontré Francis Huster. Il était en dédicace à Nancy. Voilà, parce que je suis originaire de Nancy, je remonte un peu le niveau parce que tu en parlais dans un dernier podcast. C'est Sophie Marie qui a chié sur Nancy. Quand il signe ses autographes, il est vraiment. Ça se voit pas là, évidemment. J'ai pas Francis Huster dans le dîner de con. Il écrivait un livre sur Albert Camus. Voilà, donc j'ai acheté exprès son bouquin sur Albert Camus que j'ai jamais lu. Et si vous voulez taper, pour rencontrer Francis Huster. Si vous voulez taper une très bonne barre, je vous conseille faire. De qualité. Vous tapez Francis Huster, Albert Einstein, parce qu'il a joué. En fait, il a joué Albert Einstein au théâtre avec une fausse moustache. Je ris rien que d'imaginer le. Et comble du pire, il avait fait la promo en Einstein. C'est-à-dire que tu as des photos de Huster à RTL avec les logos RTL déguisé en Einstein dans un maquillage. C'était un peu son Man on the Moon à lui, quoi. Il avait vraiment. C'est exactement mais ça. Donc ça veut dire qu'il pourrait possiblement continuer le caméo de Stan Lee, alors du coup. On pourrait effectivement recoller un peu les wagons. Et en même temps peut-être non finalement, et peut-être vaut mieux pas. Écoute, on a fait avoir Mouloud dans la MCU, donc c'est un pas Francis Huster. Donc Civil War du coup, oui effectivement, ouais. Avengers 2.5, voilà. C'est ça. Puisqu'on en retrouve quelques outre donc Captain America, il y a quand même Iron Man qui est le méchant du film hein, quand même, plus ou moins comme il te le présente. Ça dépend quel côté tu es. Non mais là comme c'est présenté, c'est quand même clairement ok. C'est mon gros problème avec Civil War, qui n'est pas dans mon flop, mais qui a failli hein, quand même, parce que même si en fait il y a des trucs que j'adore, que je trouve formidables et qui n'ont rien à voir avec le comics, parce que moi je suis pas si fan de Civil War. Non, moi non plus. Mais je trouve qu'il y a des trucs d'un raté, qui est en l'occurrence l'histoire, ce qui est quand même dommage. Il y a des scènes de ouf, mais tout le autour est. Je trouve que Iron Man, enfin, j'ai l'impression de pas voir le même Iron Man. C'est celui-là avec Daniel Brühl. Hein, c'est celui-là où le méchant c'est Daniel Brühl et où il y a le flashback de. Aïe aïe aïe, pardon. Mais qu'est-ce que c'est ça? Daniel Brühl. Voilà. Oh là là, putain, excellent, oui. J'ai fait une crise cardiaque pour de vrai. Je suis désolé, je m'en veux tellement. Non, elle était à chaque fois que j'écoute cette émission, je me dis, tout le monde est drôle. Et en fait, j'arrive pas à être marrant. Oh, monsieur, arrête, comme vous avez. C'est eux qui ont pas compris, Joel. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que Iron Man, je le trouve presque pas le même perso que dans les autres. Bah, moi j'étais team Iron Man de cœur et là ouais il est un peu mais moi je le trouve facho, c'est dire. Non, mais ça n'a aucun sens. Et puis surtout le flashback de, du coup il tient responsable de la mort de ses parents. Ouais, c'est une débilité sans nom. Ah, ça, je et puis je trouve que même juste en termes de réal, c'est pas le film le plus solide des Russo, quoi. Enfin, il y a par exemple toute l'intro avec je sais plus comment s'appelle ce personnage, le méchant du début là. Qui fait quoi? La première scène qui se passe, la scène où c'est tellement la cata qu'il décide justement de lancer le truc. C'est en Afrique. Je sais plus comment s'appelle le méchant là-dedans, mais bref, avec le méchant qui apparaît juste. Ah oui, c'est comment celui avec la tête de mort sur le casque là. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, je sais plus non plus. Mais bref, par exemple cette scène, j'ai le souvenir au cinéma d'être là genre on comprend rien à ce qui se passe, c'est un peu c'était un peu fouillis, c'était un peu Crossbones. Je trouve que enfin quand tu vois ce qu'ont fait les frères Russo dans leurs autres films du MCU, Civil War a quand même un côté un peu petit pause, et surtout Civil War, je trouve, le par rapport aux autres qui mènent tous des petites pierres à l'édifice Marvel, là il y a des très grosses pierres où si tu les vois pas t'es un peu paumé, quoi. Enfin, je trouve que c'est quand même l'introduction du Wakanda et de Black Panther, donc dans un Captain America 3, donc c'est différent de d'habitude, je trouve. Là, bah, ils mettent de Spider-Man, et de Spider-Man, et du coup j'avais un peu un truc de waouh, vous mettez des trucs très importants d'un coup dans un Captain America 3. Moi j'avais pas vu le 2, mais heureusement tu comprends très bien le 3, hein, même si tu comprends pas vu surtout très bien que c'est pas Captain America 3 en fait. Oui, voilà, non, c'est clairement Avengers 2.0. après, moi, pour à leur décharge, je dirais que, alors c'est leur choix, cela dit, de l'avoir fait, mais de décider de faire un Civil War alors que dans les comics, c'est le gros final presque. Il y a 80 personnages et tout, eux ils en ont pas 80, donc je trouve que sur ils ce côté-là. En ont 8. C'est ça. Je trouve que sur ce côté-là. Sur le parking du mais justement, champ, la scène de l'aéroport, moi je la déteste pas parce que je trouve qu'ils ont réussi à se débrouiller avec ce qu'ils avaient. Alors c'est leur faute aussi, hein, parce qu'ils se sont embourbés dans un truc où ils étaient un peu bloqués. Mais je pense que ça explique pourquoi ils ont essayé de mettre des trucs aux chausse-pieds. Ça excuse pas, mais je pense que ça explique. C'est-à-dire qu'ils disaient, ok, on va faire Civil War. Bonne ou mauvaise idée. Ok, on fait Civil War, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des incohérences et qu'il y a des trucs aux chausse-pieds, c'est que ils ont fait un mauvais choix, mais le résultat final n'est pas dégueulasse. Civil War, on est vraiment sur le film des Marvel fans où tu veux les voir se taper qui est le plus fort, quoi. Oh non, mais c'est surtout mais les fans du MCU. C'est vraiment avec ce film là que j'ai compris que t'avais une sorte d'armée de fans à qui tu pouvais pas dire qu'un film était raté, et en fait tout le monde était genre mais non mais t'es fou, c'est charmé tout ce qui se passe, enfin c'est quand même pas un super bon film, et que t'étais pas un true fan et qui dure des heures et demie, c'est un peu long, hein, et le problème c'est que la scène de l'aéroport justement c'est pas la scène de fin, c'est qu'après une fois que t'as eu ce moment qui est vraiment, moi je trouve, alors pour le coup pareil, une popular opinion, j'adore cette scène. Ah non, moi j'aime bien, j'adore aussi une scène. Et c'est Ant-Man dedans, mais est-ce que tu l'adores pas juste qu'à cause d'Ant-Man? Non, tu sais pourquoi je l'aime? Parce que c'est une scène d'action de jour. Et déjà, les scènes d'action de nuit me rendent fou furieux parce qu'on ne voit rien. Et là, vraiment, tout est très clair. Et ça, moi, j'aime bien. Non, mais même, enfin, la grande entrée de Spider-Man, elle est tarée. Il faut le remettre de quand il est allé. Enfin, moi, quand je suis allé voir le film. Tante mec est jeune, enfin c'est toutes des surprises qui étaient kiffantes. Effectivement, qui étaient très non, très mais je trouvais que c'était un peu genre arrêtez de vous battre, quoi. Enfin, moi je les vois, non mais pourquoi vous tapez sur le parking là? Enfin, vous devriez tous être copains. Enfin, en fait, c'est ça, c'est comme je suis pas impliqué dans l'engueulade de base. Bah, je comprends pas pourquoi ils se tapent et du coup. Mais ça c'est me ça. Saoule. Et surtout, après, moi c'était l'année où tout le monde. Vous allez vous faire mal! C'est le film où t'as l'impression d'être la maman avec les deux frères qui s'engueulent et tu sais, pendant ce temps, tu fais la cuisine. Ça n'a aucune raison! Alors, je t'entends dire ça tout à l'heure, tu disais ça aussi, tu trouvais que l'Iron Man, enfin Tony Stark, était complètement différent. Oui, mais en même temps, si je dis pas de conneries. Avengers 2 c'était avant et ça a été mis le début de la discorde, ou en tout cas de la dissidence entre Cap et Iron Man, et les grilles sont posées à ce moment là politiquement. Je suis d'accord politiquement, je suis d'accord. Non mais c'est vrai, sur ce que pense Iron Man, t'es d'accord avec Donald Trump? Politiquement d'accord. Sur ce que veut dire Iron Man, ce en quoi il croit, d'accord. Moi je ne comprends même pas pourquoi ils se sont fait chier avec cette histoire de flashback de t'as tué mes parents. Je trouve oui, je suis d'accord, mais presque de toute façon les flashbacks, ouais, non mais en règle générale. Et moi je le film est sorti en 2016. Ouais. soit la même année que Batman vs Superman qui s'était fait traîner dans la boue pour quelques bonnes raisons. Une bonne volée de bois vert. Mais ce qui était bien plus réussi, je trouve, dans Batman vs Superman que dans Civil War, c'est justement l'antagonisme des deux héros, en fait, qui était beaucoup plus compréhensible dans Batman vs Superman, où là on te met des mecs qui normalement ont sauvé le monde au moins deux fois ensemble, et tu vois, et d'un coup juste parce que moi je veux qu'il y ait la police qui surveille, bah moi je suis pas d'accord, et bah c'est terminé. Non mais c'est surtout, ils se sont dit on va quand même rajouter un enjeu, faut qu'il y ait une victime, et t'es là genre ce pauvre machine, on s'en fout. Il faut qu'il y ait un méchant aussi, l'autre il arrive. Non mais Daniel Brühl, franchement, d'accord qu'on en a rien à mais surtout foutre. Que j'aime beaucoup Daniel Brühl, hein, j'aime Daniel Brühl, j'aime le baron Zemo normalement, qui n'a pas du tout cette gueule là dans les comics. Non, c'est un film très bancal quand même. Après la scène de toute fin combat, bon évidemment qu'on attendait tous parce que c'était vendu comme ça, Cap Iron Man, ça m'a quand même fait un petit truc, c'est-à-dire quand il lâche son bouclier ou quand il lui pète le casque, ça c'était stylé, c'était quand même assez cool. Mais effectivement, peut-être que la vraie scène de fin, ça aurait dû être une grosse baston. En fait, c'est exactement ce que je dis, c'est que je trouve que les lions sont pétés. Je trouve qu'il y a des belles scènes. Les lions turam. Oh. Allez, je suis un fouteux ou pas? Non, bah, je vais daber. Voilà. Je le fais parce que c'est la moindre des choses. Ah, si. Putain. Il l'a fait. Ça part. Ouais, je trouve que c'est des bonnes scènes liées par du nawak total, et je trouve que c'est dommage, et en même temps c'est pas un Avengers, c'est un Captain America 3, donc du coup bon alors pourquoi pas, tu vois, c'est un peu bizarre, ça me fait moins chier. Mais surtout tu dis ils sont où les autres? Non mais ils sont là-bas, enfin tu... Ah bah ça je trouve c'est le problème de tout le reste, hein, de tout le MCU, c'est mais pourquoi il manque lui? Bah on parlait d'Ant-Man 2, vraiment, même avec la scène de fin où il t'explique plus ou moins, bah en fait il est dans... Moi je croyais, pardon je reviens en arrière, mais Ant-Man 2 ça n'a aucun sens, parce que ça veut dire que si dans la scène post-crédit et ses potes disparaissent tandis qu'il est dans le vortex du infiniment dans petit, le quantum realm. Oh là là. Oui. Ça veut dire que tout le avant, à savoir Thanos qui détruit des gars, normalement il pouvait y aller. C'est-à-dire que techniquement, il est à San Francisco. Oui, mais, il fait pas partie de la Team Avengers, donc il a pas de. Et puis surtout, il a signé à résidence. Non, mais voilà, les gens meurent quand même à ce moment-là. Je veux dire. Oui, mais il est mort. Alors attention, il a bougé son cul pour Captain America dans un aéroport pour se friter contre Iron Man, qui est quand même un. C'est vrai. Et oui, on l'a appelé à ce moment-là. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, là, c'est quand même pendant que le monde est en chien. On va tester d'aller dans le petit truc dans le quantum là. Si j'essaye d'être de mauvaise foi, et j'ai très envie de le faire, quand Thanos vient sur Terre, c'est seulement au Wakanda qui est un pays caché. Donc à la fin de Black Sabbath, Black Panther. Oui, mais à la fin de Black Panther, il est à San Francisco, il ne le sait pas, il connaît pas l'Afrique. Mais à la fin de Black Panther, non, je ne connais pas l'Afrique. C'est Mathieu Chenet d'ailleurs. Absolument. Black Panther, à la fin de Black Panther, ils disent ok, le Wakanda ça existe oui, en fait et machin. D'accord, donc, mais tu penses vraiment que Ant-Man il est au courant de tout ça? Je sais pas s'il est abonné est à Avengers tout, Magazine et qu'il a toutes les news en même temps que tout le monde. C'est pas Avengers Magazine, on parle de mort de milliers de gens. C'est pas Avengers Magazine. Je sais pas. Moi je pense que t'as un gars qui peut se transformer en géant et tu dois combattre. Ah oui, tu l'appelles. Qui va sûrement détruire la planète. Ils auraient dû l'appeler. Si tu l'as appelé parce qu'Iron Man il est pas content, tu l'appelles potentiellement. Ça je suis d'accord. Il aurait dû se faire appeler. Au pire, t'envoies un texto. C'est ça. Un petit SMS. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Voilà, bon, bref, après, tu peux faire garder ta fille. Voilà, dit des trucs que tout le monde, et surtout moi il y avait la fourmi géante d'Ant-Man 2, j'aurais voulu la voir partout. J'adore cette fourmi géante, elle est très cool. Donc voilà, Captain America Civil War middle. On est sur un middle. Middle. Il y a des bonnes scènes. Il y a des bonnes scènes. Il est pas dégueu, mais il est pas ouf. Celui d'après, en revanche, a beaucoup plus divisé les gens. Ah, c'est Iron Man 3. Oui. Meilleure intro. Vraiment, un des meilleurs intros. Le logo Paramount sur cette chanson. Oui, j'adore. Oui, un petit peu gêné puisque c'est Florent du futur là qui vous parle. Je suis dans un autre espace-temps que celui que vous êtes en train d'écouter actuellement. On a eu un petit bug juste sur le passage d'Iron Man 3. Il y a un petit souffle qui rend le truc un peu inaudible. Donc je me suis dit que j'allais envoyer un message à tous les compères qui étaient là lors de l'enregistrement et vous lire un peu les avis qu'ils avaient donnés au moment de l'enregistrement. Désolé, on a que Iron Man 3 qui a sauté. Tout le reste reprend comme si de rien n'était. Mais sur Iron Man 3, Ben dit que le méchant, donc Guy Pearce, il schlingue et que l'action est pas ouf. Je suis pas très d'accord avec ça, mais vraiment. Mais Buddy Movie avec le gamin bien cool, le mandarin Petro, bonne idée, et l'orgie d'armure est jouissive. Flo, tu ne sais pas enregistrer un podcast correctement. tu n'es vraiment qu'une sale merde. Oui, tout de même, le mot sale merde est un petit peu agressif. Je regrette d'être venu. Déjà, la dernière fois, ça avait foiré. C'est vrai, il parle du podcast Spider-Man. Bref, je te hais, je reviendrai jamais. Va te faire enculer. Voilà, donc ça, c'est bon. La fin, c'était moins sur Iron Man 3 que sur. Voilà. Joe dit : j'adore Iron Man 3. Je trouve que c'est le Marvel qui paraît le plus libre. Et je suis bien d'accord. J'aime la manière dont Shane Black maltraite Tony Stark. J'aime que tout le film repose finalement sur plein de faux semblants. Que Pepper Potts ait enfin un truc à faire autre que secrétaire de Tony Stark. Je trouve que c'est un film pas parfait, mais qui démontre une ambition narrative et thématique qui manque beaucoup aux films Marvel de l'époque. Je profite de ce petit message pour dire que la mère de Flaubert est une... D'accord, attendez, ça c'est peut-être un tout petit peu... Voilà, qui mange de la... Ok. Et enfin, l'avis de Vesper qui dit « Quand je suis sorti du film au cinéma, je n'étais pas trop convaincu, mais quand j'ai revu tous les films de Shane Black à l'occasion de la sortie de The Predator, ça m'a permis de le redécouvrir et maintenant, je l'aime vraiment beaucoup, même si la fin pour moi, dans la continuité avec le reste, est toujours aussi étrange. » Voilà. Ensuite, il y a le mot « connard » écrit en différentes polices d'écriture. Il y a du Tahoma, du Times New Roman, un peu de papyrus. Enfin voilà, c'est « connard » sur 3-4 pages, donc pareil, pas grand-chose à voir avec le film. Quant à moi, j'aime beaucoup Iron Man 3, je l'ai mis dans mon top film de Marvel parce que je trouve qu'il est déjà très drôle, je trouve que l'action est très bien menée, et effectivement c'est cette liberté que j'aime, c'est le fait qu'il fait un peu bug dans tout ce gros truc qu'est le Marvel Cinematic Universe, et je trouve que les thèmes qu'il aborde, comme le fait qu'un héros puisse avoir des PTSD, à savoir le syndrome des flashbacks du passé quand t'as vécu un drame, j'ai oublié le terme exact, mais voilà, il y a des trucs qui vit mal en tant que héros, j'ai trouvé ça super intéressant et voilà, donc j'aime beaucoup ce film et on va continuer le podcast comme si de rien n'était avec cette chanson un petit peu plus récente. Black Panther qui est sorti l'année dernière et en année Marvel l'année dernière, mais ressenti il y a 5 ans. Hein, c'est vraiment fou. Le film a un an, voilà, je vous le dis. Alors, une seule année. C'est vrai que c'est taré. Top film, top méchant, top héros. Ah ouais, d'accord. Alors, non, okay. Top méchant Killmonger. Alors, top méchant, je suis avec toi. Ouais, voilà. Top méchant, je suis d'accord. Voilà. Je l'ai pas mis, mais je rejoins l'histoire du vautour où si je suis du côté du méchant, c'est que le méchant est bien fait. C'est vrai, c'est vrai. Sachant qu'à la fin, moi, je suis toujours pas décédé à la fin. Je suis toujours genre. T'es une mi-figue. Ouais, genre. Je comprends qu'il ait envie quand même de dire venez, on est là quoi. La fin de merde, tu veux dire? Top héroïne. Je serais incapable de choisir qui je préfère dans le MCU entre Okoye et Shuri. Ah bah oui. Voilà, best meuf. Alors c'est laquelle, celle qui ne meurt pas du coup dans Infinity c'est War? C'est Okoye. Okoye. Elle, j'ai hâte de voir parce que du coup elle va sûrement avoir une grande importance. Ouais. J'ai hâte de voir dans Endgame. C'est le petit Lego que Nekoto Aram. Oui, j'ai un Lego. Non, ouais, Shuri est décédée, oui. Oui, on la prend via les posters. Les posters en réalité. Du coup, de la promo de Endgame. Ça m'a détruit. Je me suis dit heureusement qu'on l'a pas vu parce que j'aurais pleuré ma race. Donc voilà. Donc ouais, Black Panther, bah, vu le succès que ça a eu, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que c'était sympa. Oh non. Alors moi, c'est que non. Alors, moi, c'est dans mon flop 3. Ah ouais. Tout à fait. Tout à fait honnête. Voilà, je le dis. Bah, c'est pas dans mon flop 3, mais qu'est-ce que je me suis fait chier. Alors moi, c'est on me l'a survendu. Et vraiment, c'est ça. Ouais. On me l'a vraiment survendu. Et en fait, je trouve le méchant super, mais exactement comme je le disais, pardon, je fais tomber des mèmes sur mon clavier en même temps. Comme je le disais, pourquoi Ant-Man et la Guêpe, qui est objectivement, ça veut rien dire, mais qu'en vrai, je trouve moins bon que Black Panther, mais je ne lui trouve aucune prétention. Il sait ce qu'il est, tu vois. Et Black Panther, je trouve que ça se prend très, très, très au sérieux. Et donc, malheureusement, ça pète très, très fort plus haut que son cul. Et le truc, c'est que du coup, mon ressenti est de dire je vois les défauts beaucoup plus parce que d'un coup, il te dit. Je fais un truc sérieux quoi. Et moi mon vrai problème c'est le héros qui disparaît et qu'on te dit bon bah il est mort et tu fais mais bien sûr que non. Enfin c'est ouais. Évident et c'est pas grave. Et je trouve que du coup ils le font durer beaucoup trop longtemps parce qu'ils savent que leur méchant il est super stylé. Mais donc du coup moi je suis vraiment dans un truc de exactement comme d'autres, je sais plus lesquels j'ai dit ça. J'ai plus peur et je suis là genre bah non bah vas-y. Captain Marvel. Oui voilà c'est ça. Mm-hmm. Et je me dis bah merde, du coup j'ai plus peur parce que je sais très bien que non. Et du coup voilà, j'étais un peu mi-fixe sur ça. Et je trouve qu'il y a des idées qui marchent pas trop. Après je trouve qu'en mise en scène c'est vraiment beau. Enfin je trouve qu'il y a des vraies idées géniales. En mise en scène, ok. Ouais je trouve qu'en réel il y a des supers idées. Le Wakanda est magnifique. Le Wakanda c'est est magnifique. Taré, c'est... Et en fait justement quand tu parlais du héros qui meurt, je pensais que t'allais parler du fait qu'en fait il est très effacé. Et c'est vrai que pour moi c'est pas le vrai héros. Et je pense que c'est aussi pour ça. Michael B. Jordan fait méga le taf. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup, enfin que que le méchant ressort beaucoup, c'est que le héros... Le héros est plus effacé. Ouais, et c'est même pas qu'il est fade, c'est que je trouve qu'on voit plus le Wakanda. Pour moi, c'est plus un personnage en lui-même qu'on voit plus et qui est plus mis en valeur, notamment par le design et le visuel, que le personnage de T'Challa et de Black Panther. Tous les autres persos sont tellement cool que je trouve que T'Challa a l'air moins... C'est vrai. Mais tu l'as quand même mis dans ton top 3 héros. Non, c'est pas lui que j'ai mis. C'est Shuri Okoye. Tu me rassures parce qu'il est quand même Osef de ouf. Alors que Chadwick Boseman, c'est une bête d'acteur. C'est un super acteur. Okoye, Shuri, je trouve génial. Lupita, elle est géniale comme d'hab. Mince, j'ai oublié le nom du clan, du chef du clan adverse là, qui est dans Us du coup. Ah oui, bien sûr, qui est très drôle. Lui, c'est le personnage le plus marrant. J'ai oublié son nom. Il est génial. Enfin voilà, tu revois Martin Freeman et. Oui. C'est M'Baku, interprété par Winston Duke. Voilà, Winston Duke. Voilà. Super lui aussi. Tout le monde est super. Tous les acteurs sont super. Tous les autres sont vraiment, mais. C'est ma frustration. Cool. Ouais. C'est la mini frustration. Ouais, voilà. Et lui, il paraît plus lisse quoi. Et aussi, j'ai du mal à croire. Je trouve que quand ils se font la guerre entre eux, je suis embêté parce que je trouve vraiment, je comprends pas trop les raisons pour lesquelles. Autant je comprends le méchant parce que outre la raison politique et à la différence de Civil War où c'est raté, je comprends aussi la raison personnelle. Que la raison personnelle est un écho politique, ça c'est évident quoi. Et du coup, je trouve que par exemple le personnage qui joue dans Get Out. C'est Daniel Kaluuya, mais je me souviens plus du nom de son personnage. Voilà, en tout cas, voilà. Je suis trop déçu quoi parce qu'au début il est super intéressant et je trouve qu'il vrille un peu fastoche et qu'il revrille finalement et donc du coup ça me les rend un peu pas vraiment existants quoi. Après toi j'ai bien aimé comment ils ont géré Andy Serkis tu vois. Ça c'est super de désamorcer un peu le truc et de vraiment se focus sur, sur ce qui est important. Un point que j'adore et qui du coup dépend aussi de mon plus gros point négatif sur le visuel, c'est que je vais commencer par le point négatif pour finir sur une belle note. La fin, tous les SFX de la fin, déjà c'est un mauvais choix de scène de fin, c'est horrible, on dirait un jeu vidéo des années 90. C'est quoi déjà la fin? En fait c'est dans le métro souterrain. Qui se tapent tous les deux. Et en fait ils sont chargés d'énergie le métro. Donc c'est la mort du méchant est pas ouf aussi. Au soleil, pas ouf. Mais par contre c'est dégueulasse, mais c'est d'autant plus dégueulasse que je trouve que tout le visuel en réel, les props, enfin les trucs, voilà, tous les costumes sont super beaux, les vrais décors, parce que je crois qu'il y a une partie de vrais décors. La DA, voilà. Moi je la trouve et c'est magnifique. Il y a un putain, c'est peut-être un des films qui est le plus taffé en termes de DA et de soins apportés au visuel. Il a son univers dans le MCU. Exactement. Ce qui est vraiment le défaut la plupart d'une série, de dire c'est un laser dans le ciel le méchant, c'est voilà. Là il a, pour le coup, il existe en lui-même. Les costumes étaient tarifs à tout le truc afrofuturisme. Super, c'était ouf. C'était ouf. Et en plus, il y a Forest Whitaker. Mais qui décède quand même relativement. Oh le pauvre. Qui est malheureusement décédé. Dans tous les films où il apparaît en ce moment, il décède vite quand même. Mais vraiment, non, c'était vraiment cool. J'aimais bien comment ils ont joué avec Martin Freeman ou quand il collabore avec Shuri. Enfin, le fait qu'il manipule les trucs. Toute la technologie de Shuri, j'adore. Vraiment cool. Non, mais les nanas, comme tu dis, moi je les trouve incroyables. Les meufs sont charmées. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de persos qui, je trouve, dépassent un peu Chadwick Boseman. En charisme. Mais c'est ça. Et c'est même pas un problème d'acteur, encore une fois, c'est un problème d'écriture du gars. Et puis surtout que le gars, c'est censé être un roi en devenir, donc il doit un peu en imposer au bout d'un moment, tu vois. Et à part en Black Panther, où il est méga badass, en tant que T'Challa, à aucun moment il est vraiment c'est moi le roi, quoi. La course-poursuite, je la trouve vraiment bien. La course-poursuite en bagnole. En Corée, là. C'est super. Même la scène juste avant où, du coup, dans le bar, elle retire sa perruque et tout. Elle est géniale. Elle est vraiment bien. Je trouve peut-être aussi que le je trouve que dans Civil War ils te l'introduisent viteuf et du coup j'avais un truc de c'est lui le Wakanda, Black Panther, c'est ça, parce que on est quand même très loin de fils de tu vas reprendre Black Panther et tout, et là d'un coup tu dis il y a tout un monde, et ça c'était vachement bien de se dire il y a vraiment tout un univers derrière et tout un truc qui a du sens. Et mais t'as pas une petite anecdote de scénariste, un truc j'aimerais bien pour le coup un peu comme James Gunn, ou c'est à dire que c'est du réel scénariste, c'est à dire que c'est Ryan Coogler qui l'a écrit et Ryan Coogler qui c'est Creed. Creed, tout à fait. Et alors je vous conseille, c'est bien filmé Michael B. Jordan torse nu du coup. Il a fait un film extraordinaire qui s'appelle Fruitvale Station, qui est pareil, un petit film à Sundance qui est avec Michael B. Jordan du coup Qui est un tiré d'un fait divers en fait. C'est un jeune noir à San Francisco qui a passé un sale quart d'heure avec la police. Et ça te dépeint les 24 heures avant cette bien. Intervention. Okay. Et donc c'est très dramatique et c'est très dur. Mais Michael c'est, B. Jordan qui fait que dans le MCU, il y a deux acteurs qui ont incarné la torche au ouais. cinéma. Oui, c'est ah oui, c'est vrai, ça. Bien sûr. C'est ouais. tout à fait vrai. Avec une petite stache à la fin. Oui. Fantastique, c'est vrai. Là, c'est... Dans aucun bon film, du coup. Malheureusement. Ouais. Je voulais juste dire. Mais Ryan Coogler, juste, oui, moi, je vous vite fait sur Ryan Coogler, qui a quand même 32 ans. Voilà, ah, là, il faut le dire quand même. Donc, ah après, oui quand il a réalisé Black Panther, il avait donc 30 ans. Et donc Creed, 27. Voilà, c'est des petites infos que je tiens à donner quand même. Et qui, je pense, sera un des plus grands réalisateurs. S'il ouais. se fait pas bouffer par les énormes machines, mais il a quand même prouvé, en sachant que son deuxième et troisième film sont des énormes machines, et que le deuxième c'est lui qui l'a proposé. Faut quand même des bollocks d'aller voir Stallone en disant bah, j'ai écrit le préquel de Creed. C'est lui en fait, c'est à dire ouais. qu'à aucun moment c'est Paramount, c'est, je ne sais plus qui produit, qui distribue. Ouais. Paramount, c'est pas Paramount qui a dit on veut faire un préquel de Creed, quoi. C'est lui qui a dit moi je veux, c'est moi pas, j'ai l'idée. C'est pas Warner. Bon, je ouais. sais plus, mais en tout cas, et ce mec-là, je pense, va être sa carrière peut être fascinante. Et j'espère presque qu'il fera pas Black Panther 2. J'ai envie de le voir dans d'autres univers et dans d'autres gros. Et en plus, c'est un vrai auteur. Il écrit les films. Et pour le coup, autant j'ai des mini réserves sur. Et encore, non, pas sur la mise en scène en fait de Black Panther. Et dans Creed, il a filmé les bastons de façon. Le plan séquence de la baston de fin est extraordinaire. C'est le trop Gonwill Meyer. Oui, trop Gonwill Meyer. Mais d'ailleurs, il a pas fait Creed 2 du coup. Il l'a pas fait c'est Creed pas 2. Lui qui fait Creed 2. Il l'a produit. Ouais, ouais, ah, oui, comme il produira sûrement Black Panther. Ouais, d'accord. De... Oui, non, je voulais juste dire sur Black Panther un petit truc sur Shuri parce que c'était dans le top héroïne de Vesper. Oui. Ce que je trouve très cool, c'est qu'ils mettent une nouvelle tronche. Parce qu'elle est possiblement plus intelligente que Bruce Banner et Tony Stark. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Et c'est trop cool que ce soit. Vu que possiblement on aura plus Iron Man dans quelques mois, peut-être Bruce Banner sera encore dans les parages, mais ça va être elle, le nouveau génie du MCU pendant un temps. Et je trouve ça assez cool. Moi, elle le fume. Ah ouais, elle le fume complètement. Et surtout qu'elle est très jeune et tout. Donc ça, j'ai beaucoup méga aimé le fait qu'il y ait eu un petit shitstorm quand ça a été dit. Ah ouais, c'est vrai. Ça a été dit, je crois, l'année dernière, mais je ne sais plus d'où. Donc faut vraiment. Voilà. Mais juste, c'est des gens. Oui, c'est pas possible qu'elle soit plus intelligente qu'Iron Man. Il est tellement brillant. C'est l'armure, c'est la brille. Je suis un peu amoureux d'elle, hein, quand même. Mais grave, j'avoue. Mais en plus, cette actrice, elle est super. Je l'ai vue dans un autre film, mais c'était quoi, je sais plus. Ben non, elle était dans Black Mirror, elle a fait énormément de trucs. Elle était dans une série, il y avait des séries anglaises qui s'appelaient Cucumber. Concombre. Ouais, personne t'en veut. Banane. Et du coup, c'était des séries, justement, qui suivaient des personnes queer. Et c'était tout des trucs sur voilà, des personnes LGBT et tout. C'est anglais, donc forcément très bien écrit. Bah, et elle était géniale dedans. Ouais. Et je suis contente du coup de l'avoir revue dans plein de trucs. Et c'est vraiment super actrice. Les prochains, là, on se rapproche. Il vous en reste plus beaucoup. Hein, de toute façon, on va se le dire. Il reste plus que les Avengers. Ah, c'est les trois derniers. Les trois derniers sont les trois Avengers. Ah, bah, c'est intéressant de voir dans quel. Oh, alors, quel est celui que vous pensez a le moins marché? Moi, j'espère que c'est le 2. Le 2 Non, moi je pense que j'espère que c'est le 2 aussi, mais c'est le 1. Non, c'est le 2. Allez, dans ta gueule, le 2. C'est l'ère d'Ultron, du coup, réalisé par Josh Whedon. Alors après, on est vraiment sur une différence de 100 millions d'entrées, ce qui peut paraître 100 millions de dollars, ce qui peut paraître fou dit comme ça, mais en vrai, c'est pas énorme. C'est un peu peanuts, c'est que dalle. Voilà, et donc, ouais, Avengers 2, qui se faisait pas trop bâcher au moment de sa sortie, et j'ai l'impression que les gens revoient leur copie en disant, mais non, c'était vraiment pas très bien. Il est dans mon flop. Ah ouais, ah voilà. Oui, il est dans mon flop. On est quand même sur le flop d'un peu trop. Vraiment pas bien. Et une des grosses raisons pour lesquelles il est pas bien, c'est le méchant. Ah, et quel dommage! Alors que c'est James Spader quand même qui double. Ah, il est dans mon flop aussi, pardon. Il est vraiment pas bien, quoi. Ouais. Et il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui sont cool aussi, comme Vision. Moi, je trouve qu'il est réussi et que c'est plutôt cool. Mais putain, le méchant. Ah, ouais. Non, puis le méchant et Quicksilver. Et, enfin, il y a trop de trucs aussi. Quicksilver et son jogging. Alors, il faut savoir que Quicksilver, c'est un dommage collatéral de la Fox, en fait. Parce qu'en fait, ils ont vu. Oui. Il était beaucoup plus présent à la base. Et en fait, évidemment, la Fox a sorti X-Men Days of Future Past, où il y a la meilleure scène du film, la plus connue, c'est avec ce gars. Bonne... Non, c'est pas mal en plus. Les deux Quicksilver qui sont copains dans Kick-Ass d'ailleurs. C'est ça. Et voilà, puisque le Quicksilver de Avengers, c'est Kick-Ass. Et donc du coup, voilà, ils ont dû le mettre un petit peu de côté. Et il y a même des rumeurs qui disent qu'il ne devait pas mourir. Ah, alors rien n'est prouvé, comme d'habitude on ne sait pas, secret de Polichinelle, mais apparemment potentiellement il ne mourrait pas, ils se sont dit bah, on va pas se garder ce gars, hein, clairement, hein, c'est clairement un poids. Donc, c'est voilà. Quand même un peu dégueu, Aaron Johnson. Quoi. Genre, ouais, je suis rentré dans les Avengers pendant 5 minutes. Salut. Il ne reviendra pas. Tu vois, c'est... Ah bah non, là, c'est... Après, il y a quelques trucs cool mais qui sauvent pas du tout le film. Mais y a, tu vois, moi, j'aime bien aimé le traitement de Hawkeye, justement. Le fait qu'on voit que ça. Bah, moi, j'ai bien aimé le côté père de famille. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait que ce soit lui qui. Toi qui as adoré le run. Dans les comics, toi qui as adoré le run de Matt Fraction de Hawkeye. Oui, mais. Tiens, c'est quand même. C'est incomparable. C'est marrant de se dire que c'est lui qui a la meilleure vie parce qu'il est avec sa meuf tranquille et il est à part et il se fait pas emmerder. Moi, j'avais fait un petit buzz à l'époque sur un tweet. J'avais mis une capture d'écran. J'avais mis une capture d'écran parce qu'il disait à sa femme. Je reviendrai finir la véranda. Et j'avais dit, quand est-ce qu'on conclut l'arc de Hawkeye sur l'arc de Hawkeye, excellent. Sur cette véranda, quoi. Est-ce qu'il l'a terminé ou pas voilà, on il a peut-être dit, le savoir là, on bah sait pas. Ouais, il a été là, genre, je suis désolé. Vu qu'il fait enfin son grand retour. En fait, dans tu le découvres à l'Euro Merlin, ils sont tous partis en poussière. Il fait, mais putain, je cherchais un vendeur pour me dire où c'était. Mais ouais, mais après, ouais. Tu vois, même les. Ce que je... la scène de. Enfin, dans l'église, là, la scène de baston générale est cool. Bah, ouais. J'allais dire que c'était. Ouais, plus possiblement une des seules scènes cool qui essayait de faire écho à Avengers 1 à New York avec le faux plan séquence, là. C'est pas dans celui-là où ils soulèvent toute une ville, plus ou moins. C'est ça, et ça retombe après. Comme c'est l'Europe de l'Est, on s'en fout. Ça n'existe même pas, c'est un pays qui existe. Oui, non, mais c'est ça, oui. Mais d'Europe de l'Est. Sokovie. Ça devait peut-être exister, ils se sont dit, oh là là, attendez, c'est raciste. Ouais, attendez. Oh là là. On va inventer un pays. On va l'inventer. Non mais voilà, moi le seul truc qui me fait vraiment kiffer dans ce film, c'est la gestion de vision, enfin de Jarvis qui en combattant Ultron devient. Je déteste ce personnage. Ah, j'aime bien. Mais là, je prends sur tout l'univers Marvel. C'est vrai, c'est marrant. Je déteste ce personnage. Voilà. Mais pourquoi? Mais je hais le design. Ah ouais. Attends, tu parles de Jarvis ou d'Ultron? Non, vision. Vision. D'accord. Oui. Vision. Je n'aime pas le. Enfin. Tu peux pas le voir quoi. Le côté grand sage, ça me pète les couilles. Et alors pour le coup, c'est cool parce qu'il y a que lui dans Avengers qui est comme ça, mais ça m'intéresse pas du tout. C'est vraiment. T'étais bien content dans Infinity War du coup. Alors ça, non, j'étais pas content parce que pareil, on va reparler. Ça, après, moi, je trouve que l'introduction des jumeaux, elle est un peu faite. Au forceps quoi. Bah c'est surtout qu'on alors oui, en plus ce qui était marrant c'est que ils avaient pas le droit d'utiliser le mot mutant puisque ça appartient à Fox. Puis en parlant d'accent aussi juste. You didn't see that coming. C'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Et il y a pas grand chose. Et pareil. Je rebondis juste sur ce truc de mutant ça appartient à Fox. Ouais. Vous savez que c'est une histoire que j'ai lue sur des jouets. Ils ont pu se faire beaucoup de thunes. Alors c'est Marvel a pu se faire beaucoup de thunes parce qu'en fait quand tu fais des personnages humains en jouet, ça va te parler ça Joe. Quand tu fais des humains aux États-Unis, il y a une langue où tu payes plus cher des taxes parce que tu fais des humains que si tu fais des monstres tu payes moins cher. Ouais. Et Marvel avait utilisé cette espèce de jurisprudence en disant mais pas du tout, c'est des mutants. et ils ont gagné. Et cette histoire est folle. En plus, c'est débile parce que les mutants sont des humains. Non, mais ils ont douté. Et tout le sujet de X-Men, c'est dire c'est des humains quand même, des machins. C'est drôle. Et ils ont dit non, c'est bon, c'est des mutants. Ouais, mais on veut se faire de l'argent. Pour moins payer de frais, c'est des mutants. Voilà, pardon. À part qu'il n'y a rien à voir. C'est malin. Mais c'est en fait, j'étais un peu déçu par Scarlet Witch parce que t'as l'impression qu'ils savent pas quoi en faire. Parce que on revient à l'idée de ben en fait elle est surpuissante en vrai de moi du coup pour le coup de mes peu de notions de comics Marvel tu vois elle peut tout faire elle est très forte et puis tu comprends plus ou moins moi je connais mal le perso effectivement dans les comics aussi mais tu comprends plus ou moins que c'est quand elle est vénère qu'elle déclenche vraiment son full potentiel quand son frère se fait défoncer c'est ça et du coup tu sais pas trop comment là il le règle parce que au final ils font en fait tes mains elles sont rouges et tu lances des trucs et en fait c'est pas vraiment ça son pouvoir donc c'est un peu c'est bien. Parce que, à la base dans les comics c'est plutôt de la magie enfin elle a des pouvoirs magiques elle joue pas sur la probabilité c'est pas peut-être mais en tout cas ça vient pas d'une Infinity Stone comme dans le MCU mais après voilà c'est un choix scénaristique mais c'est vrai que cette baston elle est vraiment fouillie même si j'aime bien les petits sbires de Ultron on a même pas encore parlé d'Ultron attention mais c'est vrai qu'il y a pas grand chose à sauver quoi c'est pas Moi il y a ce truc aussi où pareil dans l'idée je trouvais ça bien mais je trouve que c'est un peu mal branlé c'est Robert Downey Jr Tony Stark qui veut mais c'est toujours de la faute de Tony Stark ouais mais du coup là ça se trouve ça a un pas niveau toujours, pas toujours et c'est dans l'ère d'Ultron que il y a la scène de Thor qui prend un bain. Ah bah oui parce qu'il va chercher les Infinity Stones du coup lui. Bien sûr. Il prend un bain pour avoir la clairvoyance. L'enfer total de cette un scène. Un petit hammam. C'était gênant. C'était pas bien. Mais il y a la très bonne scène où ils essaient de soulever le marteau. Oui, oui. Ah, ça c'est oui, cool. Oui, très c'est bonne scène, scène c'est que du coup après, et qui n'est pas gratos, parce que t'as Vision qui le soulève très facilement à la fin. Ça, c'est et même c'est... tu vois que Captain America le fait un tout petit peu bouger, et que Thor avait pas flippé un peu. Ouais, effectivement, c'est assez cool. Ça, c'est très, c'est des petites Whedonesques, parce que bon, on va plus en parler pour Avengers 1, parce qu'il faut savoir que Josh Whedon le renie pas, mais il a pas fait ceux d'après, et il s'est jamais caché pour dire que ça l'avait épuisé en fait, et même plus que ça, quand on lit sa biographie ou qu'on lit des interviews, le concept de burn-out a été atteint par Josh Whedon à ce moment-là. Alors attention, on n'arrête pas de dire Josh Whedon alors que c'est Joss Whedon. Joss Whedon, pardon. Avec deux S. Excuse-moi. Excusez-moi, non, mais je suis tatillon là-dessus. Non, non, mais voilà, et il disait qu'effectivement, il y avait beaucoup de conflits, et donc du coup, le film n'est pas ce qu'il espérait parce qu'il a dû. Il était très frustré tout le temps. Ouais. Alors après, voilà, il tempère, il dit oh, quand même, merci Marvel d'avoir fait. Ouais, il a quand même dit pour rien au monde, je veux rebosser. Qu'une fille au monde n'est plus belle. Mais tu disais qu'il faisait partie de la team, la Dream Team, qui a un regard sur tout, du coup. Bah, je crois, du coup, plus après, peut-être. Ah, d'accord. Mais à ce moment-là, il l'avait, mais plus après. Bah non, parce qu'après, même, il est allé chez DC, techniquement. C'est vrai. Il devait faire Batgirl, après, il a réécrit Justice League. Enfin, voilà, c'est tout un. Toute une histoire. Un micmac, j'ai envie de dire. C'est un micmac. J'ai hâte qu'on ait les fins mots de toutes ces histoires. Je pense que ce sera des. Dans quelques années. Ouais, ce sera des super bouquins, je pense, quand on te dira ce qui s'est vraiment passé et tout. Donc, ouais, l'ère d'Ultron, bah voilà, pas grand chose à dire. Hein. C'est pas grand chose à sauver. Et puis la photo est très sombre. Enfin, c'est film. Non, mais c'est moche, c'est gris. Ouais. En fait, tu as l'impression qu'il a entendu les critiques du 1 où tout le monde disait ça fait un peu costume de carnaval, genre c'est très coloré et tu les poses en costume au milieu d'une rue, donc du coup ça fait un peu genre salut, tu vois. Donc là, il s'est dit ok, là c'est très sombre, c'est machin, c'est très. Enfin, lui ou Marvel. Et du coup, c'est l'extrême inverse qui est un peu relou aussi. Enfin, bon, bref. Pas très stylé. Non. Là où celui d'après, celui qui a le deuxième qui a le mieux marché, Avengers 1. Et oui. Le célèbre, on va se mettre la petite zique quand même, parce qu'elle est quand même un peu culte. C'est un thème. C'est un thème, on peut le dire. Tu fais très bien le violon. C'est ça. Ce qui est devenu depuis la musique de à peu près tous les blockbusters qui sortent, c'est-à-dire même Harry Potter, il y a une musique à l'Avengers, tous les thèmes principaux de John Williams sont réorchestrés à la Avengers depuis 10 ans, c'est beau. Avengers 1, réalisé par Joss Whedon. Je vais t'appeler Florent Jean-Louis. Florent Jean-Louis. Mais est-ce que vraiment on dit 1 à la fin d'un 1 ou on peut juste dire le titre normal? Moi je dis 1, toi, mais tu dis 1, toi. Parce que je suis un vieux, mais oui, c'est Avengers quoi. Non, Avengers. Je sais pas. J'ai mis top film du coup. Pour la portée et le kiff que ça a été. Quand je l'ai vu, plus que par ses qualités. C'est un premier achievement dans le MCU. Ouais, moi, c'est comme je disais tout à l'heure, mes tops, c'est pas forcément les films que je trouve les meilleurs. C'est ceux que j'ai kiffé le plus. C'est voilà. Ça. Mais vraiment, et voilà, les flops, on l'attendait. On l'attendait tellement que. Et j'ai pas été déçu. Parce que j'attendais Chips. J'ai mis l'an. c'était très facile de me décevoir et je l'étais pas. Et en plus, moi, j'étais pas un Whedon addict parce qu'il a quand même une vraie fandom. Quel est son prénom? Jocelyn Whedon. Non, il y avait vraiment un truc où moi j'avais jamais regardé Buffy, j'avais jamais regardé Firefly, tous ces trucs là. J'ai fait ça après, mais sur le moment je connaissais pas. Et non, j'ai trouvé les films intelligents, enfin les persos étaient bien amenés, chacun avait son petit truc. C'est pour ça aussi que je respecte beaucoup les Gardiens de la Galaxie, parce que c'était dur de refaire un film de famille qui se retrouve. Après Avengers, il avait quand même bien réussi. Mais quoi. En plus, ouais, la différence avec Gardien, c'est que là, il fallait que toutes les stars, entre guillemets, qui avaient été posées dans leur film solo juste avant, aient leur lumière plus ou moins équivalente. Et du coup, il a réussi ça. Et c'était pour moi le défi sans le plus compliqué. Quoi. Et est-ce que vous savez comment Joss Whedon a fait ça? Comment il a fait ça? Comment il a pu réussir ça? Je l'ai entendu dans un très bon podcast qui s'appelle Hommage Collatéral, qui s'occupe de certains artistes. Ils ont fait. Je crois que ça dure 5 heures, c'est gigantesque, Joss Whedon. Et il parle de ça, je l'ai appris dans ce podcast. Comment il a fait, pourquoi donc? Pour écrire ses personnages et qu'on se dise putain, mais ils sont tous trop cool en fait. Sa technique était très simple, il est allé voir chaque comédien et lui a dit qu'est-ce que t'aimerais que fasse ton personnage? Toi qui l'as joué déjà une fois, parce que c'était que des gens qui ont fait quelles étaient tes frustrations sur le film? Quelles étaient tes envies? Qu'est-ce que tu espérais? Qu'est-ce que tu voulais pas? il a fait ça avec tous, beaucoup de réunions, beaucoup de discussions, beaucoup sauf de voir des coups. Mark Ruffalo, oui, mais du coup, c'était le bac à sable pour lui, ouais, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Et derrière, du coup, il a essayé de faire une histoire où tout le monde puisse avoir son truc. Et c'est comme ça qu'on explique pourquoi tout le monde est trop bien dans le film et ouais, kiffe être là. C'est que chacun a défendu, était content de son bout de gras, quoi. Stylé. Voilà. Et bah, là, pour moi, moi je suis pas très cinéphile. C'est un faux plan séquence, on est d'accord, même s'il y a la séquence de New York où il se passe entre eux. Tout est fond vert. Oui, mais du coup, oui, mais je veux dire, oui, bah oui, de toute façon, je suis con. Ça fonctionne méga bien, ouais. C'est une des scènes que je préfère, vraiment une des scènes d'action que je préfère. La bataille de New York, elle défonce, quoi. Et surtout, elle est extrêmement bien construite. C'est-à-dire que c'est l'alliage parfait de ça se tabasse, ce que je trouve moins réussi dans Infinity War. Je trouve que ça se tabasse la gueule, ça fait des pauses un peu blagues avec Tony Stark qui parle, machin et tout. Ensuite, ils s'assemblent tous, ils se séparent. Je trouve la chorégraphie. Ils refont des zooms, c'est lisible. Hein, ouais. La chorégraphie est vraiment bien. Après, le film, mais bon, c'est normal quand c'est à des films avec autant d'effets spéciaux, a un petit peu pris dans la gueule quand vous le remettez. Oui, bah, un petit peu, mais ce qui est évident en fait. Bah, rien que la gueule des méchants là, enfin pas les gros serpents là, mais les mecs, les sbires là, qui eux, ils sont pas ouf. Mais c'est un kiff quoi. Et il a réussi à faire des trucs, toutes les blagues qu'on attend, hein, mais de Hawkeye qui est au niveau de Hulk et tous ces trucs là. Et je trouve que ça marche quoi. Et surtout, c'est un film très drôle. Il y a un truc qui est cool aussi, c'est que c'est le premier film, c'est le premier film choral, donc voilà, où Captain America prend vraiment le lead en mode stratège, genre toi tu fais ça, toi tu fais ça, et où Tony Stark se met un peu en retrait, heureusement. Oui. Et du coup, c'est cool parce que. Enfin, du coup, c'est lui qui sauve le monde, donc au final. Bah, il se sacrifie, mais parce qu'on lui dit que c'est une merde et qu'il est égoïste, donc il est obligé de se racheter, quoi. C'est la Redemption. C'est ça, tout simplement. Et c'est la première fois qu'on voit Thanos aussi. Même s'il a pas du tout la même gueule qu'aujourd'hui et qu'il est dégueulasse. Dans le générique de fin, post-générique, ouais. Puis alors là, autant te dire qu'à l'époque. Ah, ça jouit dans le cinéma. Eh ben non, justement. Moi j'étais genre. Tu savais pas qui c'était. Qui est ce gars? Qui ce gars violet? Qui ce truc là? Après, tu googlises. Fan de fin Avenger. Thanos. Alors aujourd'hui, j'ai recon, tu vois, quand tu vois que c'est le grand méchant du truc. Mais oui, Thanos qui était arrivé à la fin de la post-credit d'Avengers 1. Et d'ailleurs, non, mais que dire d'autre? Moi, dans j'adore la scène ce film. Oui, c'est la scène d'ouverture quand elle va chercher Hulk en Inde, je crois. Quand elle lui parle du Tesseract sur le téléphone, il dit vous voulez que je l'avale, et ça serait une blague rétroactive avec le fait que le chat avalait le Tesseract dans Captain Marvel. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, je sais pas, mais c'est la bonne poilade. C'est les trucs qu'on aime bien. C'est ça? Là, du coup, moi je l'avais mis là, très bon méchant Loki. Je trouve que c'est dans Avengers où il brille le plus. Carrément. Parce que c'est vraiment une ordure, mais quand même qui est cool. Bah voilà, la scène avec Hulk est vraiment bien trouvée. Hulk était de toute façon, puisqu'on l'avait pas vu depuis l'incroyable Hulk, un kiff monumental. Même si. Bah, tu vois la puissance quoi. Puissance, il a des blagues très drôles. Ouais. Parce qu'il y a Loki, mais il y a aussi Thor, il y a aussi tous ces trucs là. Bon, moi j'ai jamais compris le délire sur j'ai toujours été en colère. Non, pas que je trouve que ça n'a aucun sens, mais j'ai jamais trouvé ça si stylé. Non, tu vois, j'étais là, la scène en elle-même, elle est cool parce qu'après il met une patate de forain, mais sinon c'est pas. Oui, c'est une punchline quoi. Après, moi j'ai un peu été. Je calmerai les ardeurs sur la scène Hulk-Loki parce que justement j'ai trouvé que c'était un peu. Bah, quand il fait. C'est cartoon. Ouais, c'est un peu cartoon et c'est surtout que Loki. Quand Loki dit I am a god, en fait c'est vrai. Normalement, tu peux pas. Pas l'attraper comme ça et oui non mais enfin tu peux pas si tu peux faire ce que tu veux je savais que t'allais rebondir là-dessus qui casse les couilles par excès d'orgueil il y a un peu un truc moi j'étais un peu là genre respecter le personnage quand même mais t'es vu t'as le truc de mec qui aime bien les comics et moi c'est plus un truc qui est de gars qui s'en branle moi j'adore quand ils cassent les jouets donc pour reparler de Loki et de Hulk et tout ça moi j'adore ce qu'ils ont fait toutes les scènes qui se rattachent à l'espèce de nacelle qui tombe dans le vide après avec Thor dedans là. Où en fait Loki est enfermé dedans et son but c'est de juste de déclencher Hulk et tout ça. Bah je trouve ça mortel. Après Thor est dedans et il est déchu. Enfin je trouve que c'est une bonne idée quoi. Et puis il y a quand même We Have a Hulk qui est somme toute l'une des plus grosses punchlines de blockbuster ever je pense. C'est Robert Downey Jr. Après évidemment. Dans les moins, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une grosse partie du film où Captain America et Iron Man réparent un bateau, l'avion d'Avengers là. Ah oui, ça dure longtemps ça. Ah ça dure. Mais alors faut la remater la semaine dernière. Jusqu'à ce que ça se batte, c'est un peu long quand même au début. Hein. C'est parce que toi t'attends qu'une chose, c'est la bataille de New York. Et en attendant au début, le temps qu'ils se regardent, qu'ils sniffent le cul comme des chiens pour ça s'envoie des petites vannes. C'est un peu long quoi au début parce que toi tu veux juste la bagarre. Tu vois. Après moi très longtemps que je l'ai pas revu donc. Ce que j'aime bien c'est que ça s'envoie des petites vannes aussi. C'est que chacun s'envoie les trucs de oui toi t'es le dieu de machin. Enfin chacun s'envoie des punches dans la gueule. Moi ça me fait marrer. Mais encore une fois je pense que c'est ce que j'aime, c'est ce côté léger, ce côté on a un film popcorn quoi, enfin, tu vois. Mais d'ailleurs là, une des scènes de post-générique, c'est quand ils bouffent tous un kebab dans le silence. Ouais, trop bien. Ouais, super c'est idée. Là, c'est ridicule, c'est trop bien. Super idée. Et on arrive donc au tout dernier film Avengers Infinity War. Désolé. Infinity War donc a quand même fait 2 milliards de recettes. Oh la vache. Pas dégueulasse. Attends, mais depuis et même pas les recettes Blu-ray du coup. S'il est sorti en Blu-ray. Si je bah, si, sais, si, je, okay. Je sais pas si ça compte en vrai. 4 oui, mois c'est vrai. Après la sortie d'un oui, film. Oui, ok, pardon. Ouais, plus de 2 milliards de recettes. Voilà. Et je dis 2 milliards alors qu'en fait c'est 2 milliards 48 millions, mais je m'arrête plus à ça maintenant. Oui. Voilà. Il est dans mon top film. Il est dans mon flop film. Et il est dans mon top méchant. Moi, il est dans, je me souviens que t'avais. Ah, rigolo. Était assez. Pourquoi? Mais en plus, j'ai l'impression d'être un vieux rageux de merde. De oh, moi j'aime pas les films que tout le monde aime bien, tu vois. Mais. Par principe. Ouais, alors que pas du tout, vraiment. C'est. Mais je vais redire ce que je dis tout à l'heure, c'est que ça se prend au sérieux. Et que du coup, il y a plein de trucs que j'achète pas du tout, tu vois. Ouais. Et par exemple, les pierres d'infinité. Ouais. J'ai un vrai problème avec certaines. Genre, quand son pistolet devient un pistolet à bulles. Ou tous ces trucs-là. Mmh. Je trouve que c'est des idées où je fais. Ouais, mais dans quoi on. Enfin, c'est soit t'es vraiment sérieux et le pistolet juste disparaît et du coup machin, mais ces espèces de trucs un peu de rêve. Enfin, genre, oui, je contrôle tout. Ouais. Ce qui est déjà, bon, alors oui, c'est le grand de l'infini, oui, c'est Thanos, oui, c'est machin, mais là, moi, je trouve que c'est comme la planète. T'as atteint un stade où j'ai beaucoup de mal à me dire, oui, bah, vous allez gagner, les gars, ça me paraît évident. Oui, mais... Et là, pour le coup, je fais le critique rageux de YouTube qui a des figurines pop dans sa bibliothèque. Mais il y a ce truc qui m'énerve. Qui est des incohérences qui m'énervent en fait. Alors que moi je suis pas trop ce gars là normalement. Mais là c'est je trouve qu'il pousse trop loin le curseur. Bon tout le monde en a parlé, mais c'est la scène de Chris Pratt quoi. Et où je suis vraiment énervé en fait. Et du coup je lâche un peu le truc. Le fait que Chris Pratt peut enlever le gant et que pas. Parce qu'il dit voilà, j'ai tué machin. Et du coup non et c'est pas vraiment enfin pour moi Star-Lord ne peut pas faire ça en fait même si la colère même si ça se fait oui bah s'il lui enlève le gant c'est bon il va le tuer donc la colère sera là il y a pas de galère et il y a des petits trucs comme ça de personnages où j'y crois pas des masses et du coup je suis il un vite peu vrillé en fait loin Star-Lord c'est ça et il y a des trucs aussi où ce que j'aimais dans les films solo j'aime pas ce qu'ils en font là où dans Avengers 1 j'adorais ce qu'ils faisaient des gars. Là, j'aime pas trop. J'aime pas trop que. À part Thor avec les Gardiens de la Galaxie, je trouve ça très cool. Ouais, mais... Thor et Rocket, pareil, meilleur. Ça, j'adore, team, tu vois. Groot, il m'a cassé les couilles par contre. Groot, ado, c'est bien en scène post-générique, mais après, il joue à la console tout le truc. Moi, j'aime bien. Et après, il devient badass pour le marteau d'un seul coup. Ouais. Ouais, c'est dommage. Je trouve ça un peu dommage. Mais par exemple, j'ai pas du tout aimé tout le délire de. Merde. Ah, excusez-moi, j'ai un trou. Quelle tête il a? Quelle couleur? Il y a quand même beaucoup de personnages, vous avouez. Spider-Man, Tony Stark. J'ai pas trop aimé Spider-Man dans l'espace. J'avais tellement aimé Homecoming que d'un coup je fais wow, ok, vous êtes parti direct sur il est dans l'espace et ils refont une scène d'Alien 2. Et ce truc là, voilà, il y a eu plein de trucs comme ça où j'étais. C'est même pas genre le film est pas bien, le film est. Enfin, je trouve qu'il est de très bonne facture. Ouais. C'était vraiment un truc de. Et je trouve que c'est aussi ce que tu risques quand tu fais un univers aussi étendu, c'est que tu places évidemment des attentes et que du coup chacun a les siennes. Que et dans les miennes, plus, dans celles que j'avais. Ça ne correspond pas du tout à ce que je voulais. Et les personnages les plus stylés sont ceux qui m'intéressaient pas des masses, tu vois. Donc Captain America, Thor, excusez-moi, le personnage de Scarlett Johansson, Black Widow. C'est eux que je trouve ultra badass, stylés, avec les meilleures phrases, les meilleures scènes. Et je m'en bats un peu les couilles. Mais je trouve qu'en fait ils sont. Bah alors du coup on verra après dans Endgame. Mais pour le coup Captain America et Black Widow sont sous-exploités de ouf. Mais du coup. Mais ils ont quand même des belles séquences. Ouais, des... Ils sont censés être en mode un peu fuite. Genre ils sont un peu undercover. Donc peut-être c'est que ça. Tu vois. C'est mais pour après ça que... moi j'attends. Pour le coup je trouve ça difficile de juger Infinity War tant que j'ai pas vu Endgame. Alors fait. Voilà. Ouais, mais est-ce que c'est. Mais on est quand même sur un film de 2h50. Bah ouais, c'est ça. T'as quand même un truc. Ouais, mais c'est comme tu vois par exemple. Même quand on parlait de Star Wars, tu vois. Je parle du 7, je parle du 8. Pour l'instant, tant que j'ai pas vu le 9, il y a des réserves que je peux avoir sur le 7 et le 8 où je, pour l'instant, je me prononce pas. Ça se trouve dans le 9, ils vont te dire et tu vas dire ah ok, c'est pour voilà, ça. Voilà, exactement. Ouais. Donc pour l'instant, tu vois, il y a des trucs comme ça où j'espère mais en le avoir truc, c'est... plus pour Captain America. Je suis et, complètement d'accord, et mais tu vois sur les autres trucs que je disais, par exemple, je vois mal comment ils vont me sauver ça quoi. Genre pourquoi il a pas enlevé le gant pourquoi il a essayé d'enlever le gant. Je pense pas qu'ils arriveront à me l'expliquer. Il y a plein de gens qui disaient bah s'il a le gant, il a qu'à multiplier les ressources par 2 au lieu de niquer la moitié. Ce qui est aussi vrai. Mais bon, c'est un peu. Enfin, sinon il y a pas de film aussi. Si oui, vous voulez, oui, on regarde la télé. Sauf que t'as un gant de l'infinité en fait. Donc en fait, d'accord. c'est le tout est dans le nom. Tout le truc en fait, c'est même d'avoir pris Thanos en méchant. Enfin, c'est que je trouve que c'est ce truc là que je trouve un peu branlant. Bah alors je suis pas, justement, j'allais dire que tu parlais des attentes. Moi, la plus grosse attente, voire la seule attente que j'avais sur ce film là, c'était Thanos. Ouais. Parce que c'est quand même, c'était Thanos. Oh c'est quand même le méchant qu'on te vend depuis Iron Man quasiment, peut-être pas mais ouais, quasiment. En tout cas depuis, ouais. Voilà, c'est aussi je pense une des raisons pour lesquelles ils ont fourré des méchants qui étaient pas top et qui étaient mal réalisés, c'est parce qu'il y a toujours on garde le gros méchant sous le coude. Ouais. C'est pas ça excuse pas mais je pense que c'est une des raisons. Non, non, bah, ça peut... Et du coup, je trouve qu'il est parfait. C'est-à-dire que je vois pas beaucoup de défauts à Thanos, je trouve qu'il est réussi, il est bien joué, il a une bonne gueule au niveau des SFX. Oui, oui. Il est cohérent dans son bah alors c'est un psychopathe hein, mais il est cohérent dans son dans sa dans ligne son directrice cheminement, dans le cheminement, merci. Et je trouve que bah pour moi c'est lui le personnage principal du film et c'est en ça que ça marche. Alors c'est vrai mais c'est là où j'ai mis un mini doute par exemple sur vu qu'il c'est nous un film... les mini. Oh oui, très bon. D'accord en vrai. Si bien sûr. En vrai je suis d'accord. Vu que ça se prend quand même enfin ça se prend vu qu'il est très sérieux comme personnage Thanos c'est pas lui qui va te faire une petite punch et tout, il est très c'est un vrai méchant quoi. Ouais. Le côté psychopathe par exemple je le vois pas vraiment, c'est à dire qu'en fait il te dit bah non mon plan il est simple, ce qu'ils veulent faire un vrai méchant, ah à savoir je comprends. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on voit pas trop un côté psychopathe, en fait, on voit juste un fou. Mec qui a un raisonnement, c'est ça ouais. Il est pas fou en fait, oui sauf que son raisonnement vu qu'il a pas trop de sens il serait expliqué par bah je suis un psychopathe donc plutôt que multiplier les ressources par deux je tue tout le monde par deux. Moi c'est ce qu'on m'avait dit, j'avais dit bah, j'avais vu l'argument, enfin l'argument qui est pas ouf hein, mais de dire il aurait pu je trouvais sa motivation pas assez forte. Ouais. On m'avait dit oui mais c'est un dictateur cinglé et dans ce cas là je fais bah oui mais en fait, je pense qu'en fait je trouve le gant trop cheaté peut-être et du coup j'ai du mal exactement comme je disais plus tôt à être dans les enjeux du film là où dans un Spider-Man je comprends complètement ou dans Batman Return je comprends complètement, là je crois que le truc me dépasse et que du coup je suis c'est un peu too much pour toi, quoi. Je suis peut-être un peu middle c'est, mais en revanche j'ai méga hâte d'Endgame parce que justement l'après m'intéresse beaucoup à savoir 5 héros qui se retrouvent tout seuls à devoir sauver vraiment enfin revenir en arrière machin et tout en étant en infériorité en étant voilà et potentiellement avec tous les rumeurs qu'on voit passer il y a des petits trucs qui m'excitent quand même dans ce qu'ils veulent faire non là moi ça je suis méga hypé par contre. Encore une fois c'est pas un mauvais film, c'est juste j'ai pas kiffé en termes de pure action. C'est dans 3 semaines hein. C'est vrai ouais. C'est dans 3 semaines en termes de pure action. Je trouve que la scène dont t'as parlé où je suis d'accord sur le côté ils vont enlever le gant finalement ça m'a un peu déçu, mais la scène pour arriver au gant qui s'enlève presque je la trouve tarée en termes de le team up ouais. Ouais, génial. Ouf. Team up enfin, vraiment c'est pour moi c'est ma scène préf du film quoi, alors qu'il y a d'autres trucs qui sont plutôt cool tu vois. Moi j'adore mais cette quand scène est vraiment super, le Winter Soldier tient Rocket Raccoon par la peau et il a une mitraillette, ça c'est cool, ça moi j'ai trouvé c'est tellement ça. Débile que c'est génial. Quand il y a Tyrion de Game of Thrones qui alors non parce que franchement alors l'idée de faire un nain géant Nope. Oui, non, mais ça, voilà. Si tu veux, mais juste. Mais la scène de Thor est stylée. Même ça, on dirait quand même un peu une blague belge. Hein. C'est... non, le géant, c'est quoi C'est un nain. On est des génies ou quoi? Oui, bah les gars, calme-moi ça. Non, mais tu vois, il y a un peu. Lui, un tu le mets à part, mais comment il réactive la machine? Ça, oui, bah, c'est ça, grave ça, stylé ça. Ça c'est cool. Ouais, mais quand il dit ouais, je vais pas mourir sauf si je meurs, il fait bah non, c'est pas ça la blague. Ouais, ah, c'est ce moment-là, j'étais genre. Con. Ouais, c'est chaud. Alors qu'effectivement, la scène est hyper cool avec Rocket. Moi, la scène que j'adore d'action, j'aime pas trop la séquence de fin que je trouve. Un peu long. Enfin, je me suis un peu ennuyé pendant la grosse guerre avec le Wakanda. Oui, c'est vrai, moi aussi, je trouve moins bien. Et je trouve qu'il y a trop d'endroits, ils sont sur la planète A, la planète B et Wakanda. Mais j'adore la scène où Iron Man sort de la baraque de Doctor Strange et que ça se bat et qu'il y a les deux sbires de Thanos. Ça, j'ai trouvé ça chambé de ouf. Ouais, c'était ça, j'ai trouvé ça. C'était très bien. Et puis, petite frustration, mais ça, pareil, je pense qu'Endgame va sauver tout ça de Hulk. Moi, j'attendais un peu. Ah bah, très déçu. Non seulement frustration, mais en plus. Ridicule. Ridicule. Dans les moments où il essaye de se transformer en Hulk et qu'il n'y arrive pas, pour moi, il y a vraiment un truc de constipation, quoi. Ouais, c'est là, genre, les gars, on dirait vraiment qu'il essaye de démouler un cake parce qu'il n'y arrive pas. L'idée est cool de dire il s'est pris une raclée et du coup, il ne peut plus se transformer. C'est ça qui est dommage. L'idée de base est super. C'est ça. Mais. T'es là genre ah non mais surtout qu'il a jamais, mais ça c'est le problème quand t'as autant de personnages, c'est qu'en fait une scène comme ça il faut que tu sois que avec Bruce Banner seul chez lui devant un miroir c'est ça. Ou un truc moins cliché que ce que j'ai proposé mais qui vraiment part t'es et vraiment c'est face à une remise en question et un truc le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a ces scènes là il y a 12 personnes autour donc du coup c'est un peu caché enfin c'est il y a un truc qui aurait pu sauver puis ça pour moi il était à un moment il fout Bruce Banner dans une armure de Hulkbuster putain mais j'aurais kiffé qu'il se transforme en Hulk dedans et que c'est exactement ce que j'allais dire. Donc c'est mon gars. Alors les gars, franchement, et ce podcast, je pense qu'il sort. Il sortira peut-être pas lundi parce qu'il y a quand même 3 heures de rush, mais il sortira très tôt. J'imagine parce que j'ai vu sur l'affiche de Endgame qu'il y a le Hulkbuster, enfin le Iron Man Hulk, c'est ça, c'est Hulkbuster. Je pense qu'il y a moyen après, qu'il se transforme en Hulk dans le trailer. Tu voyais Hulk dans le trailer d'Infinity War. Oui, ça je trouve ça génial d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est cool. Avec les FX, ils traficotent les rushs, ils n'imaginent pas le film. Voilà. Donc, du coup, maintenant je me méfie. Mais dans l'affiche, je te dis, il y a le Hulkbuster. Donc, moi j'imagine très bien. C'est plus. Tu vois, j'imagine très bien la scène. Et du coup, ce podcast sera foi de Bruce Banner qui s'explose l'armure. Un truc que je trouve très cool dans le 3 avril. Voilà, c'est ça. Et Tony Stark derrière avec une petite larme, il m'a cassé. Il y a un truc que je trouve très cool dans la com de Endgame, c'est qu'on a, à part les posters, du coup, c'est qu'on voit pas Thanos. On sait pas ce qu'il fait, on sait pas où il est, on sait pas. Bah là, si, là, dans le dernier trailer, tu le vois. Tu j'ai vois pas quoi vu tout le dernier trailer. Il y en a un qui est sorti hier. Moi, je regarde rien. Tu le vois, après, tu vois pas d'où il arrive, pourquoi il est. Mais il y a. En fait, le trailer de Infinity War où tu l'entendais dire quelques petites punchlines, là, c'est un peu le même genre. Tu l'entends dire des trucs. Mais moi, ça m'a hypé parce qu'ils arrivent malgré tout à ne pas en montrer trop. Ouais, c'est trop bien. C'est juste qu'il est en armure là. C'est surtout qu'il y a un peu un truc de. Ils ont pas besoin. Non, c'est vrai. Il y a eu 2 milliards. Enfin, en tout cas, il y a eu des millions de gens que t'as quitté sur un énorme cliffhanger. Ils viendront voir l'autre. Hein, vous inquiétez pas. Justement, combien ils vont faire enfin, les deux films cumulés. Ouais. Les recettes, c'est vertigineux. Après, en termes de budget, on est aussi sur. Enfin, tu vois, oui, faut bien sûr, faut le rembourser. Mais si le budget, c'est quoi, c'est 300 millions. Infinity War a coûté 420 millions. Wow. 420 millions, mais enfin 2 milliards, c'est. Ah non, mais il est rentable. Il est rentable à 700%. Oh, la vache. Il compte tous les produits dérivés ou c'est juste les films, les entrées? Non, c'est que les entrées. Ah ouais, donc il en a encore plus que ça. Mais dans le budget, il compte pas justement aussi ça, à savoir les frais de production des jouets, les affiches, les bandes annonces. Mais le truc là, c'est que. Ouais, donc on va avoir un film qui dure un quart d'heure de plus, donc. 3h02 en tout là. 3h02. Bon, moi je suis chaud, j'ai envie de pisser de ouf, mais. Ouais, non, mais j'ai pris ma place pour le 24 au soir, je suis chaud là. Oh, je vais y aller le matin. Ah, faut que je le fasse moi. Quel con. Ça a été les préventes, ont commencé hier. Ah putain. Ouais. Donc la séance de 21h, le lien a été live, j'ai cliqué, il y avait déjà moitié de la salle qui était pisse. Bah oui, non. Voilà. Ok, peut-être. Bah, il va peut-être y avoir des avant-premières. Voilà. Je pense que je vais y aller mercredi matin. Ouais, moi aussi. Il y a des ciné qui font les avant-premières, enfin qui font une avant-première le mardi soir, enfin à minuit en fait. Ah. À minuit 5. Mais c'est déjà en prévente aussi? Ouais, tout est en prévente. Ah bah c'est sûrement complet. Ouais, c'est mort. Tout est en prévente. Mais ouais, moi j'y vais le mercredi soir. Dans le dark web. Bah moi je vais sûrement essayer mercredi soir aussi parce que moi j'attends ma meuf parce que vraiment sinon ça va être une guerre. Là les gens qui écoutent sont vraiment fascinés par ce qu'on est en train de faire. Non mais si vous voulez nous voir dans la salle. Mais c'est surtout qu'ils sont en train de se connecter au site du GC ou de Gaumont. Ouais, mais nous on est pas en avance donc tout va bien. Ah, c'est vrai, on va le faire maintenant en direct. Les amis, bon 3 heures alors on va aller un peu vite. Donc on aura pas les recos, il y aura pas tout ça, je suis désolé, mais c'est le temps de Endgame. C'est vrai. On va regarder tu un peu peux regarder Endgame et écouter en même temps. Au ciné, je te le j'espère que tu le fais. En parleur. Alors, quelqu'un qui dit les films sont souvent critiqués. Mais si on nous avait dit il y a 15 ans qu'on aurait des films pareils, vous auriez été trop hypé, non? Je crois qu'on est hypé quoi qu'il arrive. De films pareils dans le sens une saga complète, un univers partagé, tout ça. C'est ça. Oui, ouais, complètement. Ah, mais même il y a plus longtemps que ça. Enfin, c'est-à-dire même quand les Spider-Man de Sam Raimi sont arrivés ou quoi, jamais je m'imaginais qu'on aurait un jour genre un film Avengers. Quoi, d'ailleurs, en ça, c'est un exploit, je trouve. Ouais. Cinématographique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'avoir réussi parce que DC s'est planté là-dessus. Mm-hmm. Marvel a réussi un truc assez ouf quand même. Non mais en plus il roule sur Star Wars, toi tu parles toujours aussi du succès et des thunes que ça rapporte. Là on est en termes de thunes, c'est impressionnant. Après quoi. Tout est Disney, le rouleau compresseur, c'est le même argent. Ah, quoi ouais, qu'il arrive. ça retombe dans les mêmes poches, mais attendant c'est impressionnant. C'est vrai. Enfin... Donc là c'est quoi, tu lis des tweets? Non, c'est des gens qui ont envoyé des questions. Pensez-vous que l'univers Marvel aura autant d'impact que l'univers Star Wars a pu l'avoir dans les années 70-80? Moi, je pense que oui. Moi, je crois. Hein, oui, c'est une question de génération, c'est plein de choses. Mais l'avenir nous le dira, mais je pense que oui. Le problème, c'est que je connais pas d'adolescents, et c'est même plutôt bien, mais je suis pas mieux que des adolescents, donc j'arrive pas à savoir l'impact que ça. Moi, je suis juste papa d'un enfant qui a pas encore 4 ans. Ah oui, et quand même, tu vois la finitude. Qui m'a demandé un déguisement d'Iron Man pour son anniversaire, quoi. Alors qu'il a jamais vu Iron Man de sa vie, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'il y a un truc où donc la génération d'au-dessus de lui, je parle plus français, mais ceux qui ont 6-8 ans, et qui voient là Avengers et tout, je pense que dans 15 ans ils auront la même nostalgie que certains ont eu avec Star Wars. Après je pense que les jeunes de maintenant qui découvrent le MCU sont moins chamboulés que les jeunes quand ils ont découvert Star Wars parce que c'était très nouveau. dans les années 70 ce genre de cinéma. Et maintenant ils sont abreuvés par plein de trucs et tout, et il y a plein de trucs qui se ressemblent. Il y a 4 films par an par studio. Oui, c'est possible. C'est pas la même influence, donc je sais pas lequel est le plus, mais je pense que la claque était plus vénère pour les jeunes qu'au Star Wars. Moi je le comparerais plus au film d'action des années 80. Oui, peut-être. Quand t'avais les Bruce Willis, les Schwarzenegger, les Stallone, c'est ça. Et tu choisissais un peu ta team, quoi. Tu vois, on savait que les Schwarzenegger étaient souvent un peu mieux branlés et tout, mais tout le monde pense ce qu'il souhaite, mais moi Star Wars c'est quand même au-dessus de tout le reste, quoi. C'est le haut de la pyramide. C'est Disney quand même. On est d'accord. Putain, il y a des gens qui ont laissé des messages si énormes. Ah ouais, ouais, ouais, il y a des trucs. Ah, je si haineux. Non. Marvel enculé. Attendez, excusez-moi. Tac. On entendait pourtant il y a quelques années que. Je crois un petit peu de montage, hein. Ok. Que pensez-vous de l'histoire James Gunn et de son retour au final en tant que réalisateur pour les Gardiens de la Galaxie 3 en général? Que devons-nous penser des artistes talentueux et de leur déboire IRL? Bon, alors, on va peut-être pas partir sur, parce qu'il donne des exemples, on va pas partir sur Spacey et compagnie. Surtout qu'en plus, je trouve que c'est pas vraiment pareil. Non, mais déjà, est-ce que vous êtes content du retour de James Gunn? Oui, bah... alors, moi je serais content vraiment s'il est confirmé. Alors déjà il y a ça, mais s'il est confirmé qu'il fait Suicide Squad entre temps. C'est-à-dire, moi j'aimerais vraiment bien qu'il fasse un pied de nez total. Et en fait, une des conditions de son retour c'était de lui laisser le temps de faire Suicide Squad. Moi, Suicide Squad reboot, je trouve ça super. Moi, ce que je trouve assez cool, c'est que toute la. Alors c'est peut-être un truc de com aussi, mais c'est que toute la team des acteurs, tous les gardiens du coup. Était derrière lui et ont un peu milité pour son retour et tout. Après les trucs qu'il a à se reprocher, les tweets, les trucs, ça c'est son problème à lui. En tant que réal, le 2 m'a pas transcendé, mais j'aimerais bien qu'avec le 3 il fasse un truc. En plus ça sera vraiment post Endgame, donc toute cette histoire elle mériterait un film à elle toute seule, tu vois. C'est fait vraiment les rebondissements de ouf quand il y a tellement de thunes en jeu. Ouais. C'est impressionnant de d'assister à tout. Disons que je préfère Gunn à un Yes Man, pour dire ça vulgairement. Ouais. Qui reprendrait le truc, et ça serait hyper difficile de le reprendre pour un 3, quoi. Moi je suis très content, mais je suis limite plus hypé par son éventuel Suicide Squad, quoi. Je comprends. Je suis et surtout, je me demande comment il va faire, parce que c'est quand même des films qu'on peut assimiler un peu quand même, les trucs de. Ah bah grave. Voilà, et c'est dur de faire deux films. L'avantage qu'il a maintenant avec Suicide Squad, c'est qu'il n'a pas besoin de se tenir à une charte. Ce sera forcément mieux. Ouais, déjà. Il va être obligé de reprendre Margot Robbie, je pense. Bah peut-être, non, mais je voulais dire dans le sens où maintenant, vu que le DCU n'existe plus vraiment et que tous les prochains films DC seront plus ou moins indépendants. Ouais. Bah, il a plus de charte comme une charte Marvel. Tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être un bon point du coup. Pensez-vous que le MCU a permis de remater des générations, de se réintéresser aux comics? Je pourrais parler très clairement. Les films de super-héros n'ont que très peu, voire aucune influence sur le nombre de ventes de comics. Ah ouais. Il y a des études très récentes qui ont été faites. Ça ne relance pas les ventes de comics. C'est-à-dire, bizarrement, les comic books Avengers, nous avec Ben on les lit parce que c'est super, mais c'est pas des gens qui sont allés au cinéma voir Avengers qui se sont dit oh là là, on va aller acheter les comics parce que c'est trop bien. À chaque fois je vois Panini et tout qui réédite. Ah bah bien sûr. Je pensais que ça avait quand même un petit push. Non, pas significatif. Sur des comics que j'imaginais, pas assez pour transformer l'économie. Pour se dire que le public est passé d'un. Ça augmente pas, mais est-ce que c'est pas d'un côté ça baisse et c'est les nouveaux lecteurs qui font remonter? Non, ça marche pas comme ça. Non, pas du tout. D'accord, ok. Pour les fans de comics sur la table, donc moi je vais vous laisser parler. Qui pourrait être le prochain grand méchant du MCU après Thanos? Galactus. Ouais, Galactus, ce serait charmé. Parce que ça voudrait dire surfeur, ce que tu disais tout à l'heure. Ou alors, parce que là, vraiment, Thanos, pour moi, le vrai gros méchant de Marvel en comics, c'est Thanos. Pour moi, il n'y a personne au-dessus, pour plein de raisons. Donc là, ils ont tapé. Mais est-ce qu'ils imaginaient tenir 10 ans déjà? C'est énorme. Personne ne peut se dire, je vais faire une saga qui va prendre 10 ans de vie. Après, le truc, c'est que ça dépend un petit peu de ce qu'ils vont faire de Thanos à la fin de Endgame. C'est-à-dire, soit Thanos va claquer, soit Thanos va rester. Et si Thanos reste, il y a des pistes extrêmement nombreuses dans les comics qui font que ce personnage pourrait devenir hyper intéressant par la suite. C'est-à-dire que à partir du moment où il a échoué son projet, son plan, il fait d'autres trucs Thanos, quoi. Et des choses qui se passent dans l'espace, qui peuvent mais dans une Renault espace. Engendrer des en plus c'est, tout, c'est moins spectaculaire, ouais, mais bon, ouais, ça va. Ouais, d'autant que tu le mets dedans, il prend vraiment toute la place dans la bagnole. mais il y a moyen de faire vraiment du space opéra pur et dur, de partir dans quelque chose de très différent, de s'éloigner. Ça pourrait en fait être très très cohérent avec, avec ce qui va se passer sur Terre, c'est-à-dire que si jamais on n'a plus une partie des Avengers, mais qu'on a Captain Marvel, qu'on a les Gardiens, qu'on a des personnages qui peuvent plus évoluer dans l'espace, ça se trouve, ça peut partir dans un truc beaucoup plus cosmique. Après, Et à ce moment-là, partir sur des méchants, sur des grands méchants qui sont voilà, des êtres. Alors toi, tu vas moins aimer, forcément, parce que ça va être moins. Mais surtout, voisinage. Je trouve qu'il reste plein de héros Marvel. À niveau humain, moi les Daredevil, les Punisher, c'est peut-être des séries Netflix, mais j'aurais aimé des vrais bons films. Tu vois ce que je veux dire? Mais même, enfin, tu vois, Thanos c'était le choix du gros méchant, donc c'est parti dans l'espace. Mais si on décide en plus avec tous les rachats de trucs et tout, je sais plus à qui appartient Namor, mais si mettent Namor dans la recette, t'as tous les Namor, trucs dans les fonds marins. Au final, la magie elle est assez peu exploitée. Enfin, les méchants, tu vois, on a vu Dormammu vite fait dans Strange 1. Attends, j'ai dit 1. Mais tout le côté magique de Marvel peut être aussi. Et puis il y a d'autres thèmes et d'autres univers qui restent chez Marvel qui peuvent être exploités. J'espère qu'ils partiront dans d'autres. Namor, ce serait vraiment. Namor, ce serait vraiment cool. Bah, surtout, en plus, il y a Aquaman. Succède Aquaman. Bah ouais, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. J'aimerais bien aussi, parce que mes méchants préférés, à part Thanos, sont ceux du street level, justement. Ouais. J'aimerais bien qu'ils partent sur des méchants plus terre à terre et plus complexes que des méchants super puissants. Après, ils vont peut-être les garder justement pour les séries télé. Hein. Comme du coup, il y a Disney+. Moi c'est ça, et ma crainte c'est de se dire oui mais c'est pas du grand spectacle pour les gens. Enfin tu vois, pour moi le final de Spider-Man Homecoming, j'avais l'impression que c'était ça le message quoi, c'était de dire bon même si c'est au niveau machin, on est obligé quand même de tout faire péter à la fin pour en envoyer plein la gueule, et donc du coup il y aura un avion invisible, je fais oh là. Mais c'est ça, mais parce que aussi le mec qui a pas de pouvoir ou truc comme ça, tu vois direct qu'il sert à rien, et c'est déjà le cas quand tu vois genre Black Widow au milieu de tout ça et que t'as tout le monde qui est ultra cheaté autour et t'es là. Mais c'est pour ça que Thanos dans Endgame, ça pourrait être une bonne remise à zéro, entre grosses guillemets, qui permettrait peut-être de remettre, ça y est, des petits héros, des petits. Mais tu vois, même quand ils font Ant-Man qui a des problèmes un peu plus humains, les gens s'en foutent un peu, quoi. Bah, c'est pour ça, d'où le fait que les street level, j'y crois pas trop. Non, mais c'est dans ces trucs-là que tu peux essayer de faire des cinémas de genre un petit peu, quoi. Ou d'avoir un peu d'identité autre que. Tu m'emmènes presque vers la question d'après. Comment expliquez-vous que le Marvel Cinematic Universe soit aussi complet et logique, là où le DC, par exemple, Cinematic Universe, semble pas du tout réussir à faire ce qu'ils avaient prévu à la base, ou alors même le Dark Universe, à savoir la momie et compagnie. Le Dark Universe, on en parlera, mais alors, restera une photo. Hein, moi, je vous rappelle. J'aimerais bien quand même, même si 90% des films du DCU, je les trouve mauvais, il y a quand même un truc de tentative de donner. De filer les rênes à des auteurs un peu. C'est-à-dire que chez DC, t'as vraiment un studio qui dit à des réals fais ton truc avec ta patte. C'est très récent. Quand même. Bah, pas tant que ça, parce que Zack Snyder et son Man of Steel, même si je trouve que c'est une merde, c'est vraiment un film de Zack Snyder, quoi. Tu vois, et d'ailleurs, c'est lui qui a imposé sa patte des Man of Steel sur ce qu'allait devenir le DCU par la suite. Mais c'est pour ça, James Wan, il a vraiment fait son truc. Patty Jenkins, elle a fait son film, et je trouve qu'à chaque fois, en fait, c'est des films. Et c'est pour ça que ça manque de cohérence. Ça marche pas, mais c'est à chaque fois, c'est des films qui sont très identifiés à leur réalisateur. Et ça, je peux pas l'enlever à DC, quoi. Tu vois, ils prennent plus de risques, je trouve. Ah, mais moi, ils prennent beaucoup plus de risques. Ah, bah, je pense que oui, Kevin Feige. Personne lui dit non, en fait. Et si tu lui dis non, tu te casses. Oui, c'est ça. Et d'où le fait qu'il arrive à garder. C'est une petite partie d'un grand plan, en fait. C'est ça, qu'il arrive à garder la mainmise. Ouais, mais il ouvre quand même la porte. Alors, encore une fois, on est, comme dit Flaubert, on n'est pas dans les studios, on sait pas, mais il a quand même ouvert la porte à des mecs comme Taika Waititi, ou James Gunn, qui sont quand même des ovnis, qui font des films qui sont des ovnis. Oui, mais des gens qui exactent ça dans l'histoire. Ça reste cohérent. Vas-y. Non, c'était juste, ça reste cohérent en attendant, tu vois. C'est vrai. Et surtout, c'est dans la grande histoire de l'adaptation de comics, d'aller choper des gens qui font de l'indé pour faire d'énormes blockbusters. Les mauvaises langues diront que c'est parce que ça permet aussi d'avoir plus de la main sur les réals. Bien sûr. Mais à l'époque de la Fox, Bryan Singer, quand il fait X-Men, il a fait Usual Suspect, mais c'est le plus gros budget qu'il a géré. Quand Sam Raimi fait Spider-Man, bah, c'est Mort ou Vif, le plus gros, et voilà, c'est Evil Dead, c'est Darkman. Enfin voilà, donc il y a toujours eu un peu ce truc-là, d'aller chercher des auteurs, entre guillemets, des réals un peu indés. Pour faire des des gros blockbusters, tu vois. Pour répondre à la question même très Lucas précisément, à l'époque, c'était ça. Parce que finalement on s'éloigne un peu, mais en gros chez Marvel t'as Kevin Feige qui est le sort de grand ordonnateur du truc qui fait qu'il y a une cohérence, même si la timeline comme tu le disais est pétée, il y a le cahier des charges est à peu près le même, il y a une vision. Chez DC ça part dans tous les sens, mais d'un autre côté Snyder, je trouve que ça devait être Snyder. Ouais, au final non, du coup le problème c'est que oui effectivement ils changent d'avis toutes les deux minutes parce que ils ont des espoirs, ils pensent que ça va marcher puis en fait ça marche pas, donc du coup ils rectifient le tir à chaque fois. Et c'est ça et ça se trouve en fait le drame de tout ça c'est juste que la fille de Zack Snyder s'est suicidée parce que tu sens que Zack Snyder il avait prévu tout un truc, enfin la fin de Batman vs Superman, tu sens, on pense qu'on veut du film hein, mais tu sens qu'il y avait des trucs de prévu derrière qui avaient quand même plus de sens que Il s'est pris un shitstorm parce qu'il a dit que son Batman il était réaliste et que les gens aimaient trop rêver, salut les comics, et que son Batman qui tue des gens on devait l'accepter, mais moi je trouve qu'on aurait pu l'accepter, enfin moi je rejoins Joe sur le côté, moi je tu vois la joie quand on enregistre le podcast, ils ont j'ai pas regardé la bande annonce mais il y a le Joker qui est sorti, super, ça a l'air super, et en tout cas sur le papier ça a l'air effectivement d'une vraie proposition, on fait autre chose, et moi je l'ai déjà dit au moment du podcast Star Wars, mais c'est ce que j'espérais de ces grosses licences. Moi tu me dis Disney achète une grosse licence, je veux pas que tu me fasses un truc cohérent, fais justement utilise ta thune pour faire le bien, non mais tu vois, et propose des cinémas différents et vois ce qui marche, ce qui marche pas, plutôt qu'essayer de faire empires Mais moi, je pense à un truc aussi pour répondre à la question, je pense que déjà DC est parti avec un handicap, c'est que ils étaient deuxième, en fait ils étaient en mode réponse à Marvel, alors c'est pas forcément une excuse, mais en tout cas je pense que c'est ils avaient ce handicap là et ils ont fait un choix, je sais pas d'où ça sort, peut-être de Zack Snyder, ils ont fait un choix d'être vraiment en mode dark, c'est-à-dire que même le Superman qui est censé être un personnage solaire, là il était vraiment en mode dark, tout le monde est vénère, la DA elle était vraiment foncée et tout ça, Dark Jésus quoi, exactement. Et du coup bon, Batman bon, ça va, ça colle un peu, même si ça a été trop loin, du coup il tue des gens, mais du coup je pense que je trouve pas que c'est trop loin, avoir ce ton hyper dark, hyper sérieux, hyper dramatique, c'est dur pour faire des entrées déjà, exactement, et je pense que ça te donne une palette moins fournie pour ensuite faire ce que tu dis, c'est-à-dire d'autres styles différents. Alors que quand tu pars sur un style plus léger, après tu peux être sombre. Alors que quand t'es sombre, si tu commences à faire des blagues, ça marche moins. Je pense que ça te coupe aussi d'une partie du public. Exactement, aussi, bien sûr. C'est plus adulte et bien sûr. Ah Batman vs Superman, je le montre pas à un gamin de 8 ans. Non, c'est sûr. Là où Ant-Man 2, tranquille quoi. Tu vois, y a pas après, leur choix de démanteler le DCU, de faire des films qui seront plus vraiment connectés. Après, j'ai vu Shazam aujourd'hui, il y a des petits easter eggs, mais c'est pas. Voilà. Genre ils existent quoi. Exactement. Je sais pas si c'est un choix d'urgence en mode putain on s'est fait niquer, on arrête, ou c'est plutôt ce que tu dis de dire vas-y venez on fait différent en proposant à des auteurs de faire des stand-alone et qui tu vois je alors, sais pas. J'ai pas vu Shazam, mais enfin j'ai quand même l'impression que ça a l'air un peu léger justement à la Marvel, ce qui était déjà Aquaman. C'est et vrai. Du coup tu dis c'est des auteurs, mais enfin j'ai l'impression qu'on se rapproche d'une formule, ils essayent de copier plus que Zack Snyder, et encore une fois moi j'aime bien Batman Superman, j'ai beaucoup de réserves sur Man of Steel, on pense qu'on veut des films, mais au moins ils avaient une patte que t'avais pas trop vu ailleurs, c'est vrai. Et du coup aujourd'hui c'est vrai que c'est Justice League, c'est pour ça que je pense que c'est un film fascinant qu'il faudra vraiment étudier des années et des années, parce que c'est vraiment un film malade, c'est incroyable, c'est un monstre. Tout le monde l'a dit, mais le film s'ouvre plus ou moins, le troisième plan c'est un clodo avec écrit j'ai essayé quoi, tu dis c'est fou, on dirait un message, il y a vraiment un message, et c'est sur le écrit par Josh Whedon. Sur le moment de écrit par Josh Whedon, il y a j'ai essayé, et on a vu enfin la moustache d'Henri Cavill, la photo, j'avais oublié ça, c'est formidable, c'est dur. Ça aussi, ça c'est quoi, c'est le deuxième plan, le plan iPhone du début, le plan Snapchat là, c'est terrible, violent, et donc du coup voilà, et surtout l'autre truc que j'entends pas trop, et c'est un truc que je pense, je crois que l'historique de Marvel au cinéma, il y avait plus un château à construire, là où le passé de DC, t'as un Superman qui est quand même culte pour tous les Américains, Batman, t'as deux sagas Batman qui sont passées par tous les, parce qu'on parle de Marvel et tout, mais en fait au final le super-héros le plus populaire de tous, ça reste Batman quoi. Ouais. C'est ouf que ce soit pas Superman lui qui fasse derrière. Et t'as eu beaucoup de films sur eux. Des et séries, donc voilà, alors que tous les gars du Marvel Cinematic Universe, à part Spider-Man, tu ne les avais jamais vus au cinéma. T'avais jamais vu Iron Man, t'avais jamais vu les Gardiens de la Galaxie, t'avais jamais vu ce mec-là. Et donc du coup, je pense que c'est aussi ça que se prend Batman. T'avais vu Hulk, si. Oui, t'avais vu Hulk, mais tu vois, il a pas eu son. Voilà. Non, clairement. Ouais. Et donc je pense qu'il y a un peu un truc où aussi, quand t'as kiffé les Batman de Nolan, et moi c'est de Nolan. Putain, je suis en train d'imaginer. Et en vrai, Batman avec des gros plans dans tous les sens. Bah, Batman qui a un problème avec sa mère, donc on est pas si loin. Qui s'appelle Martha. Voilà. Ouais. Je pense que le souvenir était trop récent et cool, quoi. Je suis un peu dégoûté parce que pour le coup, je suis plus fan de base de DC que de Marvel. Ouais, pareil. Voilà, c'est dit en fin d'émission. Ouais, pour le coup, des comics Marvel, j'en ai lu très très peu que des DC. Je suis fan de plus de Batman. Ouais, donc, du DC ou d'ailleurs. Et donc effectivement, j'ai même plus. Joe, il est au bout de sa vie. C'est vraiment bon. Non, mais j'ai l'impression d'être de vivre avec cet homme. C'est quand même incroyable. L'univers est tellement bien, il y a tellement moyen de faire des trucs de dingue. Et du coup, je suis plus frustré de se dire putain, vous avez un matériau de base de ouf et vous faites ça. Et ça justement, ça, j'allais dire un truc qui complète ce que tu dis, c'est que je trouve qu'à la télé. Dans, alors on aime ou on n'aime pas les séries CW, le Arrowverse, DC arrive à faire un truc que Marvel a foiré, que ce soit Netflix ou que ce soit Agent of S.H.I.E.L.D. ou quoi, c'est que justement ce que vient de dire Vesper, ils arrivent à le faire à la télé, alors c'est sûrement différentes prods mais ça reste Warner et puis DC, ils arrivent à vraiment se lâcher, alors c'est que des ce comics, soit voilà, Arrow, Flash, le Arrowverse qu'on appelle le Arrowverse, ils arrivent à vraiment toucher du puis doigt, même les Titans et... alors Titans c'est encore autre chose parce que eux ils ont réussi à faire un truc comics et stylé à la fois, donc et Doom Patrol et des trucs comme ça, c'est trop bien. Mais juste le Arrowverse, ils arrivent à vraiment toucher le côté pulp des comics, ce que t'as pas du tout au cinéma. Il y a vraiment les costumes de couleur, les persos qui lâchent des tirades vraiment comics et tout. Et du coup, ils arrivent à faire un truc à la télé et pas au cinéma. Alors, je pense que c'est pas les mêmes équipes, mais c'est bizarre que d'un côté, oui, ils y arrivent. T'acceptes plus à la télé aussi. Oui, c'est ça. Le côté c'est cheap, pas à la télé, c'est pas pour lui. Tu peux tout avoir, tu vois. C'est vrai. Et pour conclure un peu, parce que là, ça fait vraiment très longtemps qu'on parle, moi j'aimerais quand même, ouais, effectivement, juste dire que moi je crois qu'il y a quand même un truc où on a quand même beaucoup de films de super-héros, genre vraiment beaucoup. Ah oui, là, et même s'il y en a plein qu'on on a prouvé vraiment qu'on les aimait, il y en a plein qu'on adore, mais et je crois que là, moi j'ai une sensation, je sais pas si c'est vrai, encore une fois, je suis pas dans les studios, j'ai l'impression que les mecs se dépêchent là. C'est-à-dire qu'il y a un truc de allez, faut qu'on les fasse. Enfin, Shazam, avant que les et je l'ai pas vu, peut-être qu'il est très cool, mais tu te sens vraiment genre allez, non, mais on le... voilà, faut qu'on fasse Shazam aussi. Tu fais bah, rien ne vous oblige à faire Shazam, les gars. Ouais. T'as l'impression qu'ils surfent sur un truc en se disant bon, parce qu'après, enfin, on va avoir, je pense, un désert super-héroïque après qui va être assez fou. S'ils vont réussir à tenir encore 10 ans, enfin ne serait-ce que Marvel, pas sûr qu'ils tiennent encore 10 ans, donc effectivement. De toute façon, quand Marvel va se casser la gueule, tout va se casser la gueule. Bah, la bonne nouvelle, c'est que t'as de plus en plus. Écoutez-les, les Nostradamus de Blockbuster. Eh bien, écoute, on écoutera ce podcast dans 10 ans et voilà, j'aurai la même adresse mail. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, parce qu'il y aura sûrement à boire et à manger, mais ça fait aussi que les studios se tournent plus vers les comics comme matière première pour faire des films et des séries. Et de plus en plus du côté des comics indés qui sont de bonne qualité. Alors ça veut pas dire que ça sera des bons films ou des bonnes séries, mais je pense que comme tu dis, on va peut-être s'écarter un peu du super-héros en slip pour faire des trucs toujours oui, un peu parce que finalement là tu vois là le même si le mec me fait chier le Mark Millarverse là en fait tous les comics qu'il fait c'est quasiment des pitchs de séries ou de films il a plein Netflix, de trucs hein, il a carrément il collabore avec Netflix pour ses comics sur éditeur de ses comics. Je trouve que c'est cool parce que ça laisse supposer que comme dans les comics il y a un moment où l'indé va prendre le devant le dessus et on va avoir des adaptations de trucs. Ça serait vraiment moi j'adorerais que le Joker ça fera jamais des milliards de recettes quoi. Non mais moi ce que j'espère c'est qu'avec le Joker par exemple ils aient un truc économique qui marche, à savoir un film beaucoup moins cher qu'un Endgame et qui marche extrêmement bien à la Paranormal Activity, tu vois, les espèces de trucs qui genre ok d'accord on s'est vraiment rentabilisé de ouf pour lancer une vague. Tu verras quand tu mettras la bande annonce, mais moi je suis extrêmement hypé par le film du Joker, mais ça a l'air d'être un parti pris tellement extrême que on s'en fout qu'un film fasse des milliards et des milliards d'entrées tant que tu te rembourses énormément en fait c'est ça tu vois. Et donc si le Joker il se prouve qu'en fait ok on peut faire des films qui sont des paris un peu plus tranquilles en fait il manque un gros gadin je pense. DC les a pris donc c'est pour ça qu'ils partent là-dedans ils se sont pris Justice League dans la gueule et voilà. Je pense que Marvel s'ils se prennent un énorme gadin, bon ce qui a pas l'air d'être prêt, mais le après Endgame pourrait être ça hein. C'est sûr et certain. Moi j'adorais que ça parte là-dedans. Moi c'était ma grosse frustration de Solo, c'est que je m'étais dit putain trop bien avec les Star Wars Stories là, ils vont partir sur des auteurs qui proposent leur version d'un univers Star Wars et donc Lord et Miller vont peut-être faire un truc vraiment gaulerie avec plein de blagues et machin. Bon au final ils ont pas fait ça mais c'était mon espérance de cinéphile, c'était ça, c'était de me dire j'espère tellement que pour caricaturer Tarantino va faire un Batman, que Tim Burton va faire Flash, enfin tu vois, que des auteurs reprennent les trucs. Bon je pense qu'économiquement c'est peut-être pas viable. Bah là il y a Matrix qui va faire Batman. Matrix, moi j'aime bien Matrix, mais surtout là le Joker je suis très très très intrigué. Bah moi j'aime bien le réal en plus. Moi j'adore Todd Phillips, ouais, je trouve que c'est un mec, l'équipe derrière, enfin tu regardes le directeur photo, c'est mais surtout quand même c'est des très grosses pointures. Et je pense que c'est ça l'avantage. Et voilà. Et j'imagine pas Joaquin Phoenix aller, je le connais pas, mais quand je regarde sa filmo, c'est mon pote, je l'imagine pas aller là-dedans si c'était pas un peu bien, je pense. Oui, moi, je vois mal le gars se dire, oh non, je vais être le Joker, c'est un coup à prendre. Ouais. Le gars, tu surtout vois. Surtout qu'il a pas pris sa retraite 12 fois. Si, et puis apparemment, il a perdu beaucoup de poids pour le rôle. Et ah bah, en oui, vrai, oui, clairement. C'est pas mercantile, tu perds pas 30 kilos, c'est que tu dois croire au film quand même. Ouais. Donc j'ai, puis moi, il j'ai a un pas mal de Joker avant lui, donc pression. Donc il veut aussi faire un Joker différent parce qu'il est un peu obligé. Ouais, il peut pas le choix. C'est ça. Mais ouais, je pense aussi. Ouais, je pense aussi. Scorsese à la production. Oui, Scorsese à la production, De Niro dans le générique. Enfin bon, c'est quand même, on est sur quelque chose de très très. De Niro de Dirty Grandpa. Tu parles tout à fait. Absolument. De mon voisin, mon beau-père, mon beau-père et moi. Mon voisin et moi. C'est la suite. Bon, je crois que c'est le moment d'arrêter. Merci à tous. Dernier petit tour quand même. Vesper, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Twitter @wonder_vesper. Bien sûr. Tiré du bas. Tiré du bas. Exactement. Ou sur YouTube quand j'ai la foi, mais Twitter c'est plus fiable. D'accord. Ben Renault sur Twitter comme bien Vesper. Et oui, j'ai eu un tweet qui me demande, peut-on espérer un jour le retour de C'est Cool C'est Quoi? Oui, absolument. Ah, absolument. Putain, oui, mec, c'est cool, c'est quoi, en fait, là. C'est entre l'Arlésienne et autant il y a des trucs qu'on essaye de relancer qui vont demander du temps, des sous et tout, autant C'est Cool C'est Quoi, on est vraiment des gros flemmards, on pourrait le faire genre hyper facilement. Vous avez dû faire deux podcasts, vous auriez pu faire C'est Cool C'est Quoi. Non, c'est juste que ça a toujours été une émission que j'ai pensé comme un truc plus qualitatif que quantitatif. Sinon j'en aurais fait toutes les semaines. À la différence de nous, d'accord. C'est ça, un podcast tous les jours. Très bien, non, très je déconne. Non, mais du coup, en fait, disons que c'est une émission qui peut être très ratée si c'est mal préparé ou s'il n'y a pas les bons invités. Sauf que coup, quand voilà. On fait beaucoup comme moi, tu as le droit de faire des ratés. C'est ça. Les gens t'en veulent moins, tu vois. Mais moi, il faut que ça reste cool. Parce qu'il y a un nom. J'attends que Ben m'invite pour une spéciale Harrison Ford, mais voilà. C'est pas vraiment une passion, Harrison Ford. Ah bah si, clairement. Chez Vesper, si. T'es pas venu chez moi, toi. Sinon, en attendant, Kumité avec Juliana et Adrien Larousé, ce qui. Jean-Claude Van Damme est une vraie passion. Bien sûr. Là, on vient de. Ah, ça, c'est acceptable, Jean-Claude Van Damme. Là, le prochain qui sort à l'heure où on enregistre, c'est le Grand Tournoi. Qui est le début de la fin. Oh, chef d'œuvre. J'aime beaucoup le Grand Tournoi, mais c'est le début de la fin, t'es d'accord avec moi? Oui, mais j'adore le Grand Tournoi. C'est mon film, mais c'est un truc d'enfance. Non, mais Jean-Claude Van Damme, c'est pas un peu tout le temps le début de la fin? Enfin, c'est pas. Là, c'est vraiment. C'est sur le fil du rasoir. C'est la première fois qu'il est réel. Pour moi, c'est répliquante le début de la fin. C'est vrai que ça peut être un peu ça. Et puis voilà, peut-être C'est Cool C'est Quoi. Et si les gens nous suivent, Joe et moi et d'autres gens sur Twitter sauront qu'il y a un autre truc qui se prépare, qui va renaître de ses cendres. Ah, la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, tu es de loin lié à ce projet. Si les gens. Okay, ils sauront de quelle émission on parle. Très bien. Voilà. Évidemment, je dirais pas de quoi il s'agit. Non. Alita. Joe? Oui, moi vous pouvez me retrouver tous les jours sur MCM avec Nico Pratt dans Joe et Nico. Mais bien et sûr. Puis, là je viens de. Alors bon, c'est vraiment un projet très personnel et j'ai monté une chaîne YouTube ASMR. Ah, voilà. Bien sûr. Tu peux le dire en Joe, ASMR ou pas? Ça s'appelle Joe Ima ASMR. Non, parce que ça va pas. La qualité de son est trop pourrie. On a pas les bons micros. Ça va, ouais, c'est ça. Mais voilà, si vous tapez Joe Ima ASMR sur YouTube, vous allez tomber sur quelques vidéos et je vais essayer de faire ça de manière très régulière. Pour l'instant, je suis à un rythme d'une par semaine à peu près. Et c'est de la particularité, c'est de l'ASMR qui parle de pop culture. Donc, y a de la lecture de comics, il y a des unboxings de figurines, des trucs vraiment que tu vois d'habitude sur des chaînes pop culture, mais tout ça en chuchotant, voilà, pour vous relaxer. Et des photos aussi, tu fais des photos de. Ah, les de photos de jouets, bien sûr. Ouais, c'est un Instagram consacré à mon autre passion qui est la photographie de jouets, la mise en scène de jouets. Ça s'appelle French Toy Love, avec des underscores entre chaque mot. French Toy Love sur Instagram, voilà, j'aime ça. Prendre des jouets en photo et gérer les lumières, faire du travail de lumière, c'est ma vie. Parfait. Et écoutez, en tout cas, sachez que ce podcast ne sortira sûrement pas lundi puisqu'on est à 3h30. Bonne soirée tout le monde et bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Et puis la semaine prochaine, le retour du Floodcast en formule un petit peu plus. Avec normal. Des gens marrants, du coup, c'est ça? Non, arrêtez, vous étiez géniaux. Vous étiez géniaux. Bisous tout le monde. Salut, Gérard Géniaux. Ciao. Oh là là, ça fait mal de faire la tuer, d'accord. Here's the story of a playboy genius. Who was gearing up to form some sort of crew? One's a former Russian spy. A god of thunder. One fought in World War II. It's the story of a handsome Star-Lord. Like the greatest to ever walk the earth by far. And a Falcon. And a magic doctor. Wakanda forever. So then one day all the heroes were assembled. to fight a villain who packed much more than a punch. And this crew was labeled the Avengers. That's the way we all became the Marvel Bunch. The Marvel Bunch. The Marvel Bunch. That's the way. Hello, brother. Shut up!